Salut Mathieu, c'est fini pour ce soir. Merci pour cette soirée. On vous retrouve dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. On sera là avec le doc, Karima, toute l'équipe. Ouais. Et bonne on va retrouver Mickaël là maintenant. Mickaël No Limites. Salut. Comment Mickaël. Ça va? Salut. Ça va bien, bah, encore une bonne soirée là sur Fun Radio. Bah oui, très bonne soirée effectivement. On est là jusqu'à 2h. T'as écouté toute l'émission? Bah bien sûr, et comme tous les soirs. Bravo, t'as appris des choses? Mais bien entendu, bien entendu, notamment pour pas faire de bruit de. Comment dire? De chat. Des pets de fouf? Ouais, des pets de fouf. Qui a écouté? Bah oui. pas du tout. Non mais bah parce qu'en fait on, quoi qu'il arrive quand on travaille, le studio est tellement bien fait que de toute façon quand on enregistre un truc on vous entend en même temps, donc c'est génial. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut tout suivre en même temps, nous on est multifonction, multitâche. C'est top ça. Ah bah t'as vu, c'est top. La technique a bien bossé. Et, ah bah complètement, tu vois, je les embrasse. Bon. On repasse des messages, là, on va se faire taper sur les doigts là. Pas du tout, non, pas du tout. Eux peut-être, mais pas moi. Bon, retour de Loving Fun demain. Demain, on sera là, ouais. Avec les dernières de la semaine déjà. Comme le temps passe vite. On prend les bonnes habitudes. Ah bah ça c'est sûr, hein, ça c'est certain. Mais nous on reste pas en rade à New York. Ouais, bah j'y peux rien, tu veux dire. Ah bah ouais, mais ça c'est. Assez, nous. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y avait pire comme destination pour rester bloqué. Hein. J'aurais pu rester bloqué à Charleroi ou je sais pas. Ah oui. Voilà, c'est. Mais là, on embrasse tous les habitants de Charleroi. Hein, bien entendu. Bah, tout à fait, tout à fait. Bon, bah, bonne soirée à vous en tout cas. Salut, Mickaël. Et puis on est parti jusqu'à 2h du mat. Ciao. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans Mickaël, No Limit. Alors moi c'est Mickaël, on est reparti pour une nouvelle émission pleine de tendresse. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, hein, c'est ça. Ah, hein, quelle tendresse, c'est beau. Trop de tendresse, c'est ce que j'allais dire. Et ouais, d'amour également, puisque nous ferons ce soir le jeu du. Je t'emmerde. Et voilà. Je t'emmerde. Voilà. Je t'emmerde. On fera ça évidemment. Et il y a des smartphones d'ailleurs, les smartphones Arcos 45 Platinium à gagner. Si vous arrivez à placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation, on aura évidemment aussi les 200 € qui seront à gagner ce soir. Hein, si vous voulez tenter votre chance, ce sera dans la colle dans quelques minutes. Et puis avant minuit, on s'écoutera aussi du bon son, notamment avec AZ, que je vous cale dans quelques minutes. Il y aura aussi Chucky avec Skydive. Il y aura Afrojack. Il y aura Pharrell Williams. Il y aura Tony Junior. Il y aura Eminem. Il y aura Zid. Et puis je vous calerai aussi Jason Derulo avec Marry Me. Toujours une chanson que Sandro aimerait bien qu'un mec vienne nous chanter. Quelle horreur. Voilà. De quoi, la demande en mariage de Sandro ou la chanson? Oui, ouais, la demande en mariage de Sandro. Voilà, et si vous avez envie d'écouter les sons particuliers, si vous voulez, vous n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, vous demandez sur Twitter et sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Et puis surtout, on va faire l'émission avec vous. Et d'ailleurs, on a Jackie au standard avec nous. C'est Lamia qui est avec nous là. Salut Lamia. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi Lamia. T'as passé une bonne journée? Merci. Ouais, ça va tranquillement. T'as fait quoi de beau? Bah rien, je me suis promenée en ville, j'ai fait du lèche-vitrine. Ah ouais, grosse vie difficile toi. Ah ouais, grosse vie difficile, effectivement ouais. Et on parlera de quoi dans quelques minutes avec toi? Ah bah j'ai grillé toute ma carte de crédit dans les soldes. Non, du tout. En fait, je dois partir en voyage le 13. Ouais. Et le tu pars problème où? C'est je pars en Tunisie. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai peur de l'avion et mais il faut pas avoir peur de l'avion. Et je suis à deux doigts d'annuler mon mariage. Arrête, tu sais ce qu'on va faire? On peut pas faire une. On va te former. Mais t'inquiète, on va te former. T'inquiète pas, va. Lamia, bouge pas de là. Si vous aussi vous avez des petites phobies ou peur de l'avion, peur du train, de la voiture, j'en sais rien, et que vous avez réussi à trouver une solution, bah appelez-moi là maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. N'hésitez pas. Et si vous voulez passer comme Lamia à l'antenne, bah vous êtes les bienvenue également. Vous tomberez sur Sandro qui vous répond avec sa douce voix sensuelle. Petite démonstration. Donc on appelle. À démo. Voilà, donc là ça fait cut. Oh, fais chier, ça sonne. Ah ouais, Fun Radio, bonsoir, tu veux quoi? Voilà, donc vous avez vu la belle démonstration, donc c'est Sandro, si vous avez envie de l'appeler, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tof qui est là également ce soir, là toujours prêt à rencontrer de nouveaux amis. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Évidemment, hein, évidemment. Je les aime, tout cet amour qu'ils me rendent chaque fois que je les appelle. Ah, mais eux également, hein. Va te faire enculer, salope. Voilà, ils sont là, ils sont heureux. Tu es une petite salope, toi. Mais oui, bien sûr. Et puis heureusement, Polo qui est là également pour mettre un peu de poésie dans cette émission. Hein. je suis là, ouais, évidemment. Je suis là. Bon, si vous ne le savez pas encore, évidemment, on est avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h, le dimanche soir également de 20h à minuit. Continuez à le dire à vos potes, la famille, les collègues, enfin bref, un petit peu tout le monde, qu'il y a enfin quelque chose à la radio le soir de 23h à 2h du mat. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Je compte sur vous, bien entendu. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Ça se voit sur le Facebook, sur le Twitter, à l'antenne également. Passer tous les soirs, évidemment, de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Pour réagir à l'émission, il y a aussi le Twitter, hashtag Mickaël. On continue à faire le top tweetos, évidemment. Et puis à la fin de l'émission, pour y participer, c'est super simple. Il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. C'est le petit dièse, hein, le petit carré, là, pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 avant la fin de l'émission. Ce soir, on offrira le cadeau au numéro 4. D'accord. Voilà, celui qui sera numéro 4 ou celle qui sera numéro 4 repartira avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, donc si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter, ajoutez-moi également sur Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et il y a So qui a envoyé un message qui dit sur le Twitter d'ailleurs, il paraît que l'avion est le moyen de locomotion le plus sûr. Mais oui, mais c'est vrai. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, quand il y a un accident, c'est là où il y a le plus de morts. Mais c'est quand même, il y a quand même vachement moins d'accidents qu'en voiture, qu'en train, qu'en n'importe quoi. Mais c'est sûr que quand il y a un carton, bah ouais, ça fait... c'est rare qu'il y ait beaucoup de survivants, quoi, ça c'est certain. Il y a Doris qui dit, moi quand j'étais petit j'avais peur de mes chaussures. C'est genre peur de se faire écraser. Il y a RN Disney, enfin c'est Renaud quoi sur le Twitter qui dit, j'ai une bonne journée difficile, mettez-moi un petit message de bienvenue pour me remonter le moral s'il vous plaît. Épilez vos poils de cul. Voilà Renaud. Et puis Cheyenne qui dit, coucou l'équipe, je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Devers45 qui dit, salut à toute l'équipe. Possible d'avoir un petit message de bienvenue pour mon beau-frère, c'est Valentin, maison un bien lourd. Ouais, alors attends, je suis là, tiens. Voilà, c'est un bien lourd ça effectivement. Et puis tous vos messages qu'on lit évidemment en direct, c'est sur le Facebook, le Twitter que ça se passe, et bien sûr aussi les SMS, on en parlera dans quelques minutes. Bon, Lamia. Ouais. Bon, on va te reprendre dans un instant, on va parler de la peur de l'avion, donc comme promis. Et puis on va également se faire la colle avec Volodia qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Volodia. Volodia. Volodia. C'est une marque de quoi exactement Volodia? De pile ou d'eau? Non, c'est des serviettes. C'est de quelle origine Volodia, dis-moi? C'est un peu non, oui. C'est russe? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, mais sympa. Bon, alors, Volodia, tu vas jouer avec nous pour peut-être repartir avec l'Arcos 45 Platinum. C'est le nouveau portable qu'on vous offre toute la semaine. Il est avec Android, évidemment, caméra comme d'hab, caméra vidéo, il y a l'appareil photo, etc., etc. Il y a Android dessus, donc tu peux faire ce que tu veux. Et pour le gagner, évidemment, il faut répondre à la colle. Ou en tout cas, pour que tu le gagnes, il faut que personne réponde à la colle. Fais péter la colle, Volodia. Alors, je suis petit, moche. Et plein de terre, qui suis-je? Tof. C'est une idée. Petit, moche et plein de terre, c'est Tof, non? Non. Non, ah bah moche, ça marchait pourtant. Ouais. Ah ouais, terre aussi. Ouais, terre un peu, effectivement, ouais. Bon, je suis petit, moche et plein de terre, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec le... J'ai dit portable, pas du tout, c'est les 200 euros. Je mélange tout depuis hier, c'est quand même dramatique. Donc, 200 euros cash que je vous offre. Oubliez ce que j'ai dit pour le portable, on l'offrira tout à l'heure dans le Je t'emmerde. 200 euros que je vous offre maintenant, donc. Tu ferais quoi avec les 200 euros, Volodia? Bah je sais pas du tout. D'accord, bah écoute, t'auras le temps de réfléchir hein, si tu les gagnes hein. Donc voilà, 200 euros à gagner. Je vais arriver à tout, à remettre toutes les pièces dans le bon ordre. Si vous avez la réponse à la colle de Volodia, je suis petit, moche et plein de terre, qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, et eh bien tant mieux. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien c'est gagné. Vous pouvez aussi venir sur le Facebook dans 10 secondes. Allez, on va dire une minute parce que 10 secondes, je vais pas y arriver. Dans moins d'une minute, je vous mets la colle sur le Facebook et comme ça, vous allez pouvoir la lire. Ce sera peut-être plus facile pour certains. Vous pouvez répondre également d'ailleurs facebook.com/Mickaël officiel. Volodia, on te récupère avant minuit évidemment pour répéter la colle. Et avant minuit, on donnera d'ailleurs la réponse et on verra si tu bats, si tu gagnes ou si tu perds. Ok? Ok. Allez, reste avec nous, Volodia. Je répète, je suis petit, moche et plein de terre. Qui suis-je? Et Mickaël, suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et bien sûr aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Je pense qu'on a fait le tour de tout là. Ouais, bah oui. Bah ouais, c'est pas mal. Il y a plein de trucs. Il y a Cheyenne qui a envoyé un message encore plus jeune. J'avais une peur bleue des Pères Noël dans les centres commerciaux. Quand j'en voyais un, je pétais un câble. Et Jérémy qui dit, bonsoir Mickaël, j'essaie de me donner le moral en vous écoutant car ma copine me trouve trop collant et souhaite s'éloigner de moi. Du coup, soirée des primes. Ah bah la colle là un petit peu moins. Ou alors c'est une excuse aussi hein, ça c'est possible hein. C'est peut-être une excuse pour te dégager hein. C'est possible, c'est pas sûr mais c'est possible. Bon, Lamia, parlons de choses sérieuses. T'as déjà pris l'avion ou pas? Non. Ah bah alors tu sais c'est pas la ça. Première fois de ma vie que je prends l'avion. Ah mais ça va. On me dit que ça fait mal aux oreilles. Mais on non. Un cœur qui reste en bas. Mais non. Alors le cœur. Alors attention. Oui alors effectivement le cœur peut rester en bas si l'avion tombe. Non mais oui mais non. Non. Juste par rapport à la sensation. Mais enfin, non. Ça passe vraiment. Mais non. T'inquiète. Ça franchement. Peut gratter le cul un peu mais ça va sinon. Tu risques. Et franchement. Je suis venu à un point où même pas j'ai rien préparé. Non, mais il faut pas. Écoute, je vais te dire des trucs. Valise, tu vas entendre. Je ne l'ai même pas préparé quoi. Non mais c'est pas grave. Quoi, la valise aussi a peur de prendre l'avion. Non parce qu'elle a été faite pour. Hein, c'est juste pour être sûr. Non mais sérieusement, il faut vraiment pas avoir peur. C'est un truc super cool. T'es là, pépère. Quand je suis revenu là, il y a deux jours. Il y a un moment, pendant une heure et demie de turbulence non-stop. Ouais. C'est-à-dire que tout l'avion tremblait dans tous les sens. Mais c'était génial. Ça faisait clac, clac, clac, clac, clac, clac. C'est le truc qui fait bien. Même l'hôtesse, à un moment, elle s'est assise. Elle était en train de tenir sa ceinture avec les bras croisés devant. Je me dis, putain, c'est la fin. Ça va être énorme. Et finalement, tout s'est bien passé. C'est quand elle attache tout. Tu vois vraiment qu'elle rattache. Elle avait tout mis. Et elle se tenait avec les bras croisés vers l'avant, tu vois. Sur la ceinture, les deux mains sur la ceinture. Je me dis, putain, on va être bon là. Mais. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoute. On va en parler dans quelques minutes, reste avec nous Lamia. On va prendre également Clarisse dans quelques minutes. Il y aura Andrea, il y aura vous également en direct. Vous nous appelez ce soir évidemment 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis venez nous rejoindre facebook.com/emikelofficiel. On est quasiment 320 000 ce soir. Et puis on va également faire un tour du côté de Twitter. Ça aussi c'est sur emikel_officiel pour m'ajouter. Vous êtes les bienvenus, je vous l'avais promis. Le son de Asie dans quelques minutes. C'est ce qui va débarquer avec Born Again sur Fun Radio. Et puis on va faire aussi le jeu du je t'emmerde. Ce sera dans moins de 30 minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Et oui, il y a enfin quelque chose à écouter le soir. C'est sur Fun Radio que ça se passe entre 23h et 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Ouais. 23h14. Il y a Mister Steven qui a envoyé un message sur le Twitter. J'ai jamais pris l'avion donc je sais pas si j'aurais peur. Je pense pas. Après, mais c'est une phobie, tu vois. Il y a plein de trucs où des gens ont peur de quelque chose alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Hein, c'est au décollage et à l'atterrissage. Il y a un peu de stress. Mais quand t'es en haut, quoi. Et encore. Ouais. Enfin bref, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio en direct où que vous soyez en France. Eh bien, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000. Si en plus vous avez une box, c'est gratuit. Hein, si vous avez genre une box, SFR, Bouygues Free, enfin n'importe quoi, là, le téléphone fixe, c'est gratuit. Et si vous nous appelez d'un portable, eh ben, c'est normalement dans le forfait. De toute façon, on vous appelle direct derrière. Donc vous restez au standard, grand max 30 secondes, et puis on vous rappelle immédiatement derrière. Donc c'est gratuit, quoi qu'il arrive. 01 42 48 5000, allez-y. Je vous rappelle également qu'il y a la colle de Volodia pour gagner les 200€. Je suis petit moche et plein de terre. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez maintenant Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou alors rencard sur le Facebook de l'émission facebook.com/Mickaël officiel. Bienvenue tout le monde donc, 23h15. Je vous l'ai promis, on va s'écouter le son de Asie maintenant sur Fun Radio. C'est Born Again. Bonne soirée avec Fun Radio. Chivalry is born again. C'est Fun Radio. Chivalry. Born Again. Ah là, avec le son de Born à l'instant, Born Again, c'était Asie. Il y aura Chucky dans quelques minutes aussi. Hein. Ouais, je vous le cale dans quelques minutes. Et puis avant minuit, Afrojack avec The Spark. Et si vous voulez écouter un son en particulier, vous demandez, n'hésitez pas, vous êtes chez vous ici, profitez-en. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez aussi balancer tous vos messages sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis vous pouvez bien entendu aussi appeler le standard 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Magda qui a envoyé un message d'ailleurs, qui dit moi j'ai très peur de l'avion, même si je ne l'ai jamais pris. Antoine, moi j'avais peur des ascenseurs. Oui, moi aussi avant j'avais peur des ascenseurs. Il y a Gwenel qui dit pas du tout, l'avion c'est trop bien, on se fait juste chier à regarder des films durant tout le trajet, souvent en VO. Bon, après ça dépend de la compagnie, c'est vrai. Marine qui dit moi je suis comme elle, je pourrais pas prendre l'avion. Et Bastien qui dit quand j'étais petit j'avais peur de la chasse d'eau des toilettes. Ça, j'avais bon, peur d'être avalé. Ah ouais, la chasse d'eau des chiottes c'est pas mal. Et Mathieu qui dit j'ai la phobie des araignées, des serpents, lumière rouge, des chansons pour enfin des. Attends, c'est quoi des serpents, lumière rouge, des chansons pour enfin des cafards et de la voix de Toff. Lumière rouge. Ouais, la lumière rouge c'est les. enfin les genre comme dans le studio quoi. Ouais mais pourquoi lumière rouge des chansons d'enfants, les chansons d'enfants. Ah des chansons pour enfants. Ah oui parce que j'ai compris, j'avais lu pour enfin. Enfin en même temps c'est ce qui est écrit. Maxime qui dit salut Fun Radio, continuez comme ça, vous gérez, je vous kiffe grave. Bah, merci Max. Moi j'ai peur des clowns, c'est Emery qui avait envoyé son message. Continuez avec vos messages en direct, on les lit. Je vais pas dire tous parce qu'il y a parfois aussi des messages de merde. Mais n'hésitez pas, hein. Et Mickaël No Limit, vous tapez ça sur le Facebook, et Mickaël officiel, Facebook et Twitter évidemment. Bon, est-ce que t'as vu ça toi Lamia, là, les plus belles fesses du monde, l'élection des plus belles fesses du monde? Non. Non, c'est Kelly Brooks. C'est Kelly Brooks qui vient d'être élu plus beau cul du monde devant Rihanna, Beyoncé et même Pippa Middleton. C'est pour vous dire. Donc, donc ce soir on va lire les plus belles fesses de l'émission. Donc on va vous mettre une photo sur le Facebook dans quelques minutes avec notre cul. Et puis bah vous allez devoir voter. Hein. Quel est le plus beau cul de l'émission? Donc facebook.com/mikaelofficiel. Je vais vous la mettre sur Twitter et sur Instagram également. Et vous allez nous dire ça dans 5 minutes. Enfin quand je l'aurai mise quoi. Bah oui. Voilà, je vais l'uploader dans quelques minutes. Et puis en attendant évidemment bah toi va partir à la recherche des plus belles fesses de France et de Belgique. Bah évidemment. Évidemment. Bah, très bien, on va faire ça dans quelques minutes. Les plus belles fesses de France et de Belgique. Sinon en deux il y a Holly Willoughby. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Cheryl Cole en 6ème. Et bien c'est la Kim Kardashian en 7. 8. Jessica Ennis en 8. Kate Middleton en 9. Et Rihanna en 10. Rihanna elle est que 10ème. Elle est quoi. Que 10ème ouais. Elle est pas terrible hein. Et Pippa Middleton en 3. Hein. Ah ouais mais ça par contre. Ouais, et alors Kylie Minogue. Kylie Minogue en 4 et Beyoncé en 5. La prochaine fois j'essaierai de faire le top dans l'ordre. Hein. Parce que là j'ai mis un peu 7, 8, ouais, 5, 2, 3, 10. Enfin un peu particulier quoi. Bon, bah, et dites-nous pour vous quel est le plus beau fessier du monde pour vous, de star évidemment. Hein. Dites pas que c'est votre copine parce qu'on la connaît pas. À moins que vous envoyiez une photo, bien entendu, à ce moment-là. Où on peut vous allez pouvoir en parler. Bah, bien sûr, évidemment. Alors que pendant au même moment, Polo a tapé plus beau cul de France sur Google. Non, il y a 150 000 photos devant lui. Non, je vérifiais qu'il était Holly Willoughby. Ah, elle est bien ou pas? Non. Ah bon? Bah, non, en même temps, terrible. Elle a des belles fesses. Hein. On n'a pas jugé sa tête non plus. Hein. Bon, on va parler de la phobie de l'avion avec toi dans quelques minutes. Et avant cela, bah, on fait le premier appel Tof du coup. Comme ça là. Ah bah oui, on perd pas de temps, on va y aller directement et on va appeler en Belgique apparemment, je sais pas où encore mais c'est un numéro qui nous a été envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Ce qui est bien maintenant c'est que je dois même plus le dire parce que ça le fait automatiquement. Ah oui, c'est genre plein de messages même qui avant l'émission et tout, j'en fais tout le temps en fait. Et je rappelle que si vous connaissez des gens debout entre 23h et 2h et qui sont plutôt du style un peu nerveux, n'hésitez pas à partager le numéro de téléphone avec Tof hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On va demander ce soir, tu vas demander quoi si leur meuf a un beau cul, c'est ça? Oui, c'est ça ouais, c'est je pars à la recherche du plus beau cul quoi. Du plus beau cul. Bon bah alors c'est parti, on y va, on appelle le premier, tu restes avec nous Lamia, d'accord? Ok, y'a pas de soucis. On parle avec toi dans quelques instants là, c'est parti, on y va, on appelle le premier ou la première maintenant. Merci pour tous les numéros, mais vous pouvez continuer à nous envoyer hein, les numéros de téléphone de gens qu'on peut encore appeler sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, je vous appelle parce que je suis à la recherche des plus belles fesses de Belgique. C'est qui? C'est Tof. Allô? Oui, bonsoir madame. Attends. Oui. Bonjour madame. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je cherche les plus belles fesses de Belgique. C'est qui? Non, je dis c'est Tof, je cherche les plus belles fesses de Belgique. J'ai pas compris monsieur. Je dis, je cherche les plus belles fesses de Belgique. Les belles fesses? Oui, le plus beau cul. On va te faire foutre, gros fils de pute. Mais allez, casse-toi. Mais ça se dit pas ça, madame, enfin. Bah, c'est d'aller. Mais enfin, madame, on ça se... Casse-toi, fils de pute, va. Mais enfin, madame, un petit peu de calme. Ta gueule. Mais enfin, madame. Casse-toi. Mais moi, je vous appelais parce raccroche, que... Raccroche, casse ta gueule, raccroche. Mais enfin, s'il vous plaît, un petit mais peu... Mais raccroche, t'as cru que je rigole avec toi ou quoi, raccroche. Mais je rigole pas, madame, moi, je vous... Allez, vas-y, raccroche, t'as cru que je rigole avec toi ou quoi, raccroche, bouge-toi. Mais on rigole pas madame, je voulais voir savoir comment était votre pète. Eh mais putain, t'as cru que t'étais qui ma grosse pute, vas-y raccroche. Ah, casse. Mais non, vous m'avez pas décrit vos fesses madame. Oh casse-toi, c'est pute, je rigole avec toi, casse-toi. Mais non, j'ai pas cru qu'on rigolait, hein. Je veux juste que vous me décriviez comme... Oh, casse-toi. Peut-être vous préférez m'envoyer une photo. Je t'ai envoyé ta mère en photo. Mais ça j'ai pas besoin, je la connais déjà. Casse-toi. Oui, d'accord, mais elles sont comment vos fesses? Elles sont comme celles de ta mère. Bah non, c'est pas possible ça. Si c'est possible. Ah bon? Ouais. Mais alors... Ah, elle a raccroché. Elle est classe, la meuf. Hein. Ah, classe, non, c'est... Ah ouais, grande classe. Eh, casse-toi. Mais je comprends ta mère. Je comprends pas pourquoi elle a pas raccroché, elle. Pourquoi elle dit raccroche? Ouais, parce que je crois qu'en plus, c'est quelqu'un qui est venu et qui a raccroché, parce qu'elle était vénère. Voilà, elle a peut-être pas l'option pour raccrocher, je sais pas. Bon, on la rappelle, attends. Elle avait l'argent, on va pas en rester là, quand même. très charmante. Oh oui, pleine d'amour. Ah bah complètement. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Ouais, mais t'es sérieux ou quoi? Bah oui, je suis sérieux, pourquoi je serais pas sérieux? Donne le téléphone, donne. C'est quoi, c'est 101? Hein, ouais, 101. Allô? Attends, parce que... Attends, je te passe la police, attends. D'accord. D'accord, attends. Mais c'est pas la première fois qu'on me passe la police, mais c'est peut-être une perte de temps, quoi. Ouais, alors que si vous répondiez à la question... La perte de temps, tu vas la réussir, tu vas la voir, hein, je te le jure. Non, mais parce que si vous répondiez à la question, je raccroche... Ferme ta gueule. Bah oui, mais si je parle ferme pas... Ferme ta gueule. Ouais, mais... Ferme ta gueule. D'accord, mais vous voulez pas que je vous explique ferme avant? Ferme ta gueule. D'accord. Bon, bah on appelle la police? Ah bah on appelle. D'accord. Ah là, ça, je peux parler. Attends. J'ai parlé. Oui. Donc non, en fait, ce que je voulais dire... T'as pas parlé à toi, ferme ta gueule, toi. D'accord. Mais vous êtes sûr que vous voulez pas que... Ferme ta gueule. Ah oui, mais enfin bon, si je ferme ma gueule, ça sert. Ouais, bah ouais, tu fermes ta gueule, voilà, tu fermes ta gueule, voilà. T'as compris, tu fermes ta gueule. Oui, oui, j'ai compris. Tu fermes ta gueule, bah tu fermes ta gueule. D'accord. Ah ben voilà. Mais on appelle pas la police? Ferme ta gueule. Oui, on est en train de parler, ferme ta gueule. D'accord. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est que cette conversation n'est pas du tout... Enfin, c'est bien, quoi. On se parle. Ah bah ouais, on se parle. Tu veux, t'as pas une adresse pour que je vienne? Bah non, moi je veux bien venir chez vous, y'a pas de soucis. Là, tu viens chez moi, mais... Je serais toi, je me préparerais. Ouais, t'inquiète, je suis prêt. Je crois que j'aurais peur de venir, hein. D'accord, ben moi j'ai pas peur, allez, j'arrive. Sors le flingue, j'arrive. D'accord, sors. Allez. Sors le flingue, le 3 mm, sors-le. Voilà, le allez, à tout de suite. Tu le remplis, papa. Allez. Ça va, allez. Si t'as un gilet pare-balles, je te... Ouais, je t'inquiète, pas de soucis. Je te demande de le mettre, d'accord? Ouais, mais... Si t'as des couilles, on va voir si tu vas venir, hein. D'accord, mais je viens. Parce que ton numéro, même s'il est masqué, là, on l'a démasqué, hein. Il y avait longtemps qu'on me l'avait plus faite, celle-là, ça me fait plaisir. Ah mais bon, je le savais déjà, hein, qu'on pouvait démasquer les numéros masqués. Enfin non, c'est qu'un numéro masqué pouvait être démasqué. Enfin bon, bref, une histoire. Ah bah je te l'ai dit. Voilà, allez, la bonne soirée, à bientôt. Non, il n'y a pas de bonne soirée, on va se voir dans pas longtemps, il n'y a pas de bonne soirée, tu vas venir. Bah oui, mais on peut se souhaiter une bonne soirée quand même. Non, moi je te passe... Bon, franchement, je te passe une mauvaise soirée, parce que tu vois ce que tu vas passer dans pas longtemps, tu ne passeras jamais dans ta vie. Hein. D'accord, ok. D'accord. Très bien, et bah à tout à l'heure. Ah bah à tout à l'heure. Voilà. J'ai peur que la discussion soit un petit peu cul-de-sac. Ah, t'as remarqué toi aussi? Ouais, complètement. Bah, ferme ta gueule. Non, mais c'est vrai. C'est bizarre. Bah, complètement, oui, elle a l'air assez bizarre. Oui, elle avait l'air un peu fermée. Attends, ferme ta gueule. Voilà, ah, on me l'aurait découpé celui-là, il est bien, je pense qu'on peut l'utiliser souvent. Il y a Laura qui dit coucou l'équipe, ah là là, on vous kiffe, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la mère de Toff? Mais je sais pas, c'est bizarre. Il y a Amlour qui dit aussi, moi j'ai une phobie, c'était de voir ma prof d'espagnol, elle me faisait peur, donc j'ai changé de classe. Mais c'est une idée aussi. Et Jack Daniel aussi qui dit, moi quand j'étais petit, j'avais peur du robot aspirateur bleu dans les Teletubbies. Ouais, pourquoi pas. Miss Mello qui dit, elle est en forme ce soir, elle va devenir une meilleure amie de Toff. Bonne année à toute l'équipe, merci, bonne année à toi aussi, Miss Mello. Et Félicia qui dit, ton numéro masqué, on l'a démasqué. Oui, et vous avez remarqué quand même que a quand même un fusil de 3 mm. Ah ouais, ça doit être du lourd ça. Je savais pas que ça existait. C'est pour les nains. Je connaissais le 8 mm. C'est pour tuer des insectes. Mais le 3, je connaissais pas très bien le 3 mm. Bon, on va parler avec l'Amia, comme promis, de la peur des avions dans quelques minutes. On va se faire également le je t'emmerde avec Nicolas et avec Arthur, bien entendu. Et puis je vous l'avais promis, le son de Chucky qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Skydive. Il est 23h28 sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les soirs sur Fun de 23h à 2h. Et le dimanche de 20h à minuit. Faites passer le message. Je compte sur vous, bien sûr. Skydive sur Fun, c'était Chucky. Il y aura Afrojack dans quelques minutes avec The Spark. Et puis je vous rappelle que, eh bien, il y a... Ah oui, on a lancé un nouveau truc aussi fin janvier, début février. Donc d'ici 3 semaines, on va dire, on va venir faire une émission en direct de chez vous. Alors, pas de chez vous dans une ville standard, genre, tu sais, on sera dans un endroit, dans une ville, etc. Non, on sera chez vous à la maison. C'est-à-dire qu'on va, c'est débarquer, bon, on va débarquer chez vous. On va faire l'émission, comme je l'ai dit sur le Facebook. Rassurez-vous, on va pas démonter toute la maison, etc. Hein, ça tombe sous le sens. Mais voilà, on va s'installer. Et puis bah, si vous êtes d'accord de nous accueillir, on fera l'émission depuis chez vous, dans votre chambre ou dans votre salon. Enfin, j'en sais rien, peu importe, vous le dites quoi. Tout à l'heure, on était dans le bureau comme ça. Et tu sais que Toff, il est impatient, il veut absolument aller chez Let's Be Freak. Ah bah je sais, ouais, je sais, il est à Nice. Bouillante chez Bouillante. Voilà, à Nice. Donc on va voir. Pourquoi il voulait même truquer le truc pour aller. Non, rien du tout, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Il veut absolument aller là-bas. Si vous voulez qu'on vienne chez vous, bah n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez sur le Facebook également, on a besoin de vos villes en fait. Hein. Vous mettez les villes où vous voulez qu'on aille. Et puis vous pourrez venir nous rejoindre aussi. Hein. Bien sûr, on fera l'émission chez un auditeur ou une auditrice. Et puis on passera le week-end aussi dans la ville du coup pour faire 2-3 conneries avec vous, bien entendu, comme d'hab. Donc si vous voulez donner vos avis, si vous voulez qu'on vienne chez vous, facebook.com/mikel. email officiel. Et puis bah on passera donc avec plaisir, on fera l'émission en direct de votre salon, de votre chambre, de votre cuisine, de je sais pas quoi. Et pépère quoi. Hein, tranquille. Ouais, on sera bien. En mode à la cool. Bah j'espère qu'on sera bien, ouais. En mode à la cool. Si vous avez un chien pour que Sandro puisse s'amuser avec, bah n'hésitez pas à nous le dire aussi. Hein. On fera cramer 2-3 trucs dans la cuisine. Voilà, rien de grave quoi, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Bon, 23h33 sur Fun Radio, on va se faire le je t'emmerde dans quelques minutes. On va récupérer la Mia qu'on a perdu. Bah du coup on a le temps de faire le je t'emmerde. Hein. On va la récupérer juste après. La Mia qui était en mode panique, puisqu'elle doit prendre l'avion et bah elle est en panique justement, elle a peur de l'avion. Donc on va en parler dans quelques minutes. Si vous aussi vous avez des phobies quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous appeler. Clarisse qui est avec nous également de Rungis. Salut Clarisse. Salut Clarisse. Allô. Ah, moi, tu fais de la merde. Comment ça va Clarisse? Oui, bien et vous? Mais bien, bien, bien. Cette petite voix. Mais oui, t'as quoi comme phobie toi Clarisse? Les escalators. Les escalators. Bon, on en parle dans quelques minutes. Il y a Andrea également avec nous de Corse. Salut Andrea. Oh. Salut. Comment ça va? Ça va, nickel, et vous? Bon, ça va bien. Dans quelques minutes, on va parler des phobies. Tu as quoi comme phobie, toi? Ben, en fait, c'est le bateau. Les bateaux, voilà. D'accord. Ben, le bouge pas. Il y aura Tristan également de Lyon. Salut Tristan. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah, tranquille aussi, Tristan. Bon, on va parler de quoi dans quelques minutes, là? Des phobies, mais laquelle? Phobie des ballons qui éclatent. D'accord Tristan. Bon alors bouge pas, on parle des phobies dans quelques minutes avec la mienne notamment et sa phobie de l'avion. Et avant de faire le je t'emmerde, on se fait brièvement un petit coup de... La colle. Un petit coup de colle. Volodia, est-ce que tu es de retour? Eh oui. Et je rappelle qu'il y a toujours 200 euros à gagner. Si vous voulez les gagner, il faut répondre correctement à la colle de Volodia qui va la répéter maintenant. Vas-y Volodia. Je suis petit, moche et plein de terre, qui suis-je? Je suis petit, moche et plein de terre, qui suis-je? Il y a Jérôme qui proposait un bouffon. Ah non, on a dit que c'était pas tof. Non. Donc c'est non. Une mauvaise réponse. Une taupe? Non. Un Gollum? Non. Un caca, c'est Evan? Non. Sarkozy? Non plus. Une patate? Non. Un nain de jardin? Non. Bon, on proposait un lutin? Non plus. Non plus. Bon bah très bien, parfait, c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez simplement et Mickaël, suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Vous pouvez bien sûr aussi jouer directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous ai mis la colle d'ailleurs sur le Facebook, comme ça vous pouvez la lire, c'est peut-être plus simple pour y répondre. Donc allez-y et puis on fait tirage au sort avant minuit sur Fun Radio, soit sur SMS, soit sur Facebook. Volodia, on te récupère avant minuit encore une fois de toute façon, d'accord? Okay. Allez, à tout de suite Volodia. Et puis avant de parler encore donc des phobies, il y a Nicolas, il y a Arthur qui sont là tous les deux pour le je t'emmerde. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Oui. Comment ça va? Bien. Bon, alors Nicolas 23 ans, t'appelles des Côtes d'Or toi, et Arthur, oui. 15 ans de Toulouse. Salut. Très bien, bienvenue à vous deux. Vous connaissez le principe du je t'emmerde? Oui. Bon, le principe est très simple. On va donc appeler quelqu'un au hasard. Pour ceux qui viennent de débarquer, qui ne connaissent pas le principe de l'émission et le principe du jeu, on appelle quelqu'un au hasard. Le principe donc, arriver à garder la personne au téléphone avec un maximum de je t'emmerde dans des phrases logiques, des phrases naturelles. Donc pas appeler en disant je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Ça ne marchera pas, bien entendu. Il faut avoir une conversation cohérente. Ok. Ok. Bon, qui veut commencer, Nicolas ou Arthur? Arthur, je laisse Arthur commencer. Eh ben très bien. Bon, on va commencer par Nicolas. C'est parti. Nicolas, t'es prêt? Oui. Allez, on y va, on appelle le premier. Le but donc, faire un maximum de je t'emmerde dans une phrase la plus cohérente possible. Et dès que tu n'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô. Vas-y Nico, bonne chance. Merci. Allez. Allô. Allô. Allô, oui, bonsoir, oui, allô, bonsoir, je viens de recevoir une lettre de votre part du jour de l'an, il y a marqué je t'emmerde, et j'ai trouvé pas ça normal que vous m'avez envoyé une lettre avec je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, et j'ai trouvé... Et la lettre, ça me dit bonne année, bonne santé, je t'emmerde, et je trouve pas ça normal. Ouais, et il y a mon numéro de téléphone dessus? Oui, oui, il y a votre numéro de téléphone, tout à fait, il y a marqué bonne année, bonne santé, je t'emmerde, ouais. Et il y a marqué j'espère que t'as bien vu pour Noël, je t'emmerde, alors moi je trouve pas ça normal. Ouais, mais alors? Et alors je me permets de vous appeler pour vous demander pourquoi vous m'avez écrit une lettre avec marqué je t'emmerde, je t'emmerde. Mais qui t'emmerde qui à cette heure-là, là? Ah ben je vous dis pas, mais vous m'avez appelé, vous m'avez envoyé une lettre en me marquant je t'emmerde, je t'emmerde. C'est quoi l'adresse que je vous ai envoyée? Et comment vous m'avez envoyé chez moi et je voulais savoir pourquoi vous m'avez envoyé une lettre de non, bonne année avec marqué je t'emmerde, je t'emmerde. Ah bah si, j'ai... Ah bah si, j'ai votre numéro avec marqué je t'emmerde, je t'emmerde. C'est quelqu'un qui vous a fait une blague, monsieur. Ah bah écoutez, il y a votre numéro et tout, alors je voudrais bien savoir pourquoi vous m'avez marqué. Je viens de dire, monsieur, c'est une blague, c'est quelqu'un qui vous a fait une blague. Ah bah moi, j'ai votre numéro, alors pourquoi j'ai votre numéro? C'est quelqu'un qui vous a fait une blague. Oui, mais moi j'ai marqué « je t'emmerde, je t'emmerde ». Je trouve pas ça normal qu'il y ait marqué « je t'emmerde, je t'emmerde » sur la lettre. Il a raison, ouais. Il a raison. Et il y a marqué « si t'es pas content, appelle-moi ». Alors c'est pour ça que je t'appelle, je t'ai pas appelé pendant les fêtes, alors c'est pour ça que je t'appelle parce que tu m'as marqué « je t'emmerde, je t'emmerde ». Bon bah il est parti. Alors combien je t'emmerde? Alors on compte celui que lui a fait ou pas? Que le mec on a appelé? Ouais. Ah bah non. Ah il compte pas. Donc ça fait 22. Pas mal Nicolas. Belle prouesse. Ouais, c'est bien bon, débrouillé. Alors Arthur à ton tour maintenant, on y va? Ok ouais. Bon faut pas de 22, il y a deux manches, hein, t'inquiète, on fera une autre après au cas où. On y va, faut faire mieux que 22 pour bien faire. On appelle, dès que t'entends plus la musique là en dessous, tu dois dire allô. Et ça démarre. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur? Oui. Oui, ce serait pour faire un sondage sur le nombre de gros mots que vous faites. C'est qui? C'est Toff. C'est qui? C'est Toff. Il a raison. C'est qui Toff? C'est ton nouveau voisin. Je t'emmerde, je t'emmerde. Mais ça va pas. Et donc, ce serait pour faire un sondage sur le nombre de gros mots que vous dites et lesquels. Je t'emmerde, je t'emmerde. Il a raccroché. Ah merde, j'avais pas vu. Il a raccroché, hop là. Bon, ça nous fait combien alors? 6. 6, ah bah pas terrible Arthur. Hein. En fait, ouais. T'as fait un peu un mélange de tout toi. Ouais, t'as fait un mélange de tout. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on va faire la suite dans quelques minutes. Nicolas et Arthur, bah bougez pas de là tous les deux. On va récupérer Lamia pour parler de la peur de l'avion. Bon, Lamia. Ouais. Bon, alors, donc toi tu pars en Tunisie, toi, dans le 13, c'est ça, dans la semaine prochaine hein. Bah ouais. Voilà, et t'es au bord dans de... 5 jours. T'es à la limite de devoir abandonner, annuler parce que t'as peur de l'avion, parce que t'es en panique, etc. Voilà. Mais ça va, tu peux aller en voiture aussi. Hein. Bah, bon, c'est un peu plus long, mais ouais. Mais non, au contraire, là, le billet, il m'a été offert et ah, je ben peux oui. pas faire demi-tour. Mais d'accord, ok. T'en as pour combien? 2 heures? C'est 2 heures, ouais. Ouais, 2 heures à peu près. Tu sais rien. Regarde, imagine, t'es là dans l'avion, hein, t'as le bruit de l'avion. Ouais. Et là, ta ceinture. Et là, t'as le... Ladies and gentlemen, welcome on board. C'est pas facile de se dire, ouais, regarde, blablabla. Non, mais installe-toi. Non, mais c'est rien. Installe-toi. Installez-vous et attachez votre ceinture. Putain. Bon. Attends, j'ai une petite anecdote à raconter. Comme quoi? Parce que j'ai pas qu'une seule phobie, j'ai deux phobies. C'est quoi l'autre? L'autre, c'est la peur des guêpes et des abeilles, quoi. Non, bah, t'es tranquille, hein, de ce côté-là, t'es tranquille. Dans les avions, normalement, t'en auras pas beaucoup. Hein. Ouais, mais écoute, dans les avions, t'en as pas, mais... Bah, oui, en Tunisie, tu risques d'en avoir quelques-unes. Non, non. L'été dernier, on a été, moi et mon copain, à la piscine. Ouais. Et il y avait une espèce d'endroit où on pouvait se poser et s'y tranquillement. Et mon copain était pieds nus. Moi, par habitude, vu que je sais que j'ai une phobie atroce des abeilles et des guêpes, je sais que l'été, ça se pose sur des petites fleurs blanches et jaunes. Ouais. Et mon copain me disait, mais non, t'inquiète pas, il n'y en a pas ici et tout ça. Donc je lui dis, ok, mais c'est pas grave, moi je marche quand même sur le petit béton. Et tu t'es fait piquer. Et toi, tu vas marcher sur ton petit coin d'herbe. Vas-y, va. Et je le laisse faire. Donc je marche, je trace ma route et puis lui il marche aussi mes pieds nus. Ouais. Donc il a marché sur un nid. Il a marché sur un nid. Non, attends, il a marché sur des orties. Il a marché sur un nid d'abeilles. Non, tu vas nous expliquer ça dans un instant, bouge pas, on va garder le suspense. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, nos limites. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, 23h46. Il y a plus de pub maintenant jusqu'à l'arrivée de Bruno Guillon tout à l'heure, à partir de 6h du mat. Ah. Et puis, bah oui, on aura aussi JB, hein, JB la nuit. Hein. JB, dans, JB la radio. Dans la radio. C'est tous les soirs à partir de 2h. Hein, voilà. L'homme le moins drôle du monde, quand oui, même. Exactement. Ouais. C'est un peu le Philippe Bouvard, mais du pas drôle. Voilà, tu vois, c'est le jeune, on va dire. Bon, voilà, JB tout à l'heure. Et puis, bah nous, on est en direct encore jusqu'à jusqu'à 2h du mat. Je vous rappelle qu'on va venir quelque part en France faire l'émission en direct de chez vous. Il y a plein de messages, il y a Jean qui dit venez à Arcachon, j'ai un chien. Ah bah cool. Héloïse qui dit j'ai une petite chienne de 1 an si ça t'intéresse Sandro. Ah. Moi je vous propose de venir à Valence. Il y a plein de messages qui sont arrivés aussi. Bah venez à Paris. Bon, en même temps on y est, mais pourquoi pas hein. Et puis bah tous les messages qui arrivent bien entendu pour parler des phobies. On va continuer à faire ça dans quelques minutes bien entendu. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les 200 euros cash à gagner avec la colle de Volodia. Je suis petit, moche et plein de terre. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou alors directement sur le Facebook de l'émission. Rejoignez-moi bien sûr, facebook.com/M-I-K-L officiel. Je vous attends évidemment. Et puis si vous êtes fan d'Afrojack, je vous le cale maintenant. Le dernier son d'Afrojack, c'est The Spark sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. A little bit of misfit dancing. Afrojack sur Fun Radio, à l'instant c'était The Spark et bah, bienvenue hein, si vous êtes débarqué, 23h51, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat avec tous les messages qui arrivent en direct sur le Facebook, sur le Twitter également. Tapez Mickaël underscore officiel, underscore c'est le petit tiret en bas, pour nous rejoindre sur le Twitter. Si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. Et puis bah pareil sur le Facebook, hein, venez me rejoindre également, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Magda qui dit, eh ben, venez en Normandie dans mon appart, j'ai un chien, une tortue, un lapin et des poissons. Ah, on va se marrer avec les poissons. Ah, bon, bien. Ah bah ouais, il y a Soraya qui dit voici ma chienne, elle a 4 mois, elle adore jouer avec les peluches, donc ramenez votre ami bleu. Ah bah oui, c'est notre le nouveau co-animateur, hein, monsieur M, que vous pouvez voir sur le Facebook depuis hier d'ailleurs. Il y a Amaury aussi qui dit quand j'étais petit j'avais peur des chiens et maintenant j'ai peur de Toff. Et alors Julie qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit gratos sur iTunes. Faut pas avoir peur de l'avion, au pire il se crache. Oui, mais en fait oh voilà. Bah, faut... oui. Non mais il faut partir comme ça, c'est vrai, il faut partir comme ça. On va récupérer et la mienne. Je veux dire rien de grave. Voilà, on va récupérer la mienne dans quelques minutes, mais avant cela on va terminer le jeu du je t'emmerde. Et après, promis, on récupère la mienne pour parler des phobies avec Clarisse, avec Andrea, avec Tristan également. Et le retour d'Arthur et Nicolas donc pour le je t'emmerde. Nicolas qui avait fait 22 je t'emmerde contre 6 malheureusement. 6 pour Arthur, ce qui n'est pas énorme, mais on peut encore inverser la tendance. Nicolas ? Nicolas ? Oui ? Ah, on va continuer avec toi maintenant, tu vas refaire l'appel, tu vas tenter de faire mieux que 22 pour oui. Asseoir ton avance, et si tu fais moins, c'est pas grave, on gardera 22 bien entendu comme score, d'accord ? D'accord. Allez, on remet le couvert, deuxième partie maintenant, le je t'emmerde, c'est parti. Le but, appeler des gens au hasard et placer un maximum de je t'emmerde dans des conversations la plus logique possible. Évidemment, tu ne peux pas réutiliser le même système que tu as utilisé la toute première fois. D'accord. Du jeu, le coup du oui, j'ai reçu une lettre avec marqué je t'emmerde, blablabla, blablabla. D'accord ? D'accord, je peux utiliser le coup de l'SMS ? Tu suis ce que tu veux. Vous êtes d'accord. Ah merde, c'est le répondeur. Alors attends, on va prendre un autre numéro, Nico, la bouge pas de là, c'est parti, on y va, on appelle. Vas-y Nico, dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Vous êtes merde. De la merde. Attends, on va rappeler un autre numéro là, c'est moi qui ai rappelé le même, autant pour moi. C'est parti, Nicolas, ne bouge pas de là. Allez, c'est parti, ça devrait sonner. C'est parti. Allez, mieux que 22. Pour gagner l'Arcos 45 Platinum d'une valeur de 150 euros. Ils sont quand même pas déjà couchés là, 23h53. Eh bon, on dirait. Bonjour. Ah merde. Oh, bah non. Ah bah si, encore un répondeur. Attends, on va prendre un autre numéro, Nicolas, bouge pas de là. Et puis oui. Arthur va. Bah oui, mais t'as pas de chance, Nicolas. T'en as fait 22, c'est déjà pas mal. Hein. Allez hop, c'est parti, on en appelle un autre. Vous êtes. Oh merde. Hey, c'est pas de bol, trois fois de suite là, un répondeur. C'est ouf. Bon, c'est pas grave Nicolas, tu vas voir, on va y arriver, hein, on va y arriver. On en fait encore oui. Un, si jamais c'est le répondeur, je récupère la mienne. Bon, on y va, c'est parti. Allez hop, troisième essai, quatrième même essai. Ah, ça sonne, déjà c'est positif. Sois prêt Nicolas. Oui. Allô. Allô, oui, bonjour. Je vous appelais parce que j'ai reçu un SMS de votre part avec marqué je t'emmerde. Alors moi, je trouve pas ça normal que vous m'avez envoyé je t'emmerde à ce moment-là parce que j'étais en train de dormir. Et pourquoi vous m'avez envoyé je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde? Oui, parce que vous vous trompez parce que moi-même je suis en train de dormir. J'ai reçu un SMS de votre part avec votre numéro là tout de suite et il y a marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde et je trouve pas ça normal que c'est votre numéro qui s'affiche avec marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Bref, je viens de vous dire que vous venez me réveiller, alors c'est pas normal. Au revoir. Allez, parti. Et ben voilà. Ça, c'est fait. Nico, ça nous fait combien là? 12, c'est minable. Oui, petit score, Nicolas. Note, les deux scores sont plus élevés que celui d'Arthur, hein, mais bon. Bon, Arthur, faut faire mieux que 22, hein. Ouais. Sois bon, sois c'est fort. C'est parti, on y va, Arthur. Bonne chance. Dernière étape, si tu fais mieux que 22, tu gagnes. Si tu fais 23, tu gagnes. Sinon, c'est mort, Arthur. Et c'est Nicolas qui repartira avec l'Arcos. 45 Platinum, avec Android à l'intérieur, avec double SIM, tout le bord. On y croit, le dernier appel, là. Oui, allô. Allô. Allô, Jean-Pierre. Allô. Oui, tu m'entends? Oui, bonsoir, madame. Vous venez de m'appeler, vous venez de me dire je t'emmerde. Je comprends pas. Ouais. Moi, ça me plaît pas trop. Vous venez de me réveiller, vous venez de me dire je t'emmerde. Mais vous avez un problème là, vous m'avez appelé deux fois déjà et j'essaie de c'est répondre. C'est pas moi qui vous ai appelé, madame. Moi, je viens juste de me réveiller et je viens d'entendre je t'emmerde. Donc, madame, je comprends pas. Écoutez, il y a un problème là. Moi, je suis réveillée deux fois pour répondre à votre appel et vous mais madame, c'est pas moi le fautif. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Moi, on me réveille, on me dit je t'emmerde. Non, mais moi. Ça fait deux fois que je réponds à votre appel. C'est pas ma faute, madame. Moi, c'était pas moi avant qui avait répondu. Et là, on vient de me réveiller, on me dit je t'emmerde, madame. C'est pas compréhensible. Il y a un problème, là. Moi, j'ai jamais dit je t'emmerde quoi que ce soit. Mais vous l'avez dit au moins cinq fois, je t'emmerde. Bon, écoutez, moi, je suis fatiguée. Demain, je travaille, je veux dormir. Oui, mais attendez deux minutes, madame, s'il vous plaît. On peut régler... quelque chose comme ça. Non mais il n'y a pas de problème. Si tu t'emmerdes. C'est pas possible. C'est pas moi 25. Qui dis ça. Gagné. Et j'ai vu T'avais pas une famille ou quelque chose qui aurait pu m'appeler et qui aurait dit je t'emmerde. Et c'est quel numéro, dites-moi. Bah excusez-moi madame, mais il est un peu minuit et si on entend quelqu'un qui dit je t'emmerde, c'est pas... Non, excusez-moi, vous avez un problème là, je pense... Si vous n'avez pas une fille qui aurait pu dire je t'emmerde. Elle est partie, on compte pas les trois derniers là. Bon, alors Arthur et Nicolas, on en arrive à combien là, Tof? Alors, 32. 32. Oh là là, putain, Arthur, bravo. Bravo, ouais. Et j'aurais pas misé dessus, hein. Non, moi non plus, hein. Ah, pour le coup, j'aurais vraiment pas misé dessus. Bon, bah Nicolas, malgré une bonne prestation, bah c'est Arthur qui l'emporte. L'Arcos 45 Platinum avec Android à l'intérieur. Et pour toi, Arthur, félicitations. Ouais, avec plaisir. Salut à toi, Arthur. Salut, et je peux faire une dédicace ou pas? Ah bah vas-y, il y a une seule personne. Tu connais la règle, on t'écoute. Alors, choisis la bonne. À tout le collège Sainte-Marie de Nevers à Toulouse. D'accord, eh ben on embrasse tout le monde à Toulouse, au collège Sainte-Marie de Nevers, sans problème. Salut à toi, Arthur, à bientôt. Salut. Ciao, Nicolas, merci à toi d'être passé, oui, tu reviens quand tu veux, pareil. Une dédicace pour mon frère. Allez, bah vas-y, c'est fait du coup. Une dédicace à mon frère Christophe que j'aime, et puis un gros bisou à mon frère et puis à ma belle-sœur. Très bien, le message est passé, les messages sont passés. Merci. Salut Nico, à bientôt, hein, bravo à toi. Salut. Encore. À bientôt, ciao. Bon, et si vous voulez jouer, on remet le couvert la semaine prochaine avec les Je t'emmerde. On fait ça tous les mercredis soir, hein, comme ça passe. Le message, le mardi on fait la rupture, le lundi c'est le chéri je peux te faire cocu, demain c'est le canular. Si d'ailleurs vous voulez faire un canular avec nous, si vous voulez piéger votre copain, votre copine, la famille, bref n'importe qui, il y a aussi un Arcos 45 Platinum à gagner. C'est le nouveau smartphone qu'on vous offre toute la semaine et demain ce sera le dernier à gagner. Donc vous voulez jouer, bah oui, vous voulez jouer, vous appelez maintenant Sandro, c'est au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Lamia. Ouais. Bon, il avait marché sur quoi alors, ton mec là, avec toute ton histoire là? Attends, il avait marqué sur un il a marché sur un oiseau. Non. Non, il a marché sur un chat. Il a marché sur un chat. Mais non. Ah merde, attends, il a marché sur une télé. C'est bon, tu me laisses finir s'il te plaît. Oh, ça va si on peut plus jouer alors. Mais on est là, nous on veut jouer là. On se croirait à la télé, quoi, tu sais, genre question pour un champion. C'est vrai qu'il faut pousser sur le buzzer. Bon, alors du coup, il a marché sur quoi? Attends, il a marché sur une mobilette. sur des punaises. Sur Tof. Il a marché sur la tête à Tof. Sur Tof, ouais. Non, sur ta tête, c'est mieux. Ah, si tu veux, oui, après, peu importe, mais moi, je pique pas. Hein. Ah. Bon, il a marché sur quoi? C'était crâne d'œuf. Non, je suis pas crâne. Ah oui, bah, tu parles sur la tête. Non, bah, à ce niveau-là, ça va. À ce niveau-là, ça va. Bon, il a marché sur quoi alors? Attends. Non, je plaisante, vas-y. Sur une abeille. Ah, bah, je te dis. Ah non, j'ai dit le nid, moi. Ah oui, merde. Ah oui, non, ah bah, dommage. Non, t'as dit un nid. Oui, ouais, c'est vrai, j'ai dit nid. Une abeille sauvage, ouais. Mais le problème, c'est que quand elle l'a piqué, c'était pas quand il a marché dessus. Quand il a marché dessus, il a juste eu le temps de retourner son pied et de regarder si elle n'était pas sous son pied. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est l'erreur qu'il n'aurait jamais dû faire. Non, elle était pas sur son pied quand il a marché dessus. C'est quand il a retourné son pied pour vérifier si elle était en dessous ou pas, qu'elle est venue sur son talon, ah, et qu'elle l'a piqué. Ah d'accord, ok. Ah la salope. Oh, et après tu peux te dire, je sais pas si les abeilles aussi, mais je crois que c'est les guêpes. Plutôt une fois qu'elle pique, elle meurt. Non, c'est l'abeille, parce c'est qu'en l'abeille. Fait, le dard reste à l'intérieur. Non, c'est l'abeille. Ah oui, ouais, c'est l'abeille, mais alors, c'est le ça. Le dard est resté, donc après, il est resté plié en quatre sur la pelouse, en maintenant au secours. Ah ouais, parce que ça fait... S'il te plaît, enlève-moi le dard, ça rentre à l'intérieur. Alors que Toff, il aurait mis le dard, lui. Hein. Ça faisait de plus en évidemment. Plus, en fait, ça lançait de plus en plus, quoi. Ah bah oui, j'imagine. Non, mais ça, j'aime pas non plus. J'avais aussi ça avant, tu sais, dès qu'il y avait une... Si tu veux, en fait, chez mes grands-parents, t'avais un petit chemin qui faisait, je sais pas moi, 150 mètres dans le jardin, ou alors tu devais faire pour arriver au même endroit. Tu devais faire tout un tour qui faisait peut-être 800 mètres. Il fallait contourner toute la maison, tout un pâté de maison pour arriver à la fin du jardin. Et donc j'avais tellement la phobie des guêpes et des abeilles. Il y en avait plein parce qu'ils avaient des vignes, c'était au Portugal. Et du coup, je faisais tout le tour en fait parce qu'il y avait des guêpes. Et puis à un moment, je me suis dit, c'est complètement con. Donc j'y suis passé pépère. Et en fait, les guêpes s'en battaient les couilles de ma gueule. Hein, donc c'est juste que si tu commences à t'énerver, à te secouer et à bouger les bras partout, c'est là qu'elles sont en panique et qu'elles te piquent en fait. Mais si tu fais ta vie normale, s'il y a une guêpe qui vient se poser sur toi, bah tu la regardes, tu l'admires et tout. C'est qu'il l'a dérangé pendant qu'elle mangeait son... Oui, ben voilà, là après c'est parce que... Non, mais là c'est normal. Elle s'est agressée, elle l'a piqué direct. Ben normal, il lui a marché dessus, tu mets-toi à sa place. Faut pas dire non, ça fait rien, donc... Non mais c'est parce qu'il lui a marché dessus. Hein? C'est parce qu'il lui a marché dessus, s'il était passé à côté de la guêpe, de l'abeille. Non, d'accord, mais ok, faut pas non plus l'ignorer. Non mais bien sûr que ça peut être... Non mais y a rien là. Bien sûr que ça peut être dangereux, mais on se l'a dit, on s'éloigne de l'avion quand même, hein. Vachement, hein. Ouais, mais oui, mais c'est une deuxième phobie. C'est vrai. Enfin, c'était une deuxième phobie que j'avais, mais j'avais une petite anecdote derrière, quoi. D'accord, ok. Il y a message de Charlie du 35 qui dit, moi perso, j'ai la phobie des papillons de nuit. Oh putain, pourtant ça fait rien, ça, les papillons de nuit. Il y a Mamzella qui dit, j'aime bien les fesses de Monsieur M et celui de Mickaël aussi. Les fesses de Toff sont un peu plates. Ah oui, ça, c'est sur les photos sur le Facebook. Hein. On a mis des plus belles fesses puisqu'on s'est rendu compte que c'était Kelly Brook qui avait été élu les plus belles fesses du monde. Et donc on a mis nos fesses pour voir si vous les trouvez belles ou pas, et puis bah allez voir hein, facebook.com/mikaelofficiel. Ramenez-vous à Lille, il fait froid, mort de rire. Votre ami bleu en plus, j'ai les animaux de compagnie, c'est Colin. Il y a Soraya qui dit vous pouvez venir quand vous voulez, on est en couple, on habite ensemble, on a un chien, un chat avec qui vous pourrez vous éclater. Il y a aucun souci, le billet de train coûte que 20 euros et vous êtes les bienvenus. Bah merci Soraya. Et Valoche qui dit merci d'embrasser les Toulousains, venez à Toulouse, nous sommes des gens chaleureux. T'inquiète pas Valoche, on a bien prévu d'y passer avant la fin de la saison, t'inquiète pas. Il y a Clarisse également avec nous. Salut Clarisse. Bonjour Clarisse, avec cette toute petite voix là, Clarisse. Hein Clarisse? Oui. Bon, mais bienvenue à toi Clarisse. Bon, c'était quoi ta phobie toi, dis-moi? Les escalators. Ah oui, c'est vrai, les escalators. Mais t'as peur de quoi? D'être attrapé par l'escalator? J'ai peur s'arrête jamais. Moi. Hein? Non, pas du tout, je sais pas, c'est quand je suis dessus. Déjà, en fait, c'est rayé et ça me... Les rayures, quand on regarde, je sais pas, ça me fait mal à la tête et je les vois pas bien et donc pour moi ça bouge. Ça c'est parce que tu as des problèmes de vue, il serait temps de consulter quelqu'un. Oui, là il faut peut-être aller... Non mais c'est vrai, il faudrait peut-être aller consulter à un moment ou à un autre. Hein. Ah non, mais j'ai pas du tout de problème. Ah bah si. Ah si, non, si t'as. Non, mais j'ai consulté. Et le médecin t'a dit que tout allait bien? Non, tout va bien. Vous voyez mal les lignes droites, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est l'alcool. Je te conseillerais quand même d'aller voir un deuxième médecin, on sait jamais. Un ophtalmo, va voir un ophtalmo. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, mais j'en ai eu plusieurs. D'accord. Et ils t'ont tous dit que c'était bon? Ouais, c'est bon. Bah, le problème, c'est que comme elle a des problèmes de vue, à chaque fois, elle allait voir un autre mec. Ouais, c'est ça. Ça marchait pas, quoi. C'était le même. On va voir un psy, à la limite. Hein. Peut-être. Non, je sais pas, non, c'est bizarre. Non. Mais attends, c'est bizarre. Si t'arrives pas à voir les lignes droites, c'est qu'il y a un moment, il y a un truc. Non, c'est pas que ça. C'est juste sur les escalators. C'est d'accord, vraiment, c'est le truc. C'est, je sais pas. Et tu sais que nous, quand on regarde les escalators, on les voit normalement. Ça nous fait pas des problèmes de à la tête, hein. Non, mais ça me fait pas mal à la tête, mais c'est, je sais pas, ça donne des tournis ou un truc comme ça, mais en plus, il y a pas longtemps, je suis allée en Russie, Et ouais. Je sais pas, c'est le métro là-bas pour accéder. Ah bah non, mais attends, alors... mais en Russie, c'est-à-dire les métros et les escalators, ils font juste 100 km de long, quoi. C'est un truc de ouf. Non, c'est-à-dire non, qu'ils c'est ont fait voyage au centre de la Terre dans tous les métros. Ah quoi. Ouais. Ouais, mais c'est et ça, ouais, c'est super long. Et moi, on me dit quoi? On me dit qu'il y a des escaliers. Donc, bien sûr, on me dit, bon, je vais prendre des escaliers, les gens avec qui j'étais, ils vont descendre par ascenseur. Sauf qu'une fois qu'on est engagé, en fait, il y a un endroit pour sortir, un endroit pour rentrer. Ouais. Mais on peut pas passer par la sortie, il y a des gardes qui surveillent en plus. Exactement, en plus, il y a des gardes à chaque entrée de métro. Enfin, à chaque escalator, il y a des gardes, c'est un truc de ouf. Ils sont obligés de prendre l'ascenseur, l'escalator. Ah ouais, et du coup, c'est la phobie des escalators, ça va pas aider. Attends, il y a aussi Andrea avec nous, là, ça dit Andrea de Corse. Ah oui. Comment ça va? Mes amis corse. Eh bah ça va très très bien. Tu sais que Toff est wanted en Corse. Ah ouais? Ah il est recherché. Pas du hein. tout, pas du tout. Les Corses m'adorent. Non, arrête, ils veulent tous. Et attends, le dernier, il a dit qu'il voulait te plastiquer le fion. Toff, arrête ton cinéma. Ah, ça va faire mal. Ah bah je te confirme. Pour le jour de l'an, vous avez fait sauter combien de villas? Bah je sais pas. Moi je suis pas un sauteur de villas, mais. C'était pour rire, oh là là. Bah oui, mais oui, oh là là, écoute, plus personne comprend lui. Écoute. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer au gros PD que tu veux. Voilà, ça c'était pour Toff. Ah, celle-là, on l'a tous vu, celle-là. C'était pour Toff, ça. Bon, c'est quoi ta phobie, toi, Andrea? Bah alors, moi, c'est le bateau. Ah bon? Ah bah putain, t'es emmerdé en Corse, toi. Mais ouais, je suis très emmerdé. En plus, quand je dois aller à Marseille, je suis pas ferry. Et... Il y a autant de mal. Une demi-heure d'avion... Et de payer autant 250€ donc Ah bah oui c'est super cher. Mais ouais. T'as peur de quoi dans le bateau qui coule? Qui quoi? Ouais voilà qui coule parce que vous avez vu le... Attends on t'entend mal, ça coupe à chaque fois André, on va essayer de te rappeler, à mon avis la ligne doit être merdique là. Bon et Tristan également avec nous de Lyon. Salut Tristan. Ouais ça va Tristan? Ça va. Bon on va parler des phobies encore avec toi dans quelques minutes. Tristan reste avec nous, Lamia également. On se fait une dernière colle avec Volodia maintenant là. Volodia. Oui. Allez, dernière fois qu'on fait la colle et après le son de Pharrell Williams, on donnera la réponse et on saura qui repart avec les 200€. Vas-y, fais péter la colle une dernière fois. Je suis petit, moche et plein de terre. Qui suis-je? Je suis petit, moche et plein de terre. Le qui stagiaire suis-je? Le stagiaire, ça aurait été une idée. Il y a Joanie qui dit un bout de shit pour la colle. Non. Un cornichon. Non plus. Propose un escargot. Non. Un pot. Non. Une carotte. Le sous-chef. Non. Il y a Sydney qui proposait une bite. Non. Non. Bon, d'accord. Un doigt de zombie. Non plus. Non, c'est Nicolas qui. C'est une nouvelle personne qui écoute Fan Radio depuis une semaine. Eh bien, bienvenue à toi, Nicolas, mais tu n'as pas la bonne réponse. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, vous n'hésitez pas. Vous envoyez Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, bah, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission pour gagner 200€, là, facebook.com/Mickaël officiel. Volodia, reste avec nous. On donne la réponse juste après le son de Pharrell Williams. On aura également Yannick. On aura le retour de Tristan, Andrea, de Clarisse et de Lamia. Et puis, la réponse à la colle, ce sera dans quelques minutes, juste après. L'excellent son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. C'est Happy sur Fun Radio, bonne nuit. It might seem crazy what I'm about to say. Le son de Pharrell Williams sur Fun Radio. C'était Happy. Et bienvenue tout le monde. Mais c'est un petit message qui est arrivé. Il y a Geek and Boop sur le Twitter qui dit à chaque fois que Toff me parle, il y a mon chien qui grogne. Ça m'étonne pas, tiens. Dès qu'il entend la voix de Toff, ça grogne à mon avis. Mais il a raison. C'est parce qu'il me kiffe. Bah, certainement pas, non. Laura aussi sur le Facebook. Moi j'ai la phobie des insectes, mais surtout les araignées. Et une fois mon copain et moi on commençait à faire l'amour et j'en ai vu une au même moment. Je me suis stoppé et j'ai dit à mon copain de la tuer. T'imagines? Tu veux me baiser, tu tues l'araignée. Ouais, en plein orgasme. Hop, elle s'arrête pour parler de l'araignée. Ah mais il y a l'araignée. Oui, bah elle va pas te bouffer l'araignée, elle est à l'autre bout de la pièce. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout même. Bon, on va également parler du top twito. Je vous rappelle qu'on offre les cadeaux. Hein. Ceux qui seront dans le top twito, c'est le numéro 4 ce soir qui gagne. Si vous voulez tenter votre chance, il suffit, et c'est gratuit, d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Sur Twitter, évidemment, numéro 5. Alors, numéro 5, Magda. Si ça s'arrêtait maintenant, donc, le numéro 5 serait Magda. Le numéro 4 serait Hugo Réo. Numéro 3. Cédric. Numéro 2. Surprise, let's be freaks. Ah, numéro 2 seulement, let's be freaks ce soir. Et très oui. bien. Et enfin, numéro 3. Félicia. Félicia, très bien. Bon, eh ben voilà, à vous de jouer si vous voulez tenter votre chance. Vous tapez hashtag et Mickaël sur le Twitter, vous mettez un maximum de messages et si vous êtes tiré au sort, enfin si vous êtes numéro 4, c'est pas plus compliqué que ça, vous repartez avec le sextoy donc offert par passagedudésir.fr. Voilà, et avant de reparler des phobies, dans le grand journal, il y a Condé Loro qui nous a encore montré toute sa classe avec le ministre de la culture. Enfin, donc, bah, ministre ou pas ministre, c'est la bise quand on voit une dame. Ah, vous embrassez directement. Ah, moi direct. Mais encore, j'ai pas mis la langue. Ça commence. Excusez-moi. Ah oui, excusez-moi, évidemment. Bon. Le mec, quand même, devant les ministres, il en a rien à foutre. Mais il en a rien à foutre, il a raison. Et puis dans Harry, il y a Sébastien Follin qui fait une vanne. Alors, digne de Toff, pour le coup. Qu'est-ce que vous me dites? Voici l'exemple proposé par Harry, vous me dites. Courgette. Une courgette, évidemment. Est-ce qu'il y avait quelque chose de drôle dans ce que j'ai dit, le public? On dit courgette, ça rigole. Ça rappelle des souvenirs à certaines. Ah, c'est ça, tu vois. Encore lui, encore, il est plutôt classe. Hein. Ouais. Et puis, dans Les Princes de l'amour, là, on a le clash le plus pourri de la télé. Attention, c'est du très lourd. Alors, je vous invite à faire connaissance avec ma première. Bonjour, c'est Jessica. T'as fait bon voyage? Ça va? Eh ben oui, j'espère que tu as profité des quelques jours qui te restent. Mais vu ta tête, tu vas pas faire long feu. Elle m'a clashé. Mais réellement, ça va se payer dans la journée. Ouais, ça va se payer. Putain, ah ouais, on a eu un gros clash là. Ouh là là, un énorme clash, j'ai envie de dire. Bon, allez, teubé de la télé. Si vous voyez un truc qui vous a fait marrer ou un truc qui vous a fait pitié plutôt à la télé, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Mikael@funradio.fr, vous m'écrivez. Et puis un message de Playchick aussi qui dit en direct du poste de police, on vous écoute sur Fun. Ah bah cool, merci à toi, Play. Il y a Dédé qui dit aussi pour l'émission chez moi, mes darons voudront jamais, mais dans une salle communale à côté de chez moi, ça peut le faire. Ah, la salle communale, on a connu plus sympa quand même. Ça peut être cool. J'ai de la place dans mon salon pour vous accueillir ainsi qu'un chien pour Sandro, elle peut même dormir avec si elle a envie. Ah bah, oh, pourquoi pas. Donc je rappelle qu'on vient faire une émission en direct de chez vous, hein, dans votre salon, votre chambre, n'importe où. Si vous voulez nous accueillir, eh bien n'hésitez pas à nous le dire. Vous envoyez Mikael suivi du message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique, et bien sûr aussi sur Facebook et Twitter, tapez Mikael officiel. Il y a Fuck sur le Twitter qui dit moi j'ai la phobie des escargots. Pourtant putain, s'il y a bien un truc qui peut pas faire de mal, c'est un escargot quand même. Hein. Retour avec la mienne. Est-ce qu'on a récupéré Andrea là de Corse? Andrea? Ouais, c'est moi. Ah voilà, ça a coupé, j'espère que ça va mieux maintenant. Donc tu disais toi que t'avais la phobie des bateaux, c'est ça? Ouais. Très bien, parce que donc tu quand tu dois aller à Marseille par exemple, c'est forcément le bordel, t'es obligé de prendre l'avion qui coûte un bras. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu fais comment? Tu dois prendre l'avion à chaque fois ou tu fais quand même un effort et tu prends le bateau quand même? Je prends l'avion des fois, mais je préfère quand même prendre le bateau parce que c'est quand même moins cher, 50 euros. Ouais. Mais j'ai peur, vous avez vu tous le Costa qui... Oui. Ouais, enfin, ouais, Costa, mais... c'était pas en Corse, quoi. Tourné, mais depuis ça. Ah, c'est depuis ce moment-là? Hein? C'est depuis ce moment-là? Ouais, à peu près, ouais. Autrement, j'ai toujours fait du bateau. Bah, j'habite un peu en Corse, donc il faut. Ouais. Bah oui, t'as pas trop le choix, ouais. Mais en même temps, t'as déjà vu, il y a eu plein d'accidents de voiture, hein, des gens qui sont morts et tout. Ouais. Et tu prends la voiture. Des accidents de baignoire aussi, des gens qui ont glissé dans leur baignoire, ils se sont ouverts la tête. Non, mais d'escalier aussi. Bah, ouais. C'est quand même chaud. Ouais, non mais c'est bizarre qu'à cause d'un accident comme ça t'es eu tu sois bloqué. Ouais, ben je sais pas, ça m'est venu comme ça et j'ai eu une grosse crise d'angoisse en étant sur le Corsica Ferry et je pleurais et tout, j'étais mal. Hein. Non. Ah ouais putain c'est chaud. Ah ouais putain c'est clair, c'est bizarre. Mais Sandro, t'as des phobies toi? Bah une blinde. Ah oui bah déjà elle peut pas voir les araignées. Quand on a fait la migale il y a deux semaines dans les studios, elle a dû sortir du studio. Ouais, c'est-à-dire qu'on a dû l'emmener dans à l'autre bout de Paris à ce moment-là. Exactement. Donc les migales, les serpents, enfin les araignées, les serpents, la bite. Elle a peur des chats, des chiens également. Non, j'ai pas peur. Ah bon, ça va alors. Des chiens, chats, mais j'adore les animaux, c'est ça le pire. Bah c'est pour ça qu'elle aime bien. Je suis fascinée par ces bestioles-là. T'as la phobie de Toff ou pas? Bah, je m'y suis habituée. Ah, ouais, d'accord. C'est ça. C'est avec le temps. Quand je l'ai connue au début, j'avais des vomissements. Des pertes blanches. Oh. Elle avait des peurs. Et ça va. Mais l'avion, j'ai peur aussi. Et, ouais, mais tu le prends. Et je développe en fait. Elle a la phobie de la phobie. Elle a peur d'avoir peur. Ouais, mais c'est au fil des années, je développe des trucs chelous. C'est un truc de fou. Des fois, je fais des grosses crises d'angoisse parce qu'il y a trop de monde autour de moi. Ah oui, mais ça arrive. Hein. Mais c'est horrible. Ah, il y a des gens qui aiment pas ça quand ils ont trop de monde. Ou j'avais vu ça aussi, un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Quand t'as trop d'objets, tu pètes un plomb aussi. Il y a trop, t'as trop d'objets, t'as trop de vêtements, t'as trop de ouais, t'as de besoin chaussures, que tu sois rangé trop... bien tout. Non, mais c'est pas ça. Les avoir... Non, c'est le trop. C'est trop. C'est juste le fait d'avoir pas, trop. Ne dis pas, je vais bloquer dessus. Voilà. Elle va rentrer, elle va ouvrir son armoire, elle fait ah non, j'ai trop. Voilà. C'est trop, ça va pas. Et Sandro, elle aimerait bien avoir la phobie de la bouffe, c'est-à-dire de ne plus trop manger. Ben, je me demande si c'est pas lié en fait. Ouais, mais ça, c'est pas la phobie inversée. Quand t'as trop d'angoisse, bah tu bouffes. Ah oui, bah voilà, nous excuse maintenant, tu as tout fait. Bah, je sais pas. Et Toff, une phobie? Bah le vide en fait. Hein. Ouais, le vide, ouais. Ça, d'accord. c'est ma plus grande phobie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un endroit où je suis sûr que je peux pas m'accrocher à quelque chose, j'ai peur. D'accord, ouais, c'est marrant ça. Bon, tu peux sauter, tu peux t'accrocher à Apollo si tu veux. Ouais. Ton parachute. Oui, mais non, parce que là c'est pareil. Tu vois, c'est du vide, il y a rien autour de moi, je peux me raccrocher à rien, ça va pas. Alors que faire de l'escalade, sans problème, tu vois. Pourtant, t'as pas peur de ta vie, elle est vide aussi pourtant, non? Tu oui, m'accroches à rien. Ta tête est vide aussi, Tof. C'est vrai, c'est vrai. Pauvre. Mais ça, ça va. Moi, j'ai ça, la phobie de Tof. Et oui, Polo, la phobie de Tof. J'ai envie de vomir à chaque fois que je le vois. Moi, j'ai pas spécialement de phobie en fait. Non, je suis un parfait, moi. En fait, c'est normal, tu es Mickaël. Bah ouais, mais non, mais je réfléchis à s'il y a un truc où j'ai vraiment les boules. J'ai beau chercher, non non, j'ai pas de phobie. C'est dingue, ça. Mieux, je dois en avoir, à mon avis. Je vais réfléchir un peu. Mais dites-nous, vous, les phobies là que vous pouvez avoir. Bon, Tristan qui est avec nous de Lyon. Tristan, t'es là? Ouais. Bon, toi, ta phobie, c'était quoi encore? Moi, j'en ai plusieurs, mais la principale, c'est les ballons qui éclatent. Ah oui, c'est vrai, les ballons qui éclatent. Ah ouais, par contre, il y a des gens, ils ont des phobies, mais toutes pourries, quoi. Oui, mais après, genre, les ballons qui éclatent, non, mais c'est pas mon cas quand même. Hein. Non, mais c'est quoi les ballons qui éclatent? Comment ça t'est venu? Un petit peu quand même. Bah, tu sais, c'est les petits ballons en hélium ou avec de l'air dedans, et voilà. Et ah ouais, le pauvre ballon de baudruche, quoi. Voilà. Mais t'as peur de quoi? Parce que, tu sais, quand t'as peur des araignées, parce que t'as peur qu'elles te piquent, le serpent, il peut te bouffer ou il peut t'étrangler, etc. Mais le ballon? Bah, je sais pas, ça peut péter à tout moment. Non, mais d'accord, mais. Oui, mais d'accord, mais que tu aies la phobie des bombes, parce que évidemment tu peux mourir, pourquoi pas, mais la phobie d'un ballon. Non, non, mais c'est vrai que je risque rien, mais c'est sur le moment, on est dans l'action, et d'un coup le ballon il pète, et voilà, ça me fait peur. Ah, c'est marrant ça. Et toi, quoi d'autre comme phobie? La phobie de l'eau aussi. Enfin, les piscines ou les trucs comme ça, je peux y aller, mais sinon dans les lacs ou les océans, je peux pas. Ah, parce que tu vois pas le fond, tu t'arrives pas à voir ce qu'il y a en bas, c'est ça? Voilà, et j'ai vu trop de films avec des trucs qui faisaient peur. Mais ça j'avais avant, dès qu'en fait je rentrais dans un truc où il y a de l'eau et où j'avais pas pied, je pétais les plombs. Oh, qu'il est relou l'autre là. Ah, il a peur de la piscine. Non, c'est pas de la piscine, c'était d'être dans l'eau où j'ai pas pied. Oui, oui, c'est ça, oui, peur de là où il y a pas pied. Donc c'est-à-dire que même dans la mer, dans un lac, dès que je passais le cap du j'ai plus pied, c'était la catastrophe. Oh là là, et comment t'as fait pour les... Ouais, en fait, au bout d'un moment, ça m'est passé. Ah ouais. Bon, ouais, moi j'avais le vertige avant, mais ça m'est passé aussi maintenant, je suis tranquille avec ça. Et j'avais pas la phobie, mais j'étais pas tranquille avec la migale non plus quand elle est venue dans le studio. Et maintenant que je l'ai eu sur le bras, franchement ça va, on pourrait la remettre là maintenant, cool quoi, pépère. Franchement ça a été avec la migale, mais non, je suis content parce que j'ai battu cette phobie, plus peur, pas la phobie, mais plus peur. Je suis tranquille maintenant avec ça, c'est bien, ouais, tranquille. Et donc Tristan, mais... Par le mal, hein. De quoi? Combattre le mal par le mal. Exactement. D'ailleurs, on va te ramener de la bouffe demain, comme ça tu n'en mangeras plus. On va te bourrer la gueule. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Ah bah bravo Polo. Et Lamia, et pour en revenir à ton avion là, il y a un moment, oublie, tu vois, c'est-à-dire que en fait quand t'es dans l'avion, il faut vraiment y aller. Tu te dis écoute, s'il y a un problème, il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux, je pilote pas, c'est la vie, c'est que c'est le destin, même si tu comprends pas trop, mais c'est que c'est le destin, tu vois. Mais ouais, mais tu sais, regarde. Il faut pas que type tu y penses. Ne n'y pense pas. Et sauf si t'entends un truc, mais des. Bon là, évidemment, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, ouais, tu y penses pas et tu dis que c'est la vie. Voilà, si c'est le moment, c'est le moment. Ouais. Parce que tu as quand même paniqué. Tu sais, parce que imagine, t'as la phobie. Bon, tu imagines très bien puisque t'es dedans, mais t'as la phobie de l'avion, ça veut dire que tu peux partir en vacances que en bateau, mais ça met 15 ans quoi. Si tu vas aller aux États-Unis, si tu vas aller en Asie, enfin tu vois comment ça se passe. Il y a un moment, c'est de fermer à plein de trucs quoi. Grave. C'est comme ceux qui ont la phobie du transport. Ils restent chez eux tout le temps. Non mais ça doit être un calvaire. Mais c'est clair, hein, je me fous pas d'eux, au contraire. Hein, c'est juste que ça doit être un calvaire. C'est une phobie, ça devient une maladie chez eux. Mais oui. C'est ouais, comme, tu sais, c'est ceux qui, j'avais vu ça aussi, c'est des gens qui doivent, tu sais, quand ils vont, attends, l'ami, quand ils vont au supermarché, ils achètent des trucs, ils doivent laver toutes les conserves, tout avant de mettre un truc à la maison et tout. Complètement. Tu lisais l'ami? Non, ou alors, j'ai vu un reportage sur une fille qui avait peur des gens extérieurs. Ouais. Enfin, elle restait chez elle juste parce qu'il y avait des gens extérieurs, du coup. Elle allait plus à l'école, enfin elle avait plus de vie extérieure de chez elle quoi. Ouais, mais maintenant avec internet ça va, tu vois, elle vit par procuration quoi. Elle est sur Facebook, non, comme dirait l'autre. Bah oui, mais il y a internet, il y a tout ça, mais ce qui concerne de sortir dehors, prendre l'air, ou ne serait-ce que d'aller se promener, elle pouvait pas. Oui, non, mais on rigolait avec internet, hein. C'était une vanne. Ouais. Non, mais pour l'avion, écoute, vas-y. Pense à autre chose, pense que t'es dans ton lit, t'es en train de dormir, tout va bien, c'est cool, c'est génial. Une fois que tu seras là-bas, t'auras le soleil, tu vas dire oh finalement c'était rien, moi j'ai le soleil et tout, je suis allé bien là, c'est cool. Il est lundi. Hein. Combien? 18. Eh ben c'est pas mal. Ouais, pour peu qu'il y ait un peu de soleil, t'es à la cool. Bon tiens-nous au courant l'ami, on te rappelle après, après les vacances en espérant que t'aies pris le vol, ok? Ouais, Ok. Bon, ça roule. Il y a moyen d'avoir un petit pack. Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, sans problème, Lamia. Ok, merci. Salut, à bientôt, bonne Lamia. Soirée. Merci, Clarisse et Andrea. Vous revenez quand vous voulez aussi, tous les deux. Hein. D'accord. Bah, pas de soucis, je peux faire une dédicace ou pas? Allez, vas-y, Andrea, là, une personne, choisis la bonne. Bah, je vais faire une dédicace à plusieurs en même temps, mais en un. Alors, à mes fans Facebook et à YouTube, parce que je fais des vidéos très, très, très connues. Ah bah, d'accord. Très bien. Ciao et merci les gars. Avec plaisir. Merci Andrea, merci Clarisse, Tristan, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux. Bah merci Mika. Mika, c'est possible aussi d'avoir un pack ou pas? Oui, oui, bien sûr. Pas de problème. Je vais vous renvoyer au standard et puis vous gérez ça là-bas. On prend vos coordonnées, on vous envoie ça rapidos, d'accord? Ok, merci beaucoup à toute l'équipe. Bonne soirée. Je t'en prie, à bientôt, merci à toi aussi. On va prendre Yannick dans quelques minutes. Et alors on est en retard hein, par rapport à la colle là. Et oui, désolé, normalement c'est minuit, mais on est un peu à la bourre. Volodia, tu es là? Oui. Allez, c'est parti. On va donc donner la réponse à la colle maintenant. Qui va repartir avec 200 euros cash? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui aura peut-être trouvé la bonne réponse? Si la personne qu'on appelle maintenant, qui était tirée au sort sur le Facebook ou par SMS, donne la bonne réponse, elle repart avec les 200 euros et tu repars avec que dalle. Si ça ne décroche pas ou si la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. En même temps, Volodia, t'as de la chance. Hein. Plus on appelle tard, moins les gens ont des chances de décrocher. Hein. Allez, on y va. On va y aller. Deuxième. Troisième. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Élise. Salut Élise, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ah, salut. Élise, salut Élise. Il y a Volodia qui a une collade posée. Vas-y Volodia. Je suis petit, moche et plein de terre. Qui suis-je? Pour moi, j'aurais dit le ver de terre. Oui, j'ai ça. Eh ben, voilà. Ouais. Génial. Eh ben, voilà, 200 euros cash pour toi. Ah, super. Tu génial. Vas faire quoi avec ça, Lisa, dis-moi? Eh ben, je sais pas encore. D'accord. Mais, à mon avis, peut-être me refaire une garde-robe avec les sols, justement. Eh ben, pourquoi pas, si tu fais des bonnes donc, affaires, tu pourrais, hein, éventuellement. Eh ben, écoute, Elisa, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer ça très rapidement pour que tu puisses en profiter pour les soldes. Et puis, je te renvoie au standard, on va prendre toutes tes coordonnées. Ok, bah super, merci beaucoup. Avec plaisir, je te fais plein de bisous, je t'embrasse, à bientôt. Merci, bisous à toute l'équipe. Salut, ciao. Et puis bah Volodia, bah désolé pour toi, mais on s'ira mieux la prochaine fois. C'est possible de faire une dédicace? Oui, allez, vas-y, il y a une seule personne, hein, tu connais la règle, profites-en bien et surtout choisis la bonne. Alors j'ai fait une dédicace à tous ceux qui me connaîtront en fait. D'accord, ah bah au moins c'est comme ça, c'est pratique. Hop, t'as fait tout le monde en même temps. Ça roule, salut Volodia. Allez, à plus hein. Allez, bah à plus Volodia, ciao à toi, on aura Yannick aussi dans quelques minutes. Salut Yannick. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Tranquille. On parle de quoi dans quelques minutes avec toi Yannick? Alors moi on parle d'une histoire d'amour assez compliquée. Je d'accord. Mijoter là-dessus. Ok, très bien. Eh ben, écoute, on note, on va en parler dans quelques minutes. On va encore faire d'autres appels avec Tof, hein, puisqu'on cherche toujours le plus beau cul de France ou de Belgique. Bah oui. On l'a essayé en Belgique tout à l'heure, ça n'a pas très bien. On n'a pas eu un grand succès. Hein, donc on va dire la vérité. Bah on va essayer maintenant, on va continuer. Hein. Voilà, on fait ça juste après Tony Junior. Twerk Anthem. Yannick, reste avec nous, il est 1026. On est en direct sur Fun Radio tous les soirs de 23h à 2h du mat, le dimanche également, de 20h à minuit. Et Stéphanie qui dit moi ma plus grosse phobie c'est d'être rejeté par Tof. Oh, choupineur. Oui c'est ça. Ouais. Allez minuit 27, bienvenue sur Fun Radio. Si vous écoutez pour la première fois, vous êtes chez vous. Tony Junior sur Fun Radio. Tiens, est-ce que vous voulez qu'on appelle Jean-Pierre Sauzère ce soir là? Dites-nous, hashtag Mickaël sur le Twitter. Pareil sur le Facebook de l'émission également. Est-ce que vous voulez qu'on appelle Jean-Pierre Sauzère? Alors Jean-Pierre Sauzère, évidemment, c'est ce grand chanteur qui a sorti cette qui a sorti cette chanson-là, surtout attention que tout le monde connaît maintenant. Je suis Jean-Pierre. Qui est de le hit de l'hiver. Des merveilles, le chapelier fou, je me croque les orteils. Je suis Jean-Pierre. Au pied de mes rêves, le grand lapin blanc. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on l'appelle encore une fois ce soir Jean-Pierre Sauzère? Dites-nous, hashtag et Mickaël sur le Twitter. Et puis vous pouvez bien entendu aussi nous contacter soit via le standard 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. On attend tous vos messages bien entendu. On va continuer les appels là maintenant là. Mais allons-y. Puisque je rappelle que nous cherchons les plus belles fesses de France ou de Belgique. On cherche, mais... On cherche. Va-t-on trouver ? Bon, on l'a appelé en Belgique tout à l'heure, on va appeler en France maintenant. Bah oui, il faut changer. Bah évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Je rappelle que c'est Kelly Brook qui a été élu là, le plus beau fessier du monde. Oui. Voilà, d'ailleurs, on a mis notre photo avec toutes nos fesses, y compris celui de notre nouveau co-animateur, monsieur M, qui est tout en bleu d'ailleurs, de bleu vêtu. Donc, ça lui va trop ça bien. Ça lui va très très bien. Donc, si vous voulez les voir, facebook.com/MIKL officiel. Et depuis tout à l'heure, on appelle grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Toff. Numéro de jeu encore debout à cette heure-ci, toph@funradio.fr. Faites partager. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche des plus belles fesses de France. Comment ? Non, j'ai dit je vous appelle parce que je suis à la recherche des plus belles fesses de France. Des plus belles quoi ? Du plus beau cul de France. Votre cul est plus beau alors ? Ben, je sais pas. Ah, je viens de vous le dire alors. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avais le plus beau cul de France. C'est vrai ? Oh bah c'est gentil. Redites-le moi encore. Allô ? Je vous écoute, monsieur. Non, je disais, redites-le moi encore. Je dis, est-ce que c'est des blagues ou quoi ? Vous non, les gens ou quoi ? Non, pas vous du tout. Vous appelez les gens. Non, vous appelez les gens sont en train de dormir et vous foutez les gens, quoi, vous parlez de cul. Mais pas du tout, je veux juste savoir, je cherche juste le plus beau, monsieur. Vous avez le plus beau, alors ? Ah bah très bien, dites-le moi encore. Merde. Et ne me rappelez plus, hein, d'accord ? Ah oui, mais vous me faites un compliment, vous voulez pas le répéter ? Je vous emmerde, je vous dis. Non, mais ça, c'est pas un compliment, monsieur. Ah oui, mais il a raccroché. Attends une seconde, on va le rappeler, là. Bah hop, oui. Là. Attends, c'est parti. On le rappelle. Il avait l'air gentil, en plus, aussi, mais lui. Oui. Hein. On tombe que sur des gens gentils, en tout cas. Ah, mais c'est... Oui, excuse-moi. Excuse-moi, monsieur, on a été coupé. Mais dites-moi, vous cherchez quoi, monsieur ? Bah, le plus beau cul de France. Vous vous foutez de moi, ou quoi ? Mais pas du tout, monsieur. Enfin, je n'oserais pas. Mais d'accord, vous m'appelez uniquement pour ça ? Bah oui. Pourquoi vous voulez que je vous appelle ? Vous êtes un PD ou quoi ? Mais pas du tout, monsieur, enfin, je comprends pas. Et ne me rappelez plus, s'il vous plaît, d'accord ? Tu rappelles ce connard ? Non, laisse-lui, il va raconter ça, mais laisse-lui. Ben non, mais moi je cherche juste à trouver un beau cul, monsieur, peut-être que celui de votre femme pourrait correspondre. Votre femme, elle a un beau cul ou quoi ? Non, bah non, j'en ai pas, donc elle en a pas. Vous en avez pas, moi j'en ai, hein ? Bah oui, c'est pour ça que je voulais savoir comment il était, celui de votre femme. Je vous emmerde. Mais non, monsieur. Vous emmerde. Non, ça se fait pas, ça, monsieur. Écoute. Je vous emmerde, monsieur. Et ne me rappelez plus, hein, avant que je m'énerve. Mais c'est pas poli, ça, monsieur. Porte plainte, hein. Sale bâtard que vous êtes. Enfin, moi, je vous appelle en toute gentillesse, monsieur. Vous êtes un bâtard. Mais il est malade. Allô ? Oui, écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi méchant, monsieur. Sale bâtard, je vous ai dit. Ne me rappelez plus, d'accord ? Mais ça se fait pas de dire ça, monsieur Jean. Je vous emmerde, je vous dis. Vous êtes un bâtard. Mais non, monsieur, pas du tout. Non, vraiment, c'est pas gentil ce que vous faites, monsieur. Allô ? Ah bah, il est reparti, nouveau. Ah bah oui, mais ça se fait pas. Bon, on laisse tomber, là ? Non, on rappelle. Encore ? Oui. Bon. Allez hop, on rappelle encore un coup. Si vous avez les numéros, continuez, hein. toph@funradio.fr. On les appelle avant minuit. Avant 2h. N'importe quoi. C'est le décalage horaire. Oui, monsieur, c'est vraiment pas gentil ce que vous me dites. Allô, monsieur. C'est quoi votre numéro, s'il vous plaît ? Alors, moi, c'est mon numéro, c'est le 01 42 48. Pourquoi vous m'appelez en privé, là ? Vous avez peur ou quoi ? Non, c'est parce que ça s'affiche pas, monsieur. Est-ce que vous pouvez me rappeler sur votre numéro, s'il vous plaît ? Ben, je vous appelle avec mon numéro, monsieur. Je vais vous traiter, vous allez voir. Je vais vous traiter. Mais je peux vous rappeler. Je vous emmerde, je vous dis. Je vous emmerde. Et je vais vous traiter. Je vous jure, si vous m'appelez avec un numéro, je vais vous appeler et je vous traite. Mais je peux pas, c'est bloqué, monsieur. Appelez-moi avec votre portable, alors. Mais je peux pas, monsieur. Si vous êtes, si vous avez des couilles, comme vous le dites. Vous avez des couilles ? Non, mais oui, j'ai des couilles, mais je peux pas vous rappeler avec un autre numéro. Appelez-moi sur votre téléphone, s'il vous plaît. Mais sinon, je vous botte. Mais je vous donne mon numéro. Ouais, comment ? Non, mais je vous donne mon numéro si vous voulez. Appelez-moi directement avec votre numéro, s'il vous plaît. Mais je peux pas. Et je vais vous rappeler et je vais vous traiter. Vous allez savoir que je suis un mec. J'ai des couilles, moi, hein, d'accord ? Non, mais je peux pas vous rappeler qu'un un autre numéro que celui-là, monsieur. Je vais vous traiter. Bon, on va le rappeler du coup encore un coup. Ah bah ouais, moi je veux être traité. Attends, bah on va être traité là. Mais Toff, il va encore se faire traiter tous les noms, tu vas voir là. Je vais être très comme une. Mais ouais. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. On a pas encore parlé de ta mère dans cet appel là, dis donc. Non, c'est vrai. Bon, mais je vais être traité. Mais il va être traité. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah, bienvenue au Nord. Allez, c'est parti, on y va, on rappelle. Et toi, enculé, toi. Allez, c'est parti. je vais te traiter. Allô? Oui. Allô? Ouais, je vous écoute. Non, mais c'est parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, je peux pas vous rappeler qu'un un autre numéro, mais je peux vous le donner si vous voulez. Rappelez-moi sur votre numéro, s'il vous plaît. Mais sur quel numéro vous voulez que je vous rappelle? Votre téléphone portable. Et je vais traiter votre mère. Mais pourquoi vous voulez traiter ma mère, monsieur? Ça se fait pas. Et parce que votre mère est une pétasse aussi. Mais enfin, monsieur, ça se fait pas. On peut pas. Il a le plus beau cul de toutes les Miss françaises ici. Ah bah oui. Bah il est comment? Bah décrivez-moi. Non, je vous traite pas tout de suite là. J'attends votre nom. Ah, je m'appelle Toff. Toff. Oui. Allez vous faire foutre, Toff. Bon, c'est pas gentil ça, monsieur. Aïe, aïe, aïe, vous me dérangez là. Là, je suis en pleine action là. Là, vous me saoulez là. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire l'amour à votre femme? Ouais. Non. Ouais. Il faut, hein. Ah oui, c'est dingue. Ah oh, bah écoutez, ouais. Je suis désolé, je voulais pas vous déranger. Passez une bonne soirée, monsieur. Allez, passez une bonne soirée. Allez, merci, ciao. De rien, au revoir. Au revoir. Mais ta mère est une pétasse, Toff. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce charmant monsieur qu'on appellera monsieur traité. Oui, mais c'est surtout que bon, on l'a dérangé en plein acte. Ah bah c'est ça, 4 fois d'affilée en plus, donc on l'a quand même appelé 4 fois de. Et le mec il était en train de limer, là on l'a il fait bourrait. Chier. Ah bah il bourrait, bah voilà, ouais, mais c'est ça. Quand même. Bah, le mec après il décroche. La meuf il est en train de la baiser, il décroche quoi. Oui c'est ça, alors excusez-moi, oui, je vais te traiter, je vais te traiter, tu la sens bien chérie, je vais te traiter. Bon mais sache qu'il salue tout le monde, Sandro il est pas grosse, il est superbe, j'ai pas eu mon message de bienvenue depuis 2 ans. Oui c'est normal, on l'a depuis le mois de juillet en même temps, Alexis du 85. Hein. Donc t'auras pas pu la voir il y a 2 ans, mais. Bah, un petit message, allez, attends. Attends. Connard. Voilà, ouais, celui-là. Tu te m'habites ? Oui, celui-là, si tu veux aussi. Le prince Nadia qui dit « Oui, moi je le veux bien, le merveilleux Jean-Pierre Sauzère à l'antenne. » Mariam qui dit « Eh bien moi je fais une dédicace à tous ceux qui ont la gastro-solidarité. Bisous à toute l'équipe. » Ah bah alors, solidarité. Merde, c'est pas celui-là que je voulais mettre, autant pour moi, attention. Voilà, solidarité. Iku aussi, Veni, Vidi, Vici qui dit « Salut à toute l'équipe, vous êtes les meilleurs. Possible d'avoir le numéro de Sandro, il est trop canon. » Oui, 01 42 48 5000. Bon, attention, il est disponible que de 23h à 2h. Heures, hein, donc ouais. N'hésite pas. Cheapest Baby qui dit moi j'ai peur. Ouais, j'ai peur d'aller dans une cave, j'ai peur de trouver Scream. Non, il y a pire dans une cave, il y a la croix de Toff. Ah, il y a la croix de Toff. Accroché sur la croix en train de se faire enculer. C'est vrai. Alors attention pour ceux qui débarquent dans l'émission et qui disent c'est quoi cette histoire. Donc c'est l'année dernière. Quand je dis l'année dernière, c'était il y a 2 semaines. Hein. Ouais. Toff nous a dit que en fait, il s'était fait accrocher dans une cave sur une croix, pas une croix catholique, hein, une croix en forme de X. Voilà, et donc en fait il s'était fait donc attaché, menotté ou attaché? Non, c'est attaché, c'est des trucs en cuir, en cuir, ouais, avec un peu de fourrure pour que ça fasse pas mal. Voilà, donc il s'est fait attacher et sodomiser par. Non, je ne me suis pas fait sodomiser, je me suis fait sucer. Ouais, et tout sucer ça, grâce et à... sodomiser grâce à. Passagedesheures.fr, mais il n'y a pas eu sodomie. il n'y a eu que c'est fellation, ça. Parce que et ça donc... n'est pas possible, comme t'es collé à la croix, tu peux pas te faire enculer. Et attention, et oui, tu peux pas, mais tout est possible en même temps. Hein. Non, c'est pas possible, il y a une croix. Mais si. Il est minuit 39, vous êtes sur Fun Radio, les infos tout de suite avec Mickaël. Bah les infos, nous avons l'envoyé spécial puisqu'apparemment il y aurait eu un nouveau truc dans les dans la cave d'après ce que Toff nous a dit tout à l'heure dans le bureau. Ah non mais c'est pas dans la cave, mais c'est parce que. Ah oui. Non mais c'est parce qu'on parlait donc le. Tu t'es fait accrocher dans une pyramide? Non, il y a le nouveau truc, enfin le nouveau truc de 2013, c'est le SM, c'est-à-dire que tu sais grâce à machin la 50 Shades of mes couilles là. Ouais. C'est un livre, hein, c'est un bouquin écrit par une américaine de merde. Oh là là, qui n'a à mon avis jamais fait l'amour de sa vie. et donc en fait, maintenant tous les gens ils veulent absolument faire du SM. Là, c'était une petite critique littéraire. Hein, oui, voilà, c'est ça, nous, c'est voilà. La littérature. D'ailleurs, j'aurais dû mettre la musique. Ouais. J'aurais dû mettre la musique. Ah, un livre de merde écrit par un auteur de merde, une américaine. Voilà, une américaine de merde. Qui ne s'est jamais fait baiser de sa vie. Voilà. Ah, le livre peut servir à se torcher le cul. C'est pas mal quand on est en rade de PQ. Voilà, c'est 50 Shades. C'est 50 Shades of Grey. Voilà, 50 Shit. Voilà. Et après, parce que tu sais, la meuf, elle en a écrit un qui était naze, mais elle s'est dit, je veux, tu sais, elle a fait 2 suites. Ouais, elle, mais c'est elle bien, a fait, mais si les gens l'achètent. Bah oui. Elle a fait plus clair et plus sombre. D'accord, ok. Très bien. Mais ça reste la même merde. Bon, et donc du coup, les gens veulent faire SM, c'est ça? Voilà, et donc il y a eu plein d'histoires où des mecs, genre fouettaient leur meuf avec de la corde et tout. Et il y a une meuf qui l'a super mal vécu, l'a fini aux urgences, et il y en a une. Qui a attaqué son mec du coup pour coups et blessures. Ah oui, dites-nous d'ailleurs tribunal. Si vous avez déjà fait du SM, même du SM soft, hein, on n'est pas obligé de faire des trucs violents non plus, mais comment ça s'est passé? Comment vous l'avez proposé à votre copain ou votre copine? Est-ce que c'est elle ou lui qui vous a demandé? Est-ce que c'est vous qui avez proposé? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est fait tout seul dans la relation? Et puis à un moment vous avez essayé, ça a commencé par la petite claque sur les fesses, là allez. hop, la petite classe sur les fesses, et puis ça a été plus loin. Bah, appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On en parle. Donc il y a le prince qui dit la phobie des ballons qui éclate, excusez-moi, j'ai ri. Bah, il n'y a pas de problème, moi j'ai la phobie du vide, comme toi, on est fait là pour l'autre. C'est les Buffles qui a envoyé le message. Bah, oui. Eh, oui. Clément qui dit pour les plus belles fesses du monde. Quelle histoire? L'histoire de SM. De SM. Ah si, mais je pensais que c'était ça ton histoire. Ah, non, ça c'était le. Ah pardon. C'était le pourquoi on était arrivé à en parler dans le bureau. Ah oui. Ah d'accord. Alors attends une seconde parce que du coup il faut mettre la musique de l'histoire. La musique de l'histoire. La musique de l'histoire. Et je vais te traiter. Traite-moi. Allez. Et salope. Voilà, et donc j'ai essayé 2-3 trucs. Alors le fouet, c'est aucun intérêt, je vois pas l'intérêt. Tu t'es fait fouetter? Ouais, je t'ai fait fouetter, en fait j'ai pas kiffé du tout. Oh là là. Mais quelle salope celui-là. Mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible, j'ai essayé, j'ai pas kiffé. Mais avec un vrai fouet? Ouais, avec un vrai fouet, une vraie cravache, et j'ai pas kiffé. Mais c'est pas possible, t'es pas sérieux. Mais parce que t'as pas été fouetté dur. Mais oui, ouais. C'est ça. Par attends, contre... on va ramener, tu vas voir pour lui, il va te fouetter, tu vas voir. Ouais, tu vas jouir, salope. Je crois pas. Non. Va te faire enculer, Cola. Non, par contre, ce qui est super agréable, c'est le chaud-froid. C'est donc tu sais, tu prends les bougies. Mais c'est de la torture, ça, non? Non, non, c'est pas de la torture. C'est genre, tu te trempes dans le chaud, tu te trempes dans le froid. Non, non, donc tu sais, tu vois les bougies de massage qui ont. Enfin, après, ça fait une espèce de lubrifiant. Oui, un lance-flamme. Et donc la meuf, en fait, elle alterne ça et des glaçons, et ça, le c'est. Enfin, quand elle te suce, c'est hyper agréable. Mais donc voilà, il faut. Sur la bite? Ouais, sur la bite, ouais. Oh là là, mais quelle horreur! Des glaçons et de la bougie! Non, c'est du lubrifiant en fait, mais sauf qu'il est chaud, quoi. Ah, puisque c'est fondu. Et donc ça, c'est super excitant, c'est-à-dire le fait d'alterner chaud. Non, mais c'est pas possible de vouloir se mettre de la cire sur le gland. Et des glaçons. C'est pas de la cire, c'est du lubrifiant. Branle-toi avec du lubrifiant, tu vois, c'est super agréable. Et je me disais, ton gland, il doit être abîmé. Mais ouais, mais il doit être démonté surtout. Mais non, c'est. Mais enfin, t'as jamais des petits morceaux comme ça. Ouais, pelé, c'est le coup de soleil. Non, je pèle. C'est bien. La seule partie de mon corps où je pèle pas, c'est mon gland. Il est encore lisse et tout? Il est encore. Tu veux tester ou comment? Bah, ça se passe? Tu peux nous faire voir si t'as envie. Mais Sandro, elle a envie. Mais non, mais ah oui, montre-moi ton gland. Elle a plus vu le loup depuis longtemps. C'est pas ça, c'est qu'il le trempe partout. Oui, c'est pas faux. Ouais. Mais justement, et s'il a mis de la cire et tout. Et donc, même je le dis pour les mecs, essayez de vous branler avec du lubrifiant. En vrai, c'est beaucoup plus agréable. Non, que mais juste... c'est pas possible. Mais si, Yannick. Il est fou, ce mec. Oui. Est-ce que tu t'es déjà branlé avec de la cire? Non, du lubrifiant, pas de la cire. Il est chaud, Tof. Je ne fais pas ce genre de pratique, plutôt bizarre quand même. Eh ben tu devrais essayer, si je peux recommander à tout le monde, d'acheter les bougies qui font de l'huile de massage. C'est mais oui, offert mais pas. Offert passage pas. Du désir.fr, c'est vous, on en offrira à partir de pas longtemps. T'as non, vu pas, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais attends, mais c'est parce que je suis un professionnel, je teste tout ce qu'on offre. Ouais, c'est ça, mon cul, ouais. Non, si, c'est vrai, tu testes tout ce qu'on offre parce que tu piques la moitié de la boîte à chaque fois pour aller tester avec plein de meufs. Je vois cette boîte qui diminue, ouais. Je dis, c'est ouf quand même. On envoie aux auditeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, donc du coup, Yannick, t'as déjà essayé du SM ou pas toi? Mais SM genre SM soft ou pas soft, hein, peu importe. Hein. Ouais, soft, j'aime bien mettre une petite fessée de temps en temps, mais pas plus quoi. Ouais, non mais voilà, non mais ça c'est pas du SM, la petite fessée. Enfin tu vois. Et sinon j'ai mettre une patate fessée. À ta meuf, tu vois. Non mais quand je dis une fessée, c'est. Il y a la marque de ma main quoi, il reste la marque de. Ah ma quand même. Ah oui quand même, mais non, tu vas quand même. Ah ouais, toi tu vas quand même comme un bourrin aussi hein. On me demande de taper plus fort, j'oublie. Hey, tu te prends pour Woodman ou quoi? Ouais, mais donc là t'es complètement à la rage toi aussi hein. T'as la marque carrément toi. Ah ouais, c'est violent quand même. C'est juste tout rouge, il n'y a pas une marque avec juste tous les doigts. C'est ah oui, bah ça va alors. Ah c'est gentil, hein. Hey, si c'est juste ça, ça va? Oui, ça va. Bah oui. Bon, tu nous appelais pourquoi? On va parler du SM dans quelques minutes. Hein. Tiens, il y a un message de Marc, il dit Michael Toff, est-il vraiment vicieux, vif fun et toute l'équipe? Ah mais attention, alors attention, je vais remettre l'église au milieu du village. Ce que vous avez comme image de Toff qu'on vous donne n'est qu'une partie de la réalité. Oui, c'est la face visible de l'iceberg. Voilà, vous voyez la lune? Il y a un côté qui est toujours éclairé. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il est pareil qu'il y a les extraterrestres qui ont une base, enfin bon, un truc. C'est ça, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et bah, c'est Toff, c'est pareil. Vous avez un truc à la radio comme ça que vous voyez, que vous entendez. Et bah, sachez que c'est pas probablement. C'est pire derrière. Mais on est quand même pas des enculés, on vous préserve. Ils mangent du caca et tout, hein, derrière. Bah, il est dégueulasse. Oui, c'est ça, tout n'est pas audible. Ouais. Mais t'inquiète pas, on en reparlera après parce que j'ai d'autres histoires à vous raconter. Ah, et d'autres trucs que j'ai essayé. Bon, bah... même nous, on en apprend tous les jours. Ouais. Ah, bah, attends, mais c'est ça. Le mec se fait attacher sur une croix, ouais. Se faire sodomiser par de la cire. Non. C'est-à-dire le mec qui mélange tout, c'est à la fin. Ah, mec, c'est vrai. Passage du désert.fr, toujours. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ouf. Le mec se fait sodomiser par de la cire. Fouetté, le pire, c'est le fouet. Que il mais le fouet, oui, j'ai pas kiffé, donc ça, je repense, j'en serai. Salope. J'ai parfait, quoi. J'ai fait non, mais ouais, mais Stéphanie, contre toute attente, je crois que j'ai les mêmes goûts sexuels que Toff. Je me fais peur. Bah oui, là, oui. Si vous voulez, demain, je ramènerai un jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça s'appelle Fétiche, je sais pas quoi, c'est je croyais que c'était fistiche. C'est le concept, c'est ça. Il y a des trucs de fist et tout dedans. Non, mais c'est pas possible. C'est un jeu de société. Ouais, ouais. Le prince Nadia sur Twitter qui dit il faut une dose de SM Soft, mais pas dans l'exagération, pardon. Petite fessée et petites insultes par-ci par-là. Ça met du piment. Ouais, pourquoi pas, à la limite, c'est vrai. Il faut juste faire attention à pas se retrouver vite dans un film de boule. Parce que tu sais, les gens, t'aimes bien, espèce de salope. Le mec... chale, putain, je comprends pas très bien le concept de dire ça. Enfin, je comprends pas l'intérêt, mais c'est mon avis. Ça dépend des filles, en fait. Ça dépend des filles. T'as envie de dire ça et d'autres t'as pas envie. Oui, c'est voilà, vrai. C'est vrai. Et Magda qui dit moi perso je voudrais pas me faire fouetter. Ah bah tu m'étonnes. Mais y a que Toff qui aime ça. Hein, enfin, non bon. J'ai pas aimé du tout. Le, ouais. Fouet, le fouet et la cravache j'ai pas aimé. D'accord. Bref, bon. Bon alors Yannick, on va parler donc de ton problème de relation dans quelques minutes. Et puis on aura également ladies and gentlemen, je ne dis rien. Nous allons reconnaître certainement dès que je vais le mettre on air. Ah c'est lui. Yeah. On reconnaît c'est le vrai. C'est lui c'est le vrai. Le sifflement ouais, ouais. De Jam Pierre Saucer. Ouais. Comment ça va JP? Ça va très bien. Ça va? Bah t'as pas l'air en forme. Non, mais attends. Bonjour à vous. Bah bonjour. Maintenant, je vais parler sérieusement. Bon, qu'est-ce qui va pas Jean-Pierre? Je vais parler du monsieur des droits de l'homme. Ah, des monsieur droits de l'homme? Là, il monsieur... m'a donné autorisation de dire son nom. Il a été harcelé. Par qui? Par, comment dire, il a été harcelé par énergie. Oui. Et Jean-Marc. Et ouais mais ça n'a, mais ça n'a rien à voir. Bah, mais nous on y est pour rien, on n'est pas là-bas nous. Oh non non. Hey, Jean-Pierre, on est ici en famille, tu viens chanter ou c'est pas la peine. Mais oui, on est en famille nous. On veut pas les droits de l'homme, on veut pas tout ça nous. Non, nous on aime le chanteur, l'artiste. Voilà. Bien sûr, on aime là Jean-Pierre. Ah bah non. De la fête, il écoute. Oui, mais, eh ben on mais l'embrasse. Pas, voilà, mais nous on est là pour nous, on est des artistes, on est voilà. des saltimbanques. Nous on est là pour la musique, on est là pour ouais. pour la musique française. On n'est pas là pour faire du droit. Parce que je dis là ceux qui ont fait ça. Là, tu vas pouvoir voir de tes yeux réellement une autre radio être condamnée par Monsieur Lafitte. Il sait ce qu'il a à faire. Hein. Eh ben très bien, ben qu'il fasse. Toi, et là, tu vas entendre des échos parce qu'il y en a marre plus que marre. Et écho de rock. Écho de rock. Tu pourrais me la mettre entièrement. Bien sûr. Eh ben d'accord. Eh ben tu sais quoi, je la mets. Entièrement, je l'écoute et après je te reparle. Ouais. Et, ah parce que je vais. Mais attends, parce que maintenant je peux pas la mettre. J'ai prévu de mettre une autre chanson là, mais je vais te la mettre. Attends une seconde. Et... Déjà je vais mettre un extrait pour ceux qui ne connaissent pas encore. Echo de Rock c'est ça. Alors attendez, je vous mets juste le début. Je suis un Rocky One Man. Voilà, et là Echo de Rock c'est ça. Je suis un écho de rock. Oh et puis tu sais quoi Jean-Pierre ouais. Allez on y va, on s'en bat les couilles, on va la mettre en entier maintenant, tiens. Alors et après, attends. Je te parle un peu. Ouais bah d'accord. Pourquoi, ouais mais si pas de politique et de droit. Hein. Ah, pas de politique. Hein. Nous on est en mode rock'n'roll. T'as compris? J'aimerais bien que tu invites des invités. Que j'invite des invités. Sur le paranormal, sur les extraterrestres, puis faire une émission spéciale. Ah, bien, pour, avec toi? Louer une salle. Ah tu veux louer une salle? Bah pour faire l'émission. C'est ah bah oui. Passé. Mais pourquoi on pourrait même éventuellement aller sur la face cachée de la lune où il y a les extraterrestres. Non bah faut pas rire non plus. Non mais c'est vrai, hein, parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière la... Qu'est-ce que tu crois qu'il y a derrière la face cachée de la lune? On discute ça après, passe-moi je m'en souviens. Je te remercie. Non, bah avec plaisir. Cordialement, Jean-Pierre. Ouais. Tu t'es déjà fait fouetter, Jean-Pierre? Non. Ah. Jamais? Et c'est ton délire, le SM, ou pas? Non. Mais moi, je suis artiste, je veux me respecter, j'ai fini la rigolade. Non mais on rigole pas, c'est parce qu'on en parlait juste avant que t'arrives Jean-Pierre. Mais non, c'est une interview d'artiste. J'ai entendu, mais moi je m'en fous de tout ça moi. Non, toi t'es là pour la musique, pour la chanson française. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Bon bah t'écoutes dans le téléphone là. Jean-Pierre qui chante, c'est déjà super tout temps, seul. Écoute, tu me passes les codes de rock, on discute après. D'accord Jean-Pierre, à vos ordres commandant. Bien sûr. Bah... Le Rock and Wall Man. Exactement ouais. Bon allez, Jean-Pierre Sauzère avec Echo de Rock. Ou alors. Ou alors on l'a mis à 1h du mat pile. Non, tout de suite, ça me ferait plaisir, tout de suite. Mais non, mais parce qu'en plus on attend, en plus il y a l'audience. Non, mais là tout de suite, tu mettras... Le pic est à 1h. Non, parce que sinon j'ai New World Sun, j'ai ça, sinon... Merde, celui-là. T'aimes pas ça? Non, mais c'est mon premier, il me passe ça tout de suite. Ça tu veux pas? Non, c'est pas de rock. Bon, ou si on le met après alors? Ouais. Moi j'aime bien Wonderland. Hein. Ouais, non mais moi Echo de Rock puis Wonderland à la fin. Oui, on va pas en mettre 10 non plus Jean-Pierre, hein, tu t'emballes un peu là quand non, même. Mais... Hein. Bah c'est vrai. Mais bon. Moi Echo de Rock. Bon, alors Jean-Pierre, alors Écho de Rock, alors le producteur Super Disco, Wonderland, putain, je sais pas laquelle mettre. Qu'est-ce que tu mettrais quoi, toi, Jean-Pierre ? Écho de Rock. Pourquoi tu veux Écho de Rock absolument ? Parce que entière, à la journée passée, et tu me ferais une bonne surprise. D'accord, et bon, et là, ça sème alors On va en discuter ça après, voilà, ça sème pour les papiers ensemble. D'accord, bon, on fait les papiers quoi. Et t'as jamais pensé à faire une chanson avec le sifflement de ton téléphone ? Non, mais t'inquiète pas. Mais non, mais ça va être classe, moi, je l'écoute. Moi, bah j'aimerais oui. bien. Bah oui, c'est ça. Oui, évidemment, évidemment. Bon, alors Jean-Pierre. Ouais. Bon, on va mettre Écho de Rock. Oui. Tu chantes le refrain en live ou pas ? Non, non, je l'écoute. Ah, t'écoutes toi ? Toi, tu chantes plus, t'arrêtes. Non, je chante pas en direct comme ça. Ah, tu chantes plus en direct, c'est fini. Non. Je viendrai dans les locaux de Fun Radio et on fera un petit concert. Là, bah non, mais on se voit le 7 février là. Attends. On va en Picardie, on fait un concert ouais, ensemble. Sandra et tout. Je sais. Et apparemment, tu fais un concert, tu fais une chanson en duo avec Toff. Ouais. Laquelle ? Vandorland, ouais, enfin. Il pourrait se déguiser en lapin, si il veut. Il va se déguiser en lapin et qui chantera à Wonderland. Eh ben je serai en lapin et bien, on fera Wonderland. Exactement, et on te donnera un fouet, tu pourras le fouetter, Jean-Pierre. Bah oui. Eh ben parfait, tu vois que t'as mis les fouets, mon cochon. Je suis un Wacky Wallman. Allez, on exclut total. Le son de Jean-Pierre Sauzère, Écho de Rock, yeah. À tous ceux qui portent Wacky Wallman. Oh yeah, du monde entier, on attend mes prix raisonnés. Wouhou. Mais sont tenant la cadence. Yo. Et le monde dans la danse. Oh. La nuit commence, je réponds présent. Premier rôle et jamais figurant. J'ai les ailes plein la peau. À la peau, laisse. Je suis un écho de rock. Je suis un écho de rock. Et pas I want to talk. Comme un ange en enfer ou un démon au paradis. J'impose un tempo de fer. Le wagon veut débander. Rocker pour l'éternité. Je lis ma rebelle dessinée. Car rien ne pourra jamais arrêter. Allez, reprends, attention. Je suis un écho de rock. Et pas Jean-Pierre, elle est passée là. Okay. Eh, on est bon, t'as vu, j'ai une parole. Hein. Ouais, t'as la parole. Là. Ah, t'as vu, il y a Ariel qui dit Polo, taquet, t'es un vrai rock'n'roll man. Ouais. Y a Abdou qui dit voilà du vrai son, Jean-Pierre Sauzère, j'aime. Stéphanie qui dit c'est la première fois que j'entends Écho de Rock, je suis sans voix. Eh, les auditeurs aiment bien Jean-Pierre, ça c'est positif. Hein. Et Zigut, il va aimer. Ah bah j'espère en tout cas. Je l'ai toujours pas vu Zigut, qu'est-ce qu'il fout là? Je l'ai pas vu depuis longtemps moi. Bah, tu sais pas, il se cache. Ah, peut-être que oui, c'est vrai qu'on lui a piqué le sapin de Noël, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bien c'est... Non, plus, non, ça c'est mal, c'est pas esprit de Noël en plus. Hein. C'est vrai. On l'a fait dans l'esprit du comique peut-être aussi, c'est marrant. Bah, c'est possible aussi. Bah, c'est possible. Bon, en tout cas, bon, alors Jean-Pierre, oui. Bon, je rappelle donc qu'on sera en Picardie avec toi, donc le 7 février. Ouais. Voilà. Et alors, apparemment, on va faire un kart juste avant avec des auditeurs. Tu viens avec nous faire du karting ? Ouais, si tu veux, ouais. Tu sais un peu rouler ou pas là ? Ouais, t'inquiète pas, ouais. Bon, bah nickel. Alors attention, si vous voulez faire un karting avec l'équipe de Fun, Jean-Pierre Sauzère et vous, donc les auditeurs de Fun, l'équipe de Fun et Jean-Pierre Sauzère, on va faire le karting. Je pense qu'on va être pas mal. Et on va mettre Sandro avec Jean-Pierre dans le même kart. Bah bien sûr. D'accord, Jean-Pierre? Ouais. C'est Jean-Pierre qui accélère et Sandro qui tourne. Ouais. Ou alors on met Sandro ou Jean-Pierre dans la remorque sur le kart. Ça peut être drôle, non? Non. Non, ça peut être drôle, ça peut être très bien. Bon. Ils peuvent accrocher sur la croix derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a un peu d'actu là? Je dirais que Sandro va se retrouver sans culotte, c'est continu. Oh bah alors là, c'est clair et net que je monte pas avec lui. Mais t'as raison, Jean-Pierre, c'est un vrai. Peur. Pour Téléthon. Bah oui, oui. Hey, Jean-Pierre. Ouais. Dis donc, avec Echo de Rock là, t'as pas une Harley là pour venir en Harley avec la chanson et tout? Ouais, non. Parce que t'imagines? J'aurais une Harley peut-être. Après, parce que les moyens. Ce qu'on peut faire, parce que tu sais dans les kartings, quand c'est des kartings couverts comme là ce sera le cas, y a de la musique. Ce que je propose, c'est qu'on mette tout l'album. Ouais. Tu sais qu'on fasse tous les dans tours le de cartes. Non, et ouais, dans le garage, enfin dans le truc quoi, dans la salle. Et donc on met tous les trucs à Echo de Rock, Wonderland, la fête de la musique, le producteur, tout le monde est là quoi. Ouais. Bah sinon nous on fait du kart et lui il fait son un live. Concert. Ah ouais. C'est pas mal aussi ça. Ouais. Mais non parce qu'il fait un soir le concert le soir dans la boîte. Bah il fait ses balances. On peut pas en faire deux, après non, c'est ballon, normal. Après, il va avoir mal la gorge tout ça. Non. Puis il faudra perdre du thé. Le lendemain de toute façon, je tiens à dire, j'en ai un deuxième peut-être de concert à faire. Ah bon ? Ouais, privé comme ça. Ah c'est bon ça. Privé chez toi ? Bah écoute, génial alors. Il y a même un message qui est arrivé qui dit énorme cette chanson là. Message qui est arrivé aussi. Attends, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Apparemment, il y a des extraterrestres aussi avec une soucoupe volante qui atterrit à côté de chez toi. Ouais, dans le temps, ouais, c'est déjà. Non, t'es sérieux? Ouais, c'est sérieux, ouais, c'est pas mais de la blague. Hein. Ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à une soucoupe volante, mais dedans, c'est pas ce que c'est. Hein. Ouais, non mais ça ressemble à quoi une soucoupe? Parce que moi j'ai jamais vu. On en parlera donc, quand on fait la soirée spéciale. Il va falloir faire une émission là-dessus, je paranormal. Ouais, bah bien sûr, évidemment. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Mais inviter des gens sérieux, est-ce que tu peux inviter Jean-Pierre Petit, les scientifiques? Et en même temps, monsieur Lafitte, il s'intéresse à ça, au paranormal. Tu pourrais l'inviter. Il viendra. Bah bien sûr. Si tu fais une émission dans mon coin, mettons, on loue une salle des fêtes. Ah ben on va louer une salle des fêtes, on va faire l'émission dans la salle des fêtes. Ben voilà, chez monsieur Lafitte. Ben oui, bah on va aller chez lui. Comme ça on fera la fête. Mais il faudrait que tu invites des scientifiques. Oui, des scientifiques chez monsieur Lafitte pour faire la fête. Mais on fera ça, ben évidemment, avec plaisir. Ça fait beaucoup de fit, hein, dans les... Ça fait beaucoup, ouais. Tout ce qui touche le paranormal et lui, il s'y connaît bien. Donc évidemment. Parler, bon, ben écoute, très bien, alors on va faire ça comme ça. Je veux dire maintenant, monsieur Lafitte, et les militants des droits de l'homme et tous ceux qui l'embêteront maintenant, ils seront poursuivis. Poursuivis en justice. Et pendus. Sur la place publique, exactement. Au cours. Bon, ben Jean-Pierre, ben merci beaucoup en tout cas d'être passé. Hein. Ouais, mais c'est gentil à toi, voilà, de croire en mon talent. Puis ah, avec plaisir. Mettre en place. Eh ben, je t'en prie. Et quoi qu'il arrive. Je suis un Walking Woman. C'est à ça qu'il faut penser, hein. Voilà. Bon, et ne l'oublie jamais. Exactement. Bon. Ouais, je suis un chanteur qui peut marier le disco, le rock'n'roll, tu vois. Voilà, c'est ça, rock'n'roll, Wonderland, tout ça, quoi. Voilà. Bon, ben ça marche. Ben merci Jean-Pierre. Hein. Bonne soirée à vous tous. Salut JP. Merci, au revoir. Allez, ciao. Bon, ben voilà, une bonne chose, Jean-Pierre Sauzère à l'instant, là. Bon, on va récupérer Yannick maintenant, là. Yannick de Paris. Désolé, on a eu Jean-Pierre Sauzère. Tu comprends que les stars passent avant les auditeurs. Ah, ouais. Hein. Ah, je suis d'accord, là. Franchement, on a eu une star mondiale, là. Ah, bah attention. Ah, bah bien sûr, évidemment. Oh, c'était bon. Grande star mondiale. Oh, j'adore. Bon, alors. Et désolé pour ceux qui sont fans de New World Sound avec The Flute, je sais qu'il y en a beaucoup, et c'était Jean-Pierre Sauzère, hein. Vous comprenez que... Bah, c'est vrai. L'exclu n'attend pas, je suis vraiment, vraiment désolé. Bon, alors, Yannick, de quoi on parle avec toi? Dis-moi. Yannick? Non, malheureusement, Yannick nous a quittés. Ah, mais il fait des feintes depuis tout à l'heure. Yannick. Attends, on va essayer de le reprendre, là, pour voir. Yannick. Bon, alors, en attendant, on va prendre Soraya qui est avec nous de Châlons-en-Champagne. Salut, Soraya. Salut. Ah, Soraya, elle est là, c'est magnifique. Oui. Salut, Soraya. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je vous appelle tout à l'heure si vous pouvez passer à la maison. Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr. Alors, combien mesures-tu, Soraya? Non, mais ça n'a rien à voir, on fait pas ça là-dessus. C'est pas parce que la fille, elle est comme ci ou comme ça qu'on va passer là. Ah, c'est pas pour ça qu'elle veut qu'on passe à la maison. Non. Attends, tu veux qu'on passe à la maison pourquoi? Pour faire l'émission en direct de chez toi? Ouais. Ah, bah pourquoi pas, ouais. Tu veux te faire mourir, là. Bah oui. Hop, arrête, Toff. Ouais, on est déjà sur une double péné avec Polo. Toff. Non, mais on parle de la bouffe, nous. Péné. Ah, des pénés, oui. Double péné carbonara. Ça, d'accord. T'es pas SM, Soraya? J'ai pas entendu. Tu n'es pas SM? Non. D'accord, bon bah très bien. J'ai jamais fait attacher. Fouetter. Parce que Toff c'est son délire, hein. Fouetter, attaché sur des croix, se faire enculer par de la vaseline. Non. Non, non. Non, d'accord, ok. Bon, alors du coup, tu pourrais nous accueillir où chez toi? Genre, on ferait l'émission ou ça? Bah, chez moi. Non, mais bien sûr, mais genre dans la chambre, dans le salon. N'importe où. Hein. Dans la salle de bain. Non, bah non plus, dans le salon. Comme tout ah, le t'es monde, en appart? Oui, je suis en appart. D'accord, ok. Est-ce que t'as un chien ou un chat? J'ai un chat et un chat. Ah oui, bah les deux, voilà, comme ça c'est parfait. On sera au top. Et parce que Sandro l'adore. Ouais. Elle a Chalon Champagne. Ouais. Très bien. Bah écoute, pourquoi pas, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. On prendra la décision d'ici quelques jours, hein, parce que bon, évidemment, tu comprends, il y a beaucoup de monde sur la liste. Hein. Bah, par contre, on met ton dossier au-dessus de la liste. Oui. On met ton dossier au-dessus de la liste. Dans le haut de la pile, il n'y a pas de problème, ah, mais c'est vrai. Ce serait marrant parce que j'ai des voisins à faire chier, donc. Ah bah parfait, alors si en plus on va les mettre à dos à vie, hein, les voisins, si jamais on vient. Non mais que ce soit clair, hein. Oui. Non, bon, parce que nous on peut les pourrir, hein, y a pas de problème. Ah bah complètement, ouais. Et alors, juste un truc aussi. Ça me dérange pas, hein. Bon bah très bien. Juste un truc aussi parce qu'il y a plein d'auditeurs qui ont essayé de m'acheter en disant ouais mais si tu viens je te fais des mojitos etc etc. Donc est-ce que tu sais faire des mojitos ou pas toi? Oui, je sais les faire. En plus j'ai tout ce qu'il faut pour. Mmh. Ah, si tu le prends par les sentiments. Ouais bah oui, là c'est ouais bah oui, si tu le prends par les sentiments, comment tu veux que je refuse? Bon écoute, je ne me fais pas acheter. Non, je t'achète pas, non. Je vais réfléchir. Et rassure-moi, tu fais bien le mojito avec du sucre de canne liquide. Oui. Parfait. Non, parce qu'après, il y en a qui mettent du sucre de canne tout seul et c'est dégueulasse. Bah, et tu vois, tout le sucre reste au fond. Je suis partie dans un bar et en fait, c'était du sucre canne en morceaux et c'était vraiment dégueulasse. Mais oui, parce que tout reste dans le fond, c'est relou. Mais ça se fait avec. Mais non, mais t'en mets en plus, ouais. Mais tu mets aussi du sucre de canne liquide pour que tu aies tout le goût du sucre de canne un peu partout dans le mojito. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça colle au fond et c'est pas cool, quoi. Exactement. Bon, c'est très bien, Soraya. Écoute, on met ton dossier au-dessus de la pile. Aucun souci. Pour l'instant. Merci, Soraya, de nous avoir invités chez toi, en tout cas. Gros bisous, à bientôt. Allez, salut à toi, ciao. Soraya, on va la récupérer. On ira peut-être chez elle, pourquoi pas. Et puis on aura Anaïs aussi dans quelques minutes, qui veut nous parler de son père. Et puis bah du coup Yannick c'est mort, on arrive plus à le joindre. Peut-être une batterie, merde. Yannick qui voulait nous parler de sa relation, mais je sais pas très bien laquelle. Bon, on essaiera demain au pire, c'est pas grave. Il y a Chérienne qui dit non, venez chez moi. Ah. Mais pourquoi pas. Il y a Magda qui dit Sandro va faire du kart avec JP. Ah bah ça va être énormissime. Si vous êtes en Picardie, je vous en supplie, il va falloir venir parce que vous allez quand même. Ça va quand même ça être va être un très grand moment. Un peu comme dans la Rome antique, ils seront déguisés en toge. Ouais, ils sont un char. Ça va être énormissime. Clément qui dit tu n'as pas dit mon message, tu allais le dire et Toff a parlé de sa cave où il s'est fait fouetter. Ah merde, bah il est où ton message Clément? Du coup je sais plus où il est. Bah je sais pas où il est. Bah je vais essayer de le retrouver, Clément. Bon. Moi je propose aussi pour que vous puissiez venir faire l'émission en direct de chez moi. Bah écoute, pourquoi pas, nous on n'est pas fermé. Let's be Flux qui dit attends que je te fouette Toff, tu vas jouir mon chéri comme jamais. Oh, Eva gentil. Qui dit dédicace à toute l'équipe, vous êtes géniaux, Toff la salope. Y a Miku qui dit je comprends pourquoi Toff a pas de copine, il est trop pervers. C'est un adepte du SM, ouais, je confirme aussi ça. Il y a Chaton aussi qui dit Mickaël, étrangler ta femme en la prenant en levrette, en lui mettant des fessées, ça compte comme du SM? Oui. Oui, ça commence à être. Clément qui dit pour les plus belles fesses du monde, j'avais élu Sandro. Et Marc qui dit Mickaël demande à Toff si samedi quand je vais faire une partouze avec une amie, il veut venir. Bien sûr, avec plaisir. Bah voilà, en plus il ne va rien faire samedi. Hein. Samedi non, j'ai rien à faire. Ah ben voilà, très bien, mais il sera là, il y a pas de problème. Bon allez, tous vos messages, vous m'appelez si vous avez déjà fait du SM, même du SM soft, hein, faut pas forcément faire des trucs de ouf. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est votre copain, votre copine qui en a parlé? Est-ce que c'est vous qui avez mis le sujet au milieu là? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Appelez-moi 01 42 48 5000 02 851 4x0 et puis on va s'écouter le son d'Eminem et Rihanna au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio The Monster. Eminem, Rihanna sur Fun Radio de Monster. Je vous calerai Jason Derulo comme promis aussi avec Marry Me. Oh c'est beau. Toff, il a envie d'aimer sur cette chanson. Bah oui. Il a envie de prendre toutes ses maîtresses. Oh, et de les prendre, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ça c'est sûr. J'aurais pu assez d'une journée. Il y a Eva qui dit venez chez moi à Dunkerque. Malo 59, un chien, deux lapins, une salle pour vous et une cave pour Toff. Oh la classe, Eva. Parfait. Brian qui dit c'est mon anniv, bon anniversaire me ferait du bien. Bah bon anniversaire à toi, Brian. Je vais même te mettre la petite musique qui va bien. Tiens, hop là, petite musique de l'anniversaire. Et où la musique d'anniversaire? Qui c'est qui m'a piqué la musique? Allez. Voilà. Bon anniversaire. Voilà Brian, je sais pas quel âge t'as, mais bon anniversaire quand même. Voilà. Yeah. Et ben voilà, Stéphanie qui dit les fesses de l'ami bleu sans conteste. Sinon, c'est celle de Mickaël pour les plus belles fesses de France ou de Belgique. Bah merci Stéphanie. Et Cédric qui dit si on étrangle Jean-Pierre Sauzère, est-ce que c'est du SM? Non, c'est un meurtre. Cédric. C'est pas pareil. Bon, allez, vos messages encore, vous balancez tout ça. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Rejoignez-nous également sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. On est presque 320 000 et on vous attend évidemment toujours de plus en plus nombreux. 1h10 du mat et avant de prendre Anaïs, de prendre Florian également, eh bien nous allons faire encore un petit appel. Petit appel puisqu'on n'en a pas fait beaucoup ce soir. C'est vrai, petit appel donc pour essayer de trouver les plus belles fesses de France et de Belgique. On a appelé en France, on a appelé en Belgique. Pour l'instant on n'a pas eu trop de résultats positifs. Non, c'est vrai, c'était même très très mauvais. Bah plutôt négatif. Donc on va encore rappeler puisque c'est Kelly Brook qui a été élu, qui a eu les plus belles fesses du monde, paraît-il. C'est vrai que j'ai vu, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, elle a un bon pet. Elle a des bons. Elle a ce qu'il faut où il faut, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors que Rihanna n'est que 10e. Oui, c'est vrai, mais je suis moins fan de Rihanna. Oui, c'est vrai, Kelly Brook est plutôt pas mal. Ouais, moi je préfère Cheryl Cole. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Cheryl Cole, elle est. Dans les 4e, donc ça va quand même plutôt bien. Plutôt bien classé. Bon, on y va, on continue à appeler pour essayer de trouver les plus belles fesses de France ou de Belgique. C'est parti, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et continuez d'ailleurs. Allez, on y va, on appelle. Allô. Oui, bonsoir madame. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais. Enfin, je suis à la recherche des plus belles fesses de Belgique. Allez, sérieux, allez vous faire foutre. Mais pas du tout, madame, enfin pourquoi vous me dites ça? Allô? Non, bah, elle a raccroché. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bah, du coup, on rappelle, hein. Elle a peut-être mal compris, hein. En même temps, il est tard. Oui? Oui, excusez-moi, monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Vous cherchez qui, là? Bah, en fait, moi, je cherche les plus belles fesses de Belgique, monsieur. Vous foutez de la gueule de qui? Mais je fous de la gueule de personne, monsieur, enfin pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Moi, je vous appelle juste parce que je cherche les plus belles fesses de Belgique. Oh, mais pourquoi il raccroche? Je sais pas ce qu'il regarde comme programme télé, mais c'est quand même vachement. Ça a l'air vachement sympa. Ah, ça a l'air déprimant. Un peu plus complètement. Bon, on le rappelle encore un coup là. Allez. Arrêtez de chercher vos mots, s'il vous plaît. Bah oui, mais vous avez pas répondu à ma question. Ah connard, il y a eu un petit connard quand même au fond là. C'est vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu léger. On a été habitué à vachement pire hein, quand même. Connard. Hein. Ouais. Voilà. Connard. Tu vois, il y a celui-là. Connard. Qui est quand même vachement plus clair. Hein. Suce ma bite. Celui-là aussi. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, ça c'était le Nord. Et puis les vos poils de cul. Et même celui-là. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, tu vois, c'est. Ah, il y en a deux différents, dis donc, que je viens de capter là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. C'était pas la même. Ah non, il y a une nuance. Les voix ressemblent, mais c'est pareil. C'est pas pareil, écoutez. Ferme ta gueule, gros bâtard. Alors l'autre. Va te faire enculer, gros bâtard. C'est pas les mêmes, mais la voix ressemble, je vois bien l'admettre, c'est vrai. Bon, on fera nos appels tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone, n'hésitez pas, numéro de téléphone de Jean Cordebois à cette heure-ci. Eh bien, vous les faites, vous les envoyez à Tof hein, par mail. Ça se trouve, je vais y arriver, ça se trouve sur toph@funradio.fr. Retour avec Florian, maintenant de Nantes. Salut Flo. Ouais, salut, ça va. Ça va et toi? Oh, bah, tu vois bien foncer, quoi. Comment ça fonce D? Non bah tu vois bien toi hein. Maintenant je vois mal là, je vois mal là par téléphone, je vois mal. Ah bah tu vois bien fonce D quand même quoi. Non mais je vois mal là. Ah bah tu vois bien fonce D avec de l'alcool, du bédo, tout ce qu'il faut quoi. Ah ouais oui carrément toi tu t'es mis bien quoi. Ouais. Bon moi j'en ai rien à foutre moi. Mais t'en as rien à foutre, toi t'es un rebelle. Hein? Bon, pas un rebelle, tu vois, tu sais, mais rien à foutre quand même, quoi. Non, t'en as rien à foutre, toi, t'en as rien, toi, t'en cultes off, toi, t'en as rien à foutre. Tout en restant tranquille, tu vois. Bah, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Flo? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, tu vois, j'ai entendu la conversation. Non, je vois mal, là, mais. Bah, j'ai entendu la conversation avec la nana tout à l'heure, là. Je sais pas, on m'a parlé de ça, là, à l'antenne, là. Avec Jean-Pierre Sauzère? Ah, bah, Jean-Pierre Sauzère, tout, vas-y. Feller, hein. Jean-Pierre Feller. Ah bah Jean-Pierre Sauzère, j'emmerde, t'es. Mais enfin bon. Hein, mais bah tu vas bien toi. Bah tranquille. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Tout, oui, c'est le milieu de semaine quoi. Oui c'est milieu de semaine, alors du coup forcément tu te fais un peu. Tu fais plaisir quoi. Bah il s'est fait un break quoi, tu vois, il fait un break au milieu de la semaine. Voilà c'est ça. Bah, un break, tu vois, je passe un stage tout, donc c'est comme si c'était les vacances, tu vois. Mais bien sûr, évidemment, bah le mercredi soir on fait les vacances quoi. Ouais bah tout à fait, tout à fait. Il y aura les boîtes de nuit ouvertes, tout, vas-y, moi je m'en lance. Ah bah bien sûr, mais là c'est fermé donc faut pas te lancer trop vite hein. Ah bah justement moi j'aimerais bien que ça soit ouvert. Ah ouais mais là on peut pas tout avoir hein. Vas-y moi je viens chez toi tout vas-y. Bah écoute, tu peux venir si tu veux chez Toff, il a un grand appartement. Oh là, gigantesque. Énormissime. Ah bah, écoute, vas-y, j'ai 4 heures de route, vas-y, je viens chez toi. Ah bah 4 heures de route, t'arrives à 5 heures, on est au top. Ah bah y'a pas de problème tout, vas-y moi. Mais en même temps, dans l'état où t'es, vaut mieux peur que tu roules, mec. Allez, vas-y, tant que la boîte est ouverte, y'a pas de problème tout dans la soirée. Ah mais c'est pas une boîte chez Toff, hein, c'est un club privé. Vas-y. C'est un club ultra private. C'est que t'as pas envie. Ah non, moi j'ai pas envie, non. Non, c'est clair, ouais. Mais du coup, t'as picolé tout seul, Flo? Non, tu ouf, tu suis pas alcoolique, moi. Tout, bah, je suis pas. Non, je suis pas alcoolique, tu racontes. C'est ça. Je suis passé chez mon pote, tout, et puis bon, bah voilà, tout. On a bu un petit verre, 2-3 verres, tout, et puis ouais. Ouais, dis la vérité, t'as une petite bouteille. Eh, je pense que tu connais le truc comme tout le monde, tout. Ah bah bien sûr, évidemment, moi-même là je suis complètement bourré là. Hein, bah pas complètement bourré quand même tout, mais enfin bon, ouais. Ah bah ouais. Tu connais bien la chose des soirées quoi. Ah bah bien sûr, évidemment. D'ailleurs avec Polo là on a été bourrasse toutes les vacances là. Ah mais on s'est défoncé la gueule. Complètement bourré toutes les vacances. On a bouffé du cul, on a. Ah bah complètement là. Ouais mais on a bouffé du cul, on était ravagé. Ah ouais, JB. Eh ben, vous avez passé des bonnes vacances, les mecs. Ah bah on a passé des bonnes. Bah on était bourré tout le temps, on se souvient de rien. Ouais. Hein ouais, bah moi j'étais pas bourré tout le temps pendant les vacances, tout. Donc c'est pour ça que vous avez passé des bonnes vacances. Ah ouais, nous, on était au top, oulala, t'inquiète pas. Hein. Tout. C'est-à-dire, je me suis même endormi sur les chiottes tellement j'étais bourré, c'est pour te dire. Hein. Je faisais me noyer dans la cuvette des chiottes. Moi j'étais dans les chiottes. Ouais, c'est ça. Eh, t'as pas dû dormir, toi. Ah bah non, mais on a pas dormi pendant les vacances. On a chié aussi dans les chiottes, attends. Ah bah ouais. Polo il s'est endormi dans la cuvette. Ouais, je suis encore. Du coup, t'as fait passer derrière, il a pissé dessus, donc il s'est réveillé. Ça allait. Ah bah ouais, ça allait, ouais, tranquille. Chant le pipi encore. Bon, ouais. Bah très bien. Bon, bah Flo. Ouais. Bah, prendre une petite douche. Hein bon, non, il va aller prendre l'apéro là. Je vais pas prendre la douche, moi. Ah, tu vas dormir direct? Que dalle, tout. Tu vois quoi? Non, que dalle, tout. Moi, je vais jouer à la console là maintenant. Ah bah, t'as raison. Hein? T'as raison. Ah ouais. Et puis, dans cet état-là, au moins, t'auras l'impression d'en avoir deux. Bah, et vous faites quoi là, la fin de soirée et tout? Eh ben, nous, là, on se fait chier là. Heureusement que tu nous as appelé. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça, tout, là. Faut motiver des troupes là un petit peu là quand même. Bah, non, mais moi, tu me demandes, je te dis. Hein. Après, bon, heureusement que tu nous as appelé quoi. Eh ben, ça fait plaisir de nous entendre. Eh ben, avec plaisir, bien. Bah, nous aussi, hein, ça nous a fait plaisir. Hein. Franchement, bien tout, ouais. Franchement. Bon, bah, et quand tu veux, hein, Flo. Hein. Vas-y, le week-end prochain, y'a pas de soucis. Eh ben, bah, week-end prochain, alors, pas de problème, ça marche. Eh ben, vas-y, tout, on se ramène des putes, tout machin. Eh ben, on se ramène des surtout, putes. Surtout les putes. Eh ben, tu sais quoi, je te repasse Sandro, là, parce qu'elle a l'air d'être intéressée par toi. Elle a l'air d'être intéressée par toi. Attends, c'est pas Lopez à la finale, tout, ça va bien, quoi. T'es quoi, de quoi? Bah non, tu me dis Sandro, mais tant que c'est pas Lopez, tout va bien, quoi. Non, c'est pas Sandro Lopez, c'est Sandro tout court. Bah, c'est pas un mec qui est au bout, tout, ça va bien. Non, c'est une meuf qui est au bout. Tu vas voir, c'est vraiment. C'est super, tout, j'ai passé une putain de soirée. Quoi, t'es célibataire? Non, sûrement pas, toi. Ah bah je sais pas. Non. D'accord, non, sûrement pas, j'ai une grosse à la maison, mais c'est pour ça que je bois, c'est pour l'oublier. Je suis en train de rigoler quand même, tout, laisse tomber, tout. Donc t'es pas intéressé par Sandro? Hein? Bah non, sûrement pas, tout. Non. Et par Toff? Hein, que dalle tout, tu vois, truc tout, non, que dalle tout, parce qu'il aime bien se faire attacher sur des croix et se faire sodomiser par de la cire. Moi, je suis là pour déconner, tu vois, tu sais, quand même tout. Ah, d'accord. C'est plaisir de vous entendre, tu vois, ça fait plaisir tout, et enfin bon, moi j'aimerais bien entendre un petit problème qu'il y a dans l'histoire là. Un petit problème qu'il y a dans l'histoire. Mais quelle histoire? Tu vois bien, mais t'es bien de comprendre, tu vois. Ouais. On a compris grave là. Bah écoute, on a bien compris, moi j'ai surtout compris que. Vous savez qu'il y a un appel masqué, peut être masqué. Problème ce soir? Ouais, bah tu l'as entendu ou pas? Bah pas totalement, tu vois. Ah merde, Sauzer a vu des extraterrestres. De bagnole, tu vois, là, j'ai conduit ma bagnole, tu vois, quand je suis sorti de la bagnole, tu vois, j'ai coupé l'histoire en fait. Ah bah d'accord, parce qu'il y a Jean-Pierre Feller qui a vu des extraterrestres chez lui. À Maison Lafitte. Il faut qu'il arrête la drogue, hein, c'est tout. Ah bah voilà, bah ouais, et il faut qu'il arrête de boire, c'est mauvais hein. Hein, bah c'est même pas de boire tout, faut qu'il arrête la coke, tout ce gars-là, tout. Ouais, il faut qu'il arrête tout, ouais. Ah bon, laisse tomber et tout, ouais. Putain, c'est comme fumer un pétard avec de la coke dedans, tout, laisse tomber. Bien sûr, évidemment. Bon bah Flo, bah merci en tout cas d'être passé, hein, on est bien là. Allez, vous êtes super sympa. Bon bah c'est gentil Flo, salut hein. Allez, super. Allez, ciao à toi Flo. Allez, bah voilà, on est bien là, il était à Nantes Flo là, j'espère qu'il va rester ce soir, hein, qu'il n'a pas bougé. Il y a Mme Zelash qui a envoyé aussi un petit message sur le Twitter. Chez moi, du vin plus deux chiennes pour Sandro, une grande salle, une famille géniale. Pas mal, Mme Zelage, pas mal. Félicia qui dit c'est moi qui ai les plus belles fesses de France. Eh ben écoute, pourquoi pas. Bah, on voit la photo, on voit la photo. Jean-Luc qui dit venez chez moi, Toff dormira avec ma grand-mère. Arrête, ça va l'exciter. Ariel qui dit monsieur M sans hésiter. Par contre, Toff n'a pas compris que c'était pas sa tête qu'il fallait montrer. Ah oui, par rapport aux photos où Toff a montré son calbut, évidemment. Hein, donc c'est son horrible cul. Hein. Y a que Polo qui aime bien son cul. Je m'adore. Je me trouve bonne. Ouais, et Antoine qui dit Mickaël, je peux t'emprunter Toff, ma cave, attends. Et puis ça lui ferait le cul si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Y a pas de problème. Allez, restez sur Fun Radio, il est 1h20, on est en direct évidemment, comme tous les soirs, 23h, 2h, tous les soirs de la semaine, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Le dimanche soir également, de 20h à minuit, avant de prendre Anaïs dans quelques minutes, on va se faire le son de Zid maintenant, Zid avec Ali Williams, c'est Stay the Night sur Fun Radio. Zed avec Ali Williams à l'instant, Stay the Night sur Fun Radio, 1h23, on est encore en direct pour 30 minutes, donc allez-y, il y a Anna qui a envoyé un message, qui révisait son partiel en écoutant Mickaël, un bonheur. Je suis mort de rire, oui, mais nous aussi on sera mort de rire quand tu vas faire ton partiel, Anna. Mais c'est bien, nous envoyer le résultat. Ouais, nous on est content que t'écoutes, Anna, bienvenue à toi surtout. Alexis qui dit, je suis en kiff à chaque fois que je vous écoute, je suis au paradis, je vous aime, merci Alexis. Et Guillaume qui dit, merci pour hier, au jeu de la rupture, c'était super, puis j'avais mon message de bienvenue, bien sûr Guillaume, avec plaisir. Vas-y, va te faire enculer, Cola. Voilà, et bienvenue à toi. Bon, il y a des gens qui te demandent encore comment tu peux te faire fouetter, Toff, et comment tu peux te mettre de la cire sur la bite. Donc je n'ai pas mis de cire sur ma bite. Ouais, mais tu t'es fait enculer par de la cire. Non plus. Si, mais arrête, Toff, oh là là. Je crois que t'as un petit problème, parce que tu dis des choses et tu t'en souviens plus. Si, je m'en souviens, mais comment vous faites un amalgame, après vous mélangez tout, j'y peux rien, les gars. Mais donc je ne me suis pas fait enculer par de la cire. Et pas quasiment. Mais non, pas quasiment. Il s'est fait mettre un Mac dans le cul, apparemment. Ouais, voilà. Paraît-il. Il a commencé par l'iPhone, il a pris l'iPad et ensuite il a terminé tout au Mac. Rentré. C'est un mec, il est connecté, Toff. Ouais, je suis entièrement connecté. C'est ça, c'est un truc de dingue. Maintenant, bon. J'ai juste à me rentrer le plug et c'est bon. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez déjà fait des trucs un peu particuliers au niveau cul, genre effectivement des trucs sur la croix comme Toff là, ou ne fût-ce que des petites claques, comment ça s'est passé, des petites fessées avec votre copain, votre copine, qui a lancé le truc, venez, on en parle, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Depuis la Belgique, on peut bien entendu changer votre prénom, votre ville si vous voulez, on s'en fout, hein, peu importe. On n'est pas là pour juger, on est là pour se marrer. Donc allez-y, appelez-nous et on en parle juste après. Le passage de Anaïs qui est avec nous maintenant. On fera d'autres appels avec Toff dans quelques secondes également. Anaïs, tu es là ? Allô ? Bonjour Anaïs. Enfin oh. Bonsoir plutôt, comment ça va ? Bien et vous ? Eh ben ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui va pas Anaïs ? T'as l'air toute triste. Oh bah alors choupinette. Non, je dormais. Ah tu dormais ? Ah merde ! Bah donc on t'a réveillé quoi. Oui, en fait, ça va faire 4 ans que je parle plus à mon père parce qu'on s'était pris la tête. D'accord. Et en fait, je voudrais avoir des conseils parce que 4 ans pour moi ça fait beaucoup, puis c'est mon père quoi. Oui, bah reparle-lui alors. Bah appelle-le. Tu fais son numéro, tu fais allô papa, c'est moi. Ouais, mais. C'est le début d'une chanson ça. Ouais, il a dit j'ai plus de tes nouvelles, t'es plus ma fille. Donc, non Ah bon, mais pourquoi, il s'est passé quoi? Bah en fait il m'appelait que pour savoir si je voulais de l'argent, des cadeaux et tout. C'est déjà pas mal. Et ouais voilà, c'est énervant. Et un jour il m'a appelé sans faire exprès, puis il m'a pas parlé et tout. Et je lui ai fait la réflexion, je lui ai fait j'ai l'impression d'être de la merde à tes yeux et tout. Et donc ça l'a pas aimé, puis il m'a dit maintenant tu sais quoi, t'es plus ma fille, je veux plus tes nouvelles. Bah c'est un peu tendu des deux côtés parce que au final ça c'est le truc alors c'est pas toi que je juge hein, c'est pas ça, c'est juste que bon il t'appelle, c'est vrai que peut-être qu'il est un peu gauche et il t'appelle pour te demander si t'as pas besoin d'oseille etc. Mais là tu dis ouais machin je compte sur toi que pour ça machin va te faire foutre, alors que si t'appelais et qu'il ne te proposait jamais d'oseille ou jamais de quoi, t'aurais dit ouais t'as vu t'es radin, tu proposes jamais rien etc. Donc quel était le problème au final, c'est tu veux quoi comme relation avec ton vieux? Une relation normale. Mais c'est une relation normale. Il est toujours moi qui appelais, donc voilà. Quoi. Je voudrais qu'il vienne à la maison, qu'il m'engueule parce que je rentre tard, qu'il me dise que mes mecs ressemblent à rien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça que tu veux? Non. Non, mais qu'est-ce que tu... C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme relation avec ton père? C'est ça que je veux savoir. Qu'il me parle normalement. Mais ça veut dire quoi, normalement? Il te parle avec un truc dans la bouche? Non, mais tu vois, ça veut dire quoi, normalement? Ça veut rien dire. Je sais pas, c'est difficile parce que... Mais quoi, il parle pas, il te fait des vannes, en fait, c'est quoi l'idée? Non, il me parle même pas, en fait, j'ai l'impression de parler à un mur au téléphone. Mais non, mais il a quel âge? 53. Mais oui, tu sais que quand tu vieillis, c'est, tu sais, les gens, en règle générale, bah, ils ont moins besoin de parler. Tu vois, toi, t'as une vingtaine d'années ou 30 ans, et toi, tu parles, t'as envie de parler, mais c'est pas ton pote, tu vois, c'est ton père. Donc, il va pas te parler de tout et de rien, il a ses... Il a sa vie, t'as ta vie, tu vois. J'ai l'impression d'être un psy, là. C'est beau ce que tu dis, Polo. Son daron, il a fait un enfant qui a 15 ans, et il faut qu'il soit là pour elle aussi, oui, quand non, même, mais, un minimum. Non, mais d'accord. Après, mais lui, oui, par contre, il a été complètement... Non, bah non fait, parce qu'il a dit que c'était plus sa fille. Mais ce qui est con, c'est d'avoir dit tu n'es plus ma fille pour un truc aussi con, quoi. Oui. Mais c'est en fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça qu'elle veut. Oui, elle veut se faire engueuler, elle veut être punie quand elle fait des conneries. Eh ben voilà ta chambre. Au lieu que il appelle juste pour lui filer de la thune et des cadeaux. Voilà. Eh ben c'est déjà pas mal. Moi j'aurais bien voulu. Ah, moi aussi pareil. Hein. Bon moi je te confisque ton portable, tu vas aller dans ta chambre et puis tu seras puni jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Hein, plus de téléphone, plus d'internet, plus de Facebook et tu ne sors pas de ta chambre tant qu'elle n'est pas rangée. Sinon je jette tout par la fenêtre. Je pense qu'on a fait un bon best-of de tout ce qui est possible. Non, c'est pas mal. Hein, tu sais, quand t'as ta chambre pas rangée, t'as toujours le père, la mère qui arrive. Eh bien, si c'est ce soir, ce n'est pas rangé, je jette tout par la fenêtre. Alors que tu sais qu'elle ne le fera jamais, tu vois. Bon, après, il y en a qui le font, mais ça reste quand même rare. Il y en a qui ont pas le temps. Non, mais ça reste rare, mais c'est dire, la mère, en général, va pas tout jeter par la fenêtre, tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut arriver, c'est vrai. Bon, si vous avez des conseils, est-ce que vous avez déjà eu des galères avec vos parents là, père ou mère, appelez-nous justement maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu veux qu'on l'appelle éventuellement je sais pas s'il sera encore debout à cette heure-ci, mais bah ouais, je veux bien. Mais tu l'as plus eu au téléphone depuis combien de temps? 4 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'avais 11. Attends, parce qu'il y a quand même un truc que je comprends pas. Donc ça veut dire que Anaïs aujourd'hui t'as 15 ans. Il y a 4 ans, donc t'avais 11 ans. Et à 11 ans, ouais. Tu lui as dit ce que tu nous as dit tout à l'heure. Donc arrête, machin, tu viens me voir que pour de l'argent, blablabla, blablabla. Ouais, je lui ai dit, je t'aime bien, moi j'ai envie d'avoir une relation entre père et fille, que tu me demandes ce que je fais la journée et tout. Mais alors que, Anaïs, voilà, lui, tes parents sont séparés. Ouais. Ah, d'accord. Parce qu'il y a quand même un truc bizarre, je dis pas que tu me mens, c'est pas ça, mais à 11 ans... Enfin, les cadeaux, moi j'aurais adoré les cadeaux. Mais grave. Moi pareil, attends. Je me serais pas encore rendu compte. Encore à 15 ans aujourd'hui, tu pourrais te dire, attends, moi j'ai envie d'avoir une relation un peu normale avec mon père. C'est gentil qu'il m'offre plein de trucs, mais il y a un moment je préfère autre chose. Mais à 11 ans, c'est bizarre. Oui, mais j'aimais bien. Mais pour moi, c'était comme si c'était un inconnu en fait. Parce que je savais pas comment il allait réagir et tout. Donc voilà, après j'en ai parlé à ma mère, je me sentais pas bien. Elle m'a dit bah dis-lui, puis lui il a pas aimé parce qu'il est très caractériel. Donc D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas. Il y a Adeline qui dit ma mère a déjà tout jeté par la fenêtre. Ah, mais j'avais dit que c'était possible après. Ouais, j'ai pas dit que ça n'arrivait jamais, mais bon, c'est vrai. Le prince qui dit tu préfères que ton père t'engueule plutôt qu'il te fiche la paix. Ah bon. Oui, non, mais après il y a une demi-mesure. Tu vois, tu peux te faire engueuler quand tu fais des conneries. Adeline qui dit venez chez moi, le rêve de voir une radio en direct. Bah écoute, pourquoi pas Adeline. Tu nous as même pas mis dans quelle ville tu étais. Et Jean-Pierre qui dit bonsoir à vous, trop bien votre compagnie. Ah bon, écoute, merci Jean-Pierre. Bah on est content que tu sois là également. Continue avec vos message hein, facebook.com/mikaelofficiel ou alors sur le Twitter également tapez mikael_officiel ou alors vous m'appelez directement là maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon bah écoute, on peut l'appeler maintenant, tu lui parles ou tu veux faire quoi? Bah je veux bien mais bah c'est pas comment qu'il va réagir quoi, je pense qu'il va réagir mal. Bah il y a pas de raison, c'est-à-dire que si le mec il est bien dans sa tête, enfin s'il est pas complètement con hein, je m'excuse, mais si sa fille l'appelle et essaye de renouer, si le mec réagit mal, c'est que c'est un pauvre con. Je suis désolé, hein, c'est ton père, mais c'est ce que je pense. Oui, bah normal. Bon, après, éventuellement, il pourrait réagir mal parce qu'il est 1h30 du matin. Oui, il pourrait quand même mal le vivre. Bon, il pourrait effectivement être surtout surpris. Peut-être pas forcément mal réagir, mais en tout cas être surpris. Tu sais pas du coup s'il est debout encore à cette heure-ci, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas. Il est peut-être au travail, ouais. Ah, il est au boulot, il fait quoi dans la vie? Ou il faisait quoi dans la vie? Gardien de prison, d'accord. Ouais, okay. C'est normal qu'il est dur, il parle pas, il doit être. C'est dur comme métier, donc il avait pas envie, franchement, de s'amuser avec toi, quoi. Non mais d'accord, après, il faut voir. Bon, écoute, on va essayer de l'appeler, on verra bien. Si jamais c'est son répondeur, eh ben on essaiera de l'appeler demain, peut-être un peu plus tôt, voire même dimanche à partir de 20h, ce sera peut-être plus simple de le joindre. Et puis voilà. Si t'arrives à te réconcilier avec lui, tu veux pas lui demander qu'il nous prête une cellule pour qu'on l'enferme teuf dedans? Se fasse fouetter. Oui, ça, c'est okay, pas mal ça. Merci. Ça pourrait l'exciter, ça teuf, non? Aller baiser dans une prison. Mais grave, moi j'aimerais bien. J'aimerais ça et le combi de police me faire arrêter et que la flic elle t'encule avec la matraque. Mais non, pas qu'elle m'encule, voilà, une petite pipe ou voilà, on fait un truc dans le combi. Avec la matraque dans le cul, c'est ça que tu veux. Non, j'ai failli faire dans une... Ouais, c'est ça, il aura la matraque dans le fion dans le combi et il sortira avec la matraque dans le fion pour aller en prison. J'ai failli faire dans une ambulance il y a pas si longtemps que ça. Oh là là. Mais ils ont dû partir en intervention et donc du coup. Bon, bah oui, bah évidemment. Ouais. On a été obligé de faire ça dans la voiture. En fait, c'est moins drôle. C'est la meuf qui a dû dire oui, j'ai une intervention là, il faut que je parte. Parce qu'après elle est revenue et on a fait ça dans sa voiture donc. Ah ouais, moins sympa quoi. Bah c'était moins drôle que sur le brancard quoi. Ouais, bah, évidemment, sur le brancard. Putain. Bah, bon. Ça s'appelle. Oui, oui. Bon, Anaïs, on y va, on appelle ton père, il s'appelle comment lui? Lionel. Bon, écoute, alors vas-y Anaïs, nous on est à côté au pire, hein, si t'as besoin. Ouais, okay. Et puis bah tranquille, et si jamais ça décroche pas, comme je te dis, t'inquiète, on essaiera d'appeler demain, éventuellement, y a pas de soucis, d'accord? Ok. Allez. Ça m'a l'air compromis. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Ah bah hop, malheureusement c'est le répondeur. Bon, Anaïs. Oui. Anaïs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de le rappeler demain ou alors dimanche à partir de 20h. C'est vrai que là il est un peu tard pour appeler le vieux. Hein. Ouais, bah dimanche. Bah écoute, si tu veux, on fait ça comme ça. On garde ton numéro, Anaïs, d'accord? Ok, merci. Bon, allez, bouge pas de là, Anaïs. Je te fais des bisous. Bisous. Salut, on aura Fred dans un instant pour parler des SM. Et puis on a reçu un message qui disait excuse-moi mais la fessée c'est pas vraiment du SM. Non, c'est vrai, non. Encore une fois ça dépend. Comme le lutteur qu'on a eu tout à l'heure, ouais. Qui lui mettait des claques. Mais en fait il mettait tellement de claques ou tellement fort qu'on voyait la trace de sa main sur les fesses de sa main. Ouais, c'est quand même marquant. Ça quoi. C'est quand même violent, je dis pas une petite claque comme ça. Voilà, ça c'est rien. Mais quand c'est violent et que tu vois la trace de la main sur les fesses de la meuf, il y a un moment, pas dire que c'est du SM, mais c'est quand même bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quand c'est juste pour faire vibrer la fesse, ça. Bon, bah, voilà, c'est ça. Bon, on écoute Jason Derulo, Marry Me. Ah non, je l'avais promis aussi, le Justin Timberlake. Attends, je l'ai promis hier. Est-ce que j'ai sous la main le Justin Timberlake? Où est-ce qu'il est, Justin Timberlake? Alors, attendez. C'est vrai que je l'avais promis. On en avait parlé hier et j'ai dit que je le mettrais ce soir. Alors, attendez. Je cherche le Justin Timberlake parce qu'il n'était pas prévu, évidemment. Je viens d'y penser là comme ça maintenant tout de suite. Quel vous voulez de Justin Timberlake? J'ai What Goes Around, Crimea River. Crimea River. Ouais. Ok, d'accord. Sinon, il y avait What Goes Around, mais on l'avait déjà mis. Bah, Crimea River, on va se le mettre maintenant. On est pas mal, hein? Ouais, on va chiller. Ouais, on est pas mal. On va chiller là, c'est pas mal. Attends, il est content, il va mettre la croix là. Ah oui. Ah, il va être très bien là. Allez, c'est parti, Justin Timberlake maintenant sur Fun. On se fait plaisir avec un bon vieux son là, 1h35 du mat. Bienvenue, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat. Et on se met l'excellent son de Justin Timberlake maintenant. C'est Cry Me a River sur Fun Radio. Mickaël No Limit jusqu'à 2h, bienvenue. Bon, il avait fumé un truc à la fin lui, hein. Justin Timberlake avec Cry Me a River sur Fun Radio. Alors il faut quand même que je vous fasse écouter une autre. Alors je sais que c'est pas très dance floor, hein, mais c'est parce que j'ai l'habitude de l'écouter. Du coup quand j'ai écouté celle-là je me suis dit oh bah il manque un truc. Et en fait non, c'est ça la version originale. Mais alors attendez, l'autre alors c'est un groupe avec un chanteur qui est quand même un gros enculé, mais on en parlera pas, ouais. Mais c'est juste pour la chanson. Alors attendez, où est-ce qu'elle est Cry Me a River. Celle que je connaissais, c'est celle-là. Enfin, je la connais l'autre aussi, hein, mais celle que j'ai l'habitude d'écouter, c'est celle-là. D'abord, au début, ça ressemble quand même relativement beaucoup. Enfin, ça ressemble toute la chanson dans l'idée, hein, mais... Alors, écoutez. Jusque-là, ça ressemble. Oui. On dirait la même. Et vous allez voir, alors attention pour les oreilles, hein, évidemment. Jusque-là, c'est pareil. Ouais, d'accord. Oui, c'est la même. Voilà. Jusque là c'est toujours la même. Bon, c'est pas la voix de Justin Timberlake, c'est vrai. Voilà, jusque là tout va bien. C'est après que c'est pas très dance floor. Mais après moi j'aime bien donc. Ah ben on va faire le battle, dites-nous celle que vous préférez, celle-là ou la première. Bon ça c'est la version avec les corones comme on dit. C'est du walk and wall. C'est du walk and wall, comme dirait Jean-Pierre Sauzère. Ah, écoutez. Voilà la différence. Ouais. Celle-là a plus de couilles. C'est pour ça que quand j'ai écouté l'autre, j'ai écouté celle-là plein de fois en fait. Et quand j'ai écouté celle de Justin Timberlake, je me dis, putain, il manque un truc. Je me dis, bah non, c'est la version originale. Voilà, donc ça c'est une reprise d'un groupe de rock qui a décidé de reprendre Justin Timberlake et je le trouve plutôt bien foutu. Voilà. Alors le vote, Polo, version originale ou la reprise? Je préfère celle-là. La reprise. Ah, moi je préfère l'autre, ouais. Je préfère la version originale, ouais. Sandro? Moi j'aime pas la voix du mec qui chante. Celle-là? Oui, mais bon après. On dirait un ado qui chante. Bah oui, il a une voix jeune. Bah dites-nous les autres, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas à vous balancer vos messages maintenant. Stéphanini qui dit enfin mon Cry Me a River. Merci Mickaël, tu es parfait sur ce coup-là. Mais je te remercie Stéphanini. J'espère qu'il nous passera un autre old school, c'est Josh. Oui, oui, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Si vous avez des idées, vous proposez, il n'y a pas de problème. Alors je vais mettre le meilleur vent de celle-là. Voilà. Voilà, ça c'était pour moi la bonne. Et donc donnez-nous vos avis, est-ce que vous préférez la version de Justin Timberlake ou la version donc de Lost Prophets? C'est bizarre de dire Lost Prophets sur fan. Voilà, ça c'est la meilleure. Et Let's Be Fuxy, j'aime les deux versions. Ouais, mais moi aussi bien sûr, mais il y en a bien une que tu préfères plus que l'autre. Voilà, bon, à vous de voter maintenant, hein. Vous nous dites, hashtag et Mickaël. Vous appelez Sandro également, qui nous fera un vrai topo de ce qui se passe au standard. Hein. Ouais, bien sûr. Très bien. Donc 01 42. Hein, t'avais mis aussi une chanson de Michael Jackson qui était reprise par des. Ah ouais, il y en a eu plein. Elle déchirait. Elle était énormissime, c'est les Fall Out Boy. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Ariel qui dit la reprise est cool avec ce petit riff de guitare. Le prince là qui dit elle est moins cucu la praline cette version. Merci Mickaël. Oui, bah ça c'est sûr, ouais. Donc voilà, on lit vos messages et puis bah voilà, donc comme ça vous avez entendu les deux versions maintenant. Si vous connaissiez pas, eh ben vous coucherez moins con comme moi, plus très souvent d'ailleurs. Donc là une c'est Justin Timberlake, la version originale, et l'autre c'est Lost Prophets, comme ça c'est fait. Qu'est-ce que t'en penses toi Frédéric de Charleroi là? Je préfère l'autre version personnellement. La version quoi, de Justin Timberlake, la version originale? Non, la version de Timberlake. Oui, c'est ça, la version de Justin Timberlake. Donc, attends, de qui? La non, première. Pas celle-là, l'autre, Mike. Celle que j'ai mise en. Celle que j'ai mise en entier. Oui. D'accord, donc ouais, celle de Justin. Ouais. Comment son nom de famille, je reviens plus dessus là. Justin comment? Non, tu m'en vas pas sur tes boudins. Oh, si on peut pas rire 5 minutes. On peut plus rire de rien. Attends, on est belge. Donc bah oui. Ah, et attends, il y a Guérôme qui est avec nous également. Alors, parce que dans le standard, tu t'appelles Laisse-moi, Guérôme. Hein. Je suis fatiguée. G-E-R-O-M-E. Hein. Mais en plus, quand je l'ai écrit, je me suis dit, il y a un souci. Ah, sans déconner. Mais je savais pas que t'allais me balancer. Guérôme, tu viens Guedi ou. Bah oui, tu sais qu'on est en janvier. Bah, on est en janvier là. Je vais faire rembourser à la sécu. Tu peux. Bon ben bah, Guérôme. Guérôme, le 9 janvier, tu fais quoi? Ah bah écoute, je vais manger une raclette. Eh bah, ben très bien Guérôme. T'aimes bien Justin Timberlake? Tu préférais laquelle toi, la première ou la deuxième? Ah la deuxième. La deuxième, The Last Prophets. Bon attends, il y a Walid également qui est avec nous. Salut Walid. Salut. Comment ça va Walid? Très très bien, et vous? Bah très bien, ouais. Tu préférais laquelle, toi, la première ou la deuxième? Celle de Justin ou celle de Lost Prophet? Vraiment, en fait, bon, c'est le même rythme. Ah non, pas du tout. Non, le seul truc qui est ressemblant, ce sont les paroles, ouais. Ça c'est vrai. Après, il y a un air qui est à peu près identique, mais après, c'est pas le même rythme, au contraire. Il y en a une qui est un peu plus lente et l'autre qui est plus rapide. On va dire qu'il y a un instrument de plus, mais sinon... Oui, c'est quand même un gros instrument. C'est pas comme si le mec il avait rajouté une petite basse, tu vois, qui s'entend pas. Mais après, tu peux dire que t'as aucune idée, moi ça me dérange pas. Hein. Non. T'en fous, quoi. Mais tu peux aussi dire, va te faire enculer, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. En fait, voilà. T'as pas d'avis. Et surtout que t'as des vrais instruments, et puis l'autre, c'est du numérique. Hein. C'est oui, pas après, des vrais sons. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus... on va pas faire un débat là-dessus. C'était juste comme ça, pour vous faire découvrir une nouvelle version. Quoi. On demande à Jean-Pierre Sauzet aussi, bah, si on un peut débat musical... Il faudrait qu'il reprenne la version de Justin Timberlake, parce qu'il y a Justin Timberlake, il y a Lost Prophets, et il y a Jean-Pierre Sauzet. Ou Jackson. Ah ouais, ou celle de Jackson également. En dédicace pour Sandro. De quoi? Faut que je vous fasse écouter. Que JP Sauzet, que Jean-Pierre Sauzet reprenne la chanson de Jackson. Ouais, parce qu'il est un peu perdu là. Là, on serait bien. Non, mais attendez. Il demande. Ah putain. Et l'autre, je pense qu'il peut revenir, lui mettre une patate et repartir. Non, parce que il y avait celle-là, pour ceux qui connaissent pas, il y avait celle-ci. Je veux bien qu'il revienne me mettre une patate, voilà. Moi perso. Bon, tout le monde connaît celle-là. Trop bien Michael Jackson, t'as vu? Voilà, donc ça tout le monde connaît Michael Jackson, Beat It. Et puis après il y avait cette reprise là que Sandro avait bien aimé, pourtant n'aime pas le rock. Hein. C'était celle-là. Ça ne marche pas. Ah si. Voilà, des Fall Out Boy. Alors écoutez, je vous mets plus loin. Voilà, pour ceux qui connaissent pas non plus, c'est aussi deux reprises. Mais j'aime bien les morceaux comme ça, c'est que t'as des versions originales. Et puis t'as des mecs qui se font, là c'est en rock, mais ça peut être dans n'importe quel kiff, qui se refont un délire comme ça parce qu'ils ont vu, ils sont partis sur un plan et ça les fait marrer. Mais faut préciser que du Jackson en live, la musique c'était ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Ça donnait ça. Hein. C'est vrai, c'est du vrai rock, c'était pas forcément de la pop. Avec voilà. Slash, il faisait des. Exactement, des ouais. Let's Be Free, ce qui dit Jackson version Fall Out Boy, j'adore aussi. Bah voilà, justement, on vient de le mettre, ça tombe bien. Et puis Malcolm ou Philippe, je sais pas, j'imagine que c'est Philippe le prénom, qui dit j'aimerais bien faire un direct, que vous fassiez un direct de chez moi. Bah pourquoi pas, on va venir faire l'émission en direct de chez vous. Clairement, ça va venir dans pas très longtemps, il faut juste savoir où on va aller. Bon, reprenons d'abord Guillaume de Paris. Guillaume. Oui. Ah non, pardon, ça a été changé, c'est marqué Jérôme. Ah merde, on est déçus. Bon, tu voulais parler des SM, puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, tu voulais parler quoi exactement? Ouais, bah là en fait c'est simple, donc la personne avec qui je suis en ce moment, donc pendant qu'on faisait l'amour, on a ça, on dit « Oh, mets-moi des fessées entre guillemets », donc j'y en mets, et à chaque fois que j'y en mets une, elle apprécie très bien, mais à la fin ça c'est un petit peu embêtant parce que pourquoi elle a les marques de la main. Ah quand même, et toi tu frappes comme un bourrin. Ah non, il faut qu'elle sente ça aussi la salope. Hein. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je frappe pas spécialement fort, mais comme c'est répétitif, au bout d'un moment, c'est rouge. Ah. Bon, après, au bout de 5-10 minutes, ça s'en va, mais des fois, on va dire, t'es pris dans le flou d'action, tu dis, mets-moi une PC, allez hop, c'est parti, bing. Mais, et voilà, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Pendant un jour ou deux, mais bon... voilà, après elle me dit ah non j'aime bien, voilà, ça s'arrête là, c'est pas. Oui bon bah d'accord, ok, pourquoi pas. Si après non mais après si elle aime bien, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, mais par contre c'est pas tout le temps. C'est non. Occasionnel. Oui, heureusement, parce que si c'était tout le temps, il y a un moment tu te ferais chier aussi, tu vois. C'est quand tu fais toujours la même chose que tu t'emmerdes. Si t'as la marque de la main sur la fesse, tu peux, c'est une empreinte digitale, tiens, c'est bien moi. Non mais c'est ça. En fait sans ça c'est l'empreinte digitale, il n'y a rien qui s'ouvre. Voilà, oui, t'as tout compris. Ce serait pas mal. Attends, on va prendre. Attends, Guillaume, reste avec nous. Hein. On va prendre Fred qui est avec nous également de Charleroi. Salut Fred. Enfin, re-salut. Salut. Ça va. Salut. Ça va bien. Bonjour à Guillaume ou pas? Salut. Ah bah, Guillaume est là. Hein. Bon, il y a Ariel qui dit aussi, tiens, quand on parlait de musique, il y a la reprise de Smooth Criminal par Alien Farm de Michael Jackson qui est pas mal aussi. Évidemment, bien entendu, Ariel. Et si je peux vous proposer aussi Chris Cornell. Aussi, qui avait fait une reprise de Psycho de Michael Jackson. Elle est magnifique, ouais. Elle est jouissive. Ouais. Voilà, tu l'écoutes, je pense que tu peux avoir un orgasme, Tof. On s'y peut éjaculer comme ça. Vas-y, moi j'y vais. Alors attends, on va essayer. Hey, t'as le temps là, Fred, deux secondes? Ouais, allez-y. Très bien, alors bouge pas. Hein. Attends, bouge pas. Alors, Chris Cornell, qui est ancien d'Audio Slave et de Soundgarden. Voilà, alors écoutez, c'est celle-là. Ah oui, il a bien évolué. Ah oui. Oh c'est bon ça. T'as vu un peu. Tu veux que je te mette une fessée Tof? Vas-y viens. Vas-y essaye. Vas-y viens. Vas-y fouette-moi. Attends vas-y. Vas-y je veux la sentir. Attends. Allez vas-y. Attends on s'équipe pour que vous entendiez bien. On prépare le matériel. Voilà. Allez vas-y. Voilà. Ah oui. Ah. Ah. Il s'est fait tabasser le cul quoi. Attends, il faut le faire plus fort quand attends, je vais en mettre directement au. Voilà, vas-y, on est au top là. Ah ah salope. Allez, Polo, continue, on arrive encore au refrain plus gros là. Ah ah la salope, putain, mais t'es. Il s'est fait mal à la main. Il a le fessier dur le salaud. Voilà ça c'est fait. Donc ça c'est Chris Cornell aussi. Il y a plein de reprises de Michael Jackson comme ça. Pour ceux qui ont bien aimé, faites-moi un mail, je vous filerai les titres avec plaisir. C'est un peu court là, j'avais demi-molle, j'ai pas le temps de. Attends bah vas-y alors je continue. Tu veux. Attends, mais Sandro va te fouetter pour voir si ça va. Ça va aller. Vas-y Sandro, allez. Force ce soir. Oh hein, je suis éclaté. Attends, je remets directement un peu plus loin. Oh là là. Attends, non, mais attendez, parce qu'il m'a défoncé, attendez, là. Attendez, attention, vous êtes prêts? Ouais, ouais, je suis prêt. Vous avez vraiment des jeux chelous, les gars. Attendez, on va se faire en live. C'est moi le SM, le mec. Tu entends, Sandro, tu vois, sur le casque. Polo l'a pas, mais tu sens que ça monte. Et au moment où t'es à l'apogée ou au taquet de la chanson, tu lui mets une patate. Parce que lui, là, le casque, il va bien kiffer. Alors attention, écoute bien. Je te laisse. Attention, vas-y. Attention, attends. Là, ça monte, là, ça monte. Ça monte. Ferme tes yeux, top. On va voir s'il va éjaculer. Elle est chute, ah ouais, là on est dans le SM, là. Attends. Le vrai. Chut. Attention, vas-y, Sandro, quand tu veux. Écoute. Un retour sur couille. Ah ouais, non, là c'est. On peut le fermer avec en lui mettant un chassé. Non, ça va aller. Si tu veux. Allez, on est au top. Vas-y, Sandro, vas-y, attention. Calme-toi. Je me suis fait mal même. C'est dommage parce que c'est là qu'il aurait fallu le coup de grâce. Écoute là. Là c'était le coup de grâce. Mais maintenant on lui fait mais dans la gueule. Ouais. Là c'était le coup de grâce, il fallait tout lui mettre là. Il fallait lui mettre tout. Non mais ça, écoute. Là t'es là, tu le démontes. Allez-y, on recommence encore un coup. Ça va. Bah attends, Tof, je crois que t'aimais bien ça. Non, j'aime pas ça, je te l'ai dit tout à l'heure. Oh là là, déception totale du public quoi. En fait, moi, j'aime pas tous les trucs fouettés, machin et tout. Ah ouais. Non, t'aimes pas. Non, j'aime pas. Ouais. Alors que par contre attaché, les yeux bandés, tous ces trucs là, ouais, mais les fouetter, j'aime pas trop. D'accord, bon bah très bien. Bon voilà, Frédéric, hein, désolé, hein, on a fait la démonstration en direct du SM. Au moins ça c'est fait. Alors Fred, j'aurais bien voulu voir. Alors écoute, il valait mieux pas parce que tu voyais la gueule de Tof en train de crier là. Ah, il hurlait. Une horreur. Enfin. Bon alors Fred, qu'est-ce que tu dis? Je disais ce point d'un. Oui bah c'est ça, ouais. Bon alors, vas-y, on t'écoute Fred, tu voulais nous dire quoi par rapport au SM? Mais je l'ai dit, donc moi ça fait 23 ans que je suis dans le milieu SM, je suis un master. Et tu es un master, un maître. Amateur. Oui. Amateur, ouais. Ou un master? Un maître. Ah, un master. Un maître, donc. Oui, tout à fait, oui. Il y a les maîtres Jedi et il y a les maîtres SM maintenant. Ouais. Ben oui, tout à fait. Je vais dire, j'ai 3 esclaves à disposition. Non. Mais t'es sérieux? Attends, mais genre. Il a des esclaves. Tes esclaves, tu peux les appeler et tout et leur dire de faire des trucs. Exactement. Oh, vas-y, on en appelle un. Mais t'es un ouf! Non, là... Eh ben on va faire l'émission à Charleroi, voilà. Alors, et tu vas appeler tes esclaves, ils vont installer le studio et tout. Mais raconte. Vous pouvez venir, mais alors ce serait dans mon donjon, parce que je suis ici, donc... Dans son donjon. Mais attends, mais Frédéric, tu leur dis que tu leur fais faire quoi, tes esclaves? Mais tout dépend de ce que j'ai envie de faire. La dernière fois, je leur ai fait faire une pyramide. Mais attends, Tof, c'est pas de la famille, là. De quoi? Non, moi, je suis pas dans des trucs comme ça. Non mais c'est pas de la famille à toi, ça pourrait être quelqu'un, tu vois. Non, je crois pas. Ah, je sais pas. Non, je connais pas, non. C'est Charleroi, je connais personne à Charleroi. Ah putain. Il a un donjon, c'est énorme. Et alors vas-y, explique-nous. Alors il arrive, le mec, il est là. Bon, et tu fais quoi avec? Tu lui dis, habille-toi, chien. T'as pas envie de jouer le dimanche quand on fait les jeux de rôle? Mais c'est un peu ça, en fait, ce sont les jeux de rôle, hein, le SM. Ouais, ouais, enfin bon. Mais genre, le truc le plus fou que t'es fait faire, c'est quoi? C'est le fist. Ah ouais, t'as enjaillé Polo. Ah mais Polo il est au top là. Mais c'est un truc de ouf. Mais donc le fist c'est d'insérer la main dans le cul. Le point, oui. Il faut savoir que c'est un fantasme de Polo de pouvoir insérer son point dans un cul. Point à la lit. Ouais, mais ok, mais c'est quoi le... Parce que oui, je sais que ça existe, mais j'ai du mal à concevoir le kiff. De se mettre un point dans le cul. Ouais. Je peux te dire que c'est une jouissance vraiment phénoménale. Moi-même, j'ai été fisté parce que bon, avant de fisser, il faut être fisté. Il faut savoir ce que c'est. Attends, c'est la phrase du jour. Avant de fister, faut avoir fisté. Faut avoir été fisté. Avant de fister, moi-même, j'ai été fisté. Mais c'est normal. C'est l'initiation. C'est-à-dire que tu ne peux pas fister ton prochain si tu n'as pas été fisté toi-même. Ta gueule. Mais et donc. Attends. Et du coup, attends. Et donc tu. Calme-toi, Mickaël, calme-toi. Donc là, du coup, tu pratiques les deux. Oui, je pratique. Oui, t'es in and out. Ah bah d'ailleurs parfois ils font la queue leu-leu, hein, c'est-à-dire que c'est, ils se fichent les uns les autres et après ils font le tour. C'est vous les uns les autres. Les 10 commandements, Dieu. Tu fisteras ton prochain. Ah ouais, c'est ouf. Non, j'ai jamais les trois esclaves en même temps. Ah jamais trois. Non. Jamais les trois en même temps, du moins. Parce qu'après, sinon, ils se rebellent et tout, après, c'est un enfer. Toff est intéressé. Comment est-ce qu'on postule pour être esclave? Allez, Toff. C'est un contrat qu'on passe, je vais dire, entre deux personnes consentantes. D'accord. Donc, par exemple, ici, j'ai un Français, justement, qui arrive le 25 de ce mois-ci, pour passer son contrat avec moi. Et t'as des idées de ce que tu vas lui faire faire? Attends, mais attends, s'il te plaît, j'adore. Moi, t'es mon. Alors t'es. En fait, le contrat, vous le signez devant notaire. Ah oui. Avocat. Ouais. Tu pars un, fais tout. Mais... mais c'est énorme. Non, lui a prouvé. C'est un contrat qu'on passe d'un accord commun pour savoir pour connaître les limites de chacun. Parce et il y a bon... quoi, il y a période d'essai, c'est-à-dire qu'il peut. Il y a des stages ou pas? Est-ce qu'il rembourse les notes de frais? Une période défiste. C'est ça, donc on a droit à quelques-uns. Il vient avec son matériel ou pas? Il fait une déloc. Il les paye en liquide. désolé, c'était obligatoire. C'est génial, non mais c'est génial. Mais disons, ouais, moi c'est mon kiff, quoi. Ça fait 23 ans maintenant que j'y suis dedans. Et Mais alors, est-ce que t'as une vie de famille dite normale à côté ou pas? Oui, tout à fait. Donc t'as une femme, des gosses? Je suis bi, donc pour l'instant je suis seul, mais j'ai des gosses, oui. Est-ce que ça ressemble tes trucs de donjon là? Ça ressemble... T'as vu le reportage, la vistinière? Non, j'ai pas vu. Ah mec, faut que tu regardes. Tape sur Google, tu tapes la fistinière. Je peux pas le mettre sur Facebook parce que sinon je pense qu'il me censure ad vitam aeternam. Mais tu tapes sur Google, tu tapes la fistinière ou sur YouTube et tu vas voir. C'est un truc qui est passé sur M6, hein, qui est passé sur M6 à heure, pas de grande écoute, mais pas loin. Il devait être 11h, je crois, un truc comme ça quand ils l'ont passé. Donc voilà, c'est ça existe, quoi. C'est assez particulier, mais je pense que tu peux kiffer, hein. Ah oui, mais je vais regarder, je vais essayer d'aller voir après. Oh putain, mais c'est... Tu veux pas faire un stage? Non, je veux pas. Non, mais léger. Non, mais... Pas, il te demande ce que tu veux, ce que tu veux pas, donc tu vas dire, voilà, ça je veux pas me faire le coin dans le cul. Le principe dans la personne, c'est qu'on ne casse pas un joueur, tout le monde ne sait plus jouer avec. Donc, bah bien sûr. Et là, faut pas casser le joueur, c'est un peu comme au Monopoly, tu casses ton pion, après t'es dans la merde, quoi. T'es obligé de mettre autre chose. Et sinon, je tiens quand même à remercier notre sous-chef, alias Pedro, pour ne pas le citer, qui m'envoie le lien de la fistinière, qui est le bon patron. Il est à 2h du matin, il est debout, il t'envoie le lien de la fistinière. Et le pire, c'est qu'il me dit cadeau. Ah ben merci, Pedro. Merci beaucoup. Hein. La fistinière... Oui, maintenant, je vois, c'est quoi? C'est connu. C'est connu, c'est très connu même, hein, d'ailleurs. Non, mais moi, le pire dans la fistinière, si vous allez revoir le reportage, ça va être drôle, c'est qu'à un moment, il y a la sœur du patron de la fistinière qui, pendant qu'elle découpe, je pense que c'était son pain ou de la cuisine, enfin, je sais plus ce qu'elle faisait, elle dit, ah, mais moi, mon rêve, ce serait de me faire fister, j'attends que mon frère m'autorise à le faire, et puis après, la bonne nouvelle, c'est que, bah, il l'autorise, oh, et elle est contente, et là... Il y a la chapelle fistine, des trucs comme ouais, ça, ouais, c'est ouais, des la chapelle grands... fistine et tout ça, non mais ouais. C'est exceptionnel. Oh mais Toff, vas-y s'il te plaît, Toff, je te filme. Non mais avec un mec je pourrais pas déjà. Mais non mais t'es pas obligé de faire des trucs dégueulasses. Non, en plus c'est ça qui est bien, non, tu peux pas. De toute façon il y a des maîtresses, hein. Il y a des maîtresses, voilà, non mais voilà, c'est ça. Si avec une maîtresse il y a des trucs peut-être que j'essaierai. Putain, je vois Jatoff arriver devant la vitre là, oh, à quatre pattes avec une laisse. En cuir comme dans Avec une boule dans la bouche. Avec un costume en cuir rouge, mais on voit ses fesses. Oh, mais quelle horreur. Oui, mais ça fait partie des trucs, je pense, qui m'exciteraient pas du tout. Ah bon? Le costume? J'ai eu peur, je croyais qu'il y a dit ça, c'est un truc qui me fait. C'est un truc qui peut m'exciter. Il y a une maîtresse. Avec un serre-tête avec des oreilles de diable. Puis on le met sur un plat à Noël. Cela dit, si vous êtes maîtresse et que vous voulez passer à la radio et que vous voulez vous occuper de Toff, n'hésitez pas. En live dans l'émission, pas de problème. Oh, on va se marrer. Je peux payer le transport. Ah bah, jusqu'à la radio. Je participe au truc, moi. Oh, moi je veux le faire, se faire marcher dessus, se faire traîner comme un sac de merde. Si vous êtes maîtresse et que ça vous intéresse, franchement, vous venez à la radio, j'ai pas un de problème. Pote, j'ai un pote qui s'appelle JB. Et ouais. Il aime ça aussi. Il c'est aime vrai se faire battre des trucs comme ça. Ouais, ouais je sais. Ouais, je... Se faire traîner dans la boue comme une merde et tout. Il paraît. Et dans les trucs au fond de la radio surtout. Paradis, là où il y a des cadeaux. Bien entendu. Bon, attends, il y a Walid aussi qui est avec nous de Lille. Salut Walid. Ouais, salut. Comment ça va? Très très bien. Bon, bah, bienvenue à toi. Alors, comment ça se passe, Walid? Toi aussi, tu t'aimes bien ça? Pour ça, non. Surtout pas. Ah bon, mais t'aimes quoi alors? Bah moi, je suis vraiment hétéro. Bon, voilà. Le ouais, mais tu peux être SM sans pour autant être gay, hein. Ouais, ça m'est arrivé un truc, en fait, chelou. Ouais. J'étais, en fait, je rentre dans un bar, je vois une meuf, je parle avec. Elle était tout le temps assise sur le tabouret, sur le bar, sans bouger, en fin de soirée. On bouge, on va chez moi. Elle était trop petite par rapport à moi, en fait. Elle m'arrivait à la taille. C'était, bon, tranquille, quoi. Je rentre chez moi, nana, on commence à faire l'amour. Et à un moment, je la prends en levrette. Et il y a une tête qui me dit de la prendre, en fait. Elle a levé comme ça. Il y a une tête qui te dit de la prendre. C'est-à-dire une meuf. Bah, qui me dit de la lever, en fait. Elle a pris. Mais quelle tête? Quelle tête? Attends. D'où sort la tête? Je comprends pas. Peut-être alcool, peut-être, je sais pas. Ah, l'alcool, ah, oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ça, bah, d'accord. Oui, bah alors disons ça, ouais, d'accord, ok. Non, mais ça, d'accord. Et puis en fait, je l'avais pris en levrette et en posant mon verre sur son dos. Et il y avait un moment, je l'ai pris avec le verre et sans le faire tomber, j'ai fait en fait mon petit appart tranquille et je l'ai reposé sur le lit. Et ça m'a plu une semaine comme ça, en fait. D'accord, je n'ai rien compris. Mais ça va, c'est quoi, okay, je croyais que c'était moi, mais en fait, non, ça va. D'accord, ok. En fait, c'est comme une brouette. Je l'ai appelée la brouette, en fait. Ah, tu appelles la brouette. Mais et la tête, elle est encore là? Mais normal. Et le verre, t'en as fait tomber ou pas de liquide qui est venu? Non, il n'y a rien qui est tombé. C'était tout léger, c'était... Ah bon, et tu l'as bu après dimension le verre, ou tu l'as laissé une semaine sur son dos? Je buvais des gouttes, en fait, en marchant. Okay. Non, mais d'accord. Je buvais des gouttes. Bien sûr. Mm-hmm. Sinon, tout va bien. Mais oui, tout va bien. En ouais. La pénétrant. D'accord. Ah, bah, bien sûr, bah, c'est important. Et, alors, parce que parfois aussi, toi. Ouais. Pour voir s'il y a du lait. Mais oh. Walid, t'es esclave ou t'es maître? Je suis plus maître. Ah ouais, j'aurais pas cru, tiens. D'accord. Il y a un message d'Eva qui dit: je viens de rigoler, vous ne pouvez pas savoir, mes parents n'ont pas entendu, ouf. Stéphanie qui dit: il y a une tête qui me dit de la prendre, je vais pas m'en remettre. Dissot également sur le Twitter qui dit: un mec sur un chat m'a proposé ce genre de plan, je devais être sa maîtresse. Le pire c'est qu'il habite dans ma ville. Ah ouais, carrément. Et le prince Nadia qui dit: Mickaël, l'image de la queue leu-leu en se fistant les uns les autres, je crois que je vais pas pouvoir pas poursuivre plus longtemps. Et alors Lydie aussi qui dit: je n'ai rien compris son histoire avec la tête et le verre sur le dos de la fille, c'est quoi son délire? Je ne sais pas. Et Stéphanie qui dit: moi aussi je veux un esclave sexuel. Let's be freaks, il dit: avant de fister il faut se faire fister. Et Nadia qui dit: tu fisteras ton prochain. Et alors de Boy Boy qui dit: je lui mettrai bien une grosse fessée, moi, à Tof, il pourra plus s'asseoir pendant 15 jours. Eh bien viens de Boy Boy, Tof t'attend avec plaisir. On remettra la chanson de Chris Cornell. Bah, avec plaisir. Ah bah tu vois, voilà, je savais qu'il aimerait bien. Bon bah très bien, bah merci Walid pour la petite histoire, hein. Je vous en prie. Écoute, avec plaisir, tu reviens quand tu veux, hein. Merci. Je te repasse maîtresse Sandra. D'accord. Elle va te mettre bien. Voilà. Je te repasse maîtresse Sandra. Avec son esclave là. Voilà, avec le stagiaire. Il est attaché avec le téléphone. Je suis sa maîtresse. Voilà. Je te passe mon esclave. Salut Walid. Salut Walid. A bientôt. Salut. Ciao à toi. Jérôme, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Ça marche. Salut, à bientôt Jérôme. Ciao, bye bye Jérôme. Et Fred, encore un truc à ajouter ou Tof, puisqu'on a quand même quelqu'un que tu aimes, tu vois, qui fait un truc exceptionnel. Est-ce que t'as pas des questions à poser à Fred? Non, moi ça va aller. Non, t'es sûr? Non, oui, bah, de toute façon, on va garder son numéro à Fred. Ah oui, bah oui, on va venir avec Tof, on va faire des trucs, on va se filmer et tout. Non, c'est pas, non. Comment tu dis ? Arrête de faire ton, arrête de faire le bouffon là. Mais non, c'est mais ça. Putain, il m'énerve ce mec. Il fait son cinéma toute la journée. On est dans le bureau, il me raconte qu'il a envie de se faire battre le cul et tout, des trucs comme ça. Et là, il fait. Et je rappelle qu'il se met, il se fait attacher sur une croix et il se fait enculer à la cire. À la cire d'abeille. Tout simplement que sa mère écoutait ce soir, Polo. Pas du tout. Alors donc, en fait. Donc, mais je veux bien le faire avec une meuf, et mais elle m'enculera pas et elle mettra pas de cire dans le cul. Et si c'est JB qui le fait ? Si c'est JB, c'est différent. Ah, je savais. Voilà, c'était sûr. Le retour c'était sûr. Du vieux couple. Exactement. Bon, bah, merci Frédéric en tout cas pour l'histoire. Hein. Mais de rien, en tout cas, vous êtes une équipe vraiment sympa et je vous souhaite beaucoup de continuation en tout cas. Eh ben merci beaucoup. Et quand tu passes à la radio, t'hésites pas, hein, tu viens avec toute la clique. Hein. Et viens fister. Ramène tes esclaves et tout le merdier. Ah ouais, ouais, y a pas de problème. Ah ouais, là, là, là. Et tu pourras dire à Toff. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, tu pourras lui dire ça, tu pourras lui dire plein de trucs, ça va être énorme, d'accord ? D'accord, ok. Bon, allez, salut Fred, à bientôt, merci beaucoup. Salut, ciao. Allez, ciao, bye. Eh ben dis donc. On en a appris des choses. Hein. C'est un truc de dingue. Ah bah là, c'est la on folie. On a vécu quoi. Un moment. De ouf. Un truc de dingue. Il y a Alexis qui dit, faites un direct dans le 7-6 sur Lillebonne. Vous êtes géniaux. Je vous écoute tous les soirs. C'est génial. Merci beaucoup, mais Alexis. On peut pas aller faire un direct à la fistinière à la bah oui, bah oui. Bah, comme ça, ils nous apprendront à fister les uns les autres. Bien sûr. Direction la fistinière avec plaisir. Bon, on va se faire surtout le top tweetos là maintenant. Là, c'est parti. Top tweetos. Je rappelle qu'on file le cadeau. Bah, le sextoy offert par... PassageDuDésir.fr. D'ailleurs, ces 30 dernières minutes de l'émission étaient sponsorisées par PassageDuDésir.fr. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Top Twito, c'est le numéro 4 qui gagne ce soir. Tu ne peux pas fister. Sauf. Sauf tu n'as pas été fisté toi-même. Ouais, sauf si le 4ème a déjà gagné. Oui. À ce moment-là, ce sera le 5ème. Si le 5ème a gagné, c'est le 6ème. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. D'accord. Numéro 5. Sheepers Baby. Numéro 3. Cédric. Numéro 2. Numéro 2. Attends parce que je suis perdu là. Let's be freaks. Numéro 1. Félicia. Et enfin donc le numéro 4, le gagnant. Quel est le numéro 4 du top tweetos? Magda, mais je crois qu'elle a déjà gagné. Ah elle a déjà gagné Magda, ouais. Donc numéro 5, elle a déjà gagné. Ilou, elle a gagné, je sais plus qui ouais, c'était. Ils ont tous gagné je crois jusqu'à. Donc ce sera Marine. Marine qui est classée 163ème. Non elle est 8ème. Ah 8ème d'accord. Bah bravo Marine. Bravo Marine, bravo. Le sextoy que tu viens de gagner, offert par PassageDuDésir.fr. Voilà. Let's be fixed, je veux bien le nom du dealer. Le nom du dealer du mec là. Ouais. Je pense que à mon avis ils vont en faire de la bonne lui hein. Ça c'est certain hein, en effet. Bon, on se fait le petit générique de fin là. Mais oui. Allez, mais c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu vas te faire fister, c'est toi qui vas kiffer. L'enculé, t'encules ton oncle. T'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'en va aller se faire défoncer sur sa croix. Il va se faire enculer par de la Cyril. La journée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Top s'est fait enculer par de la cire. Eh oui. Si tu n'as pas fisté, tu ne peux pas fister. Exactement. Cette phrase. Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Mais oui. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. C'est toi l'enculé, t'es un enculeur. Et toi ton oncle c'est l'enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh ben ah. Voilà, monsieur Lilou est de retour évidemment. Ah ouais. Bon ben merci en tout cas d'avoir été là ce soir. On s'est bien marré là, surtout sur la fin. Tu avec, ne peux pas fister si tu n'as pas été fisté, c'est. Enfin je sais pas, je reste c'est sans voix. C'est la règle. That's the rule, motherfucker. Non mais je reste sans voix moi. Ah ouais mais. Et c'est top, comme ça. On y va. Où ça? Bah dans un truc de donjon là, tu vas te faire dominer et tout. Mais je t'ai envoyé un lien là. Arrête. C'est ouf. Là, tu je pense que tu vas y réfléchir à deux fois une fois que t'auras vu le lien. Il y a Ariel qui dit Mickaël, cette émission va rester dans les annales. Oui bah surtout dans quelques-uns hein, à mon avis, hein, ça c'est sûr. Bon bah merci en tout cas, gros bisous tout le monde, merci à tous d'avoir été là ce soir, d'avoir été connectés. Vous avez été très nombreux à débarquer notamment sur le Twitter ce soir avec Denis qui était là, il y avait Quentin, il y avait Julien, il y avait Nerox, il y avait Thomas aussi qui était là, il y avait Just971. Aline, Benjamin, Cyril qui était, il y avait beaucoup qui étaient connectés ce soir, le prince Nadia bien sûr, il y avait Jojo, etc., etc. Merci beaucoup sur le Facebook également, facebook.com/mikaelofficiel. On se retrouve avec plaisir demain pour la dernière de la semaine. Et puis encore avec les 200 euros bien entendu qu'on vous offrira dès 23h sur Fun Radio. Demain le retour des 23h. Passez une bonne nuit tout le monde. 23h, 2h. Fuck Mikael No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est l'ami JB dans la radio. Oh, oh, oh. Je peux donner une fessée à Toff. Attends, alors, attends, il faut que je remette toute la musique. Alors, ça t'excite, hein, mon cochon. Attends. Ah, ça te plaît. Hein. Allez, ramène ton boule. Attends. Alors, attendez. C'est levé tout. Il faut que je remette la musique. Elle est chaude, la JB. Hein. Vas-y. Allez, viens, mec. Attends, dis-moi un top au meilleur moment de la musique. Attends. JB, il est où? Quand il recommence à chanter, quand tu fais Berlin Chill. Alors, attends. Non, mais t'enflamme pas non plus. Attends, JB. Fais-toi un kiff. Mais je suis droitier, viens par là. Attention. Parole comme go. Encore. Ça va aller. Attends, je récupère ma main. Encore. Allez. Et là on est au top là, on est au top, écoute. Casse-toi. Ah, t'arrêtes là, j'y vais. Bah, il veut. Je lui ai fait mal quand même. Fais chier Polo pour voir. Ouais, Polo, allez, vas-y. Je pense qu'il me fait mal aussi. Vas-y, vas-y, Polo. Vas-y, me mets pas un doigt. Vas-y, fais attention, mec. Vas-y. On préfère deux ou trois. Une seule. Non, vas-y. Mais doigt. Un, trois. Là, on est au top. C'est con. C'est quoi, ça m'excite. JB va finir maître SM, il va nous appeler, il va faire oui, j'ai trois esclaves. Tu veux que je te présente Fred qu'on avait dans le standard là? Non. Non, sinon il y a pas de problème. Ouais, mais bon, non. En plus, Charleroi, tu connais bien. Ah bah oui, c'est ça, il connaît plutôt pas mal, donc tu pourras aller là-bas. Mont-sur-Marché, oui, c'est à côté, c'est pareil. Ouais, mais bon, les gars. Ah oui, mais bon. Bon, JB qui a prévu quoi? Plein de musique SM ce soir? C'est SM Radio la nuit avec le CD de la fistinière. Le best-of. Avec SM tout seul, c'est SM tout seul dans l'émission, c'est cool. Hein? Eh mais attendez un peu là, quoi? Je viens d'y réfléchir, maintenant qu'on a un petit peu de temps là. On n'est pas à 30 secondes avec ton émission là de toute façon. Non, bien sûr, on est voilà. Là. Bon bah, très bien. Alors attends, je veux juste. J'ai très peur. Pourquoi? Faut pas mec, t'inquiète, attends une seconde. Ah, attendez. C'est musical? Qui va se passer? Pas vraiment musical, mais alors attends. Il faut que je gère le dos là. Alors attends. Je peux refaire une face en attendant toi? Ah bah non. Si tu veux, bah bien sûr. Ouais Sandro. Ah Sandro. Ouais Sandro. Tu vas me faire mal. Non je vais. Si non. Tu vas me faire mal. Alors attendez. Parce que je l'ai là. Ce n'est que partir en mise Sandro. Ça vous donne une idée de l'ambiance de la fistinière. Ça c'est le début du reportage. Fistouille. Là il appelle ça le chat. C'est le chat. Fistouille. C'est le chat. Non c'est Fistouille le chat. Fistouille. Ah, fistouille. Le chat s'appelle 49 fucking years old. Il y a très longtemps, il y a, je sais pas, 27 ans, 28 ans, dans un sauna à Paris, au détour d'un couloir, je suis tombé face à face avec deux garçons qui pratiquaient ça. Alors je suis resté écoutez. Étonné, ouais. Émerveillé, parce que pour moi... Ah merde, une erreur s'est produite, bah pourquoi? Bah qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu une erreur? On était en plein dans le délire là, on était bien là. On est resté en plein émerveillé. Ah bah oui, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah merde, y a plus internet. Oh merde, tu vas voir, c'est la radio, ils ont coupé. Qu'est-ce qu'ils regardaient les filles des trucs de fils là? C'est la direction encore. Ah bah oui, forcément. Jérôme, attends, t'as Jérôme. Le bras long toi, vas-y, tu peux demander à Jérôme le Jérôme, radio de remettre le truc. Remets le web. Bah remets internet là, Jérôme là, t'as fait quoi là? Allez. Attends, je réessaye encore un coup là, attends, je rebranche le truc. Attends, j'allais vous présenter le truc pour ceux qui n'ont pas internet sous la main là. On est à émerveiller. Ben on était à émerveiller alors. Ah ben non, ben là il n'y a plus rien du tout. Hein. Ah ben voilà, adresse introuvable. Hein. Ah ben voilà, donc ça a été coupé là. Ah putain, je suis déçu. Oh, c'est pas sérieux, on arrête pas le fist. Attends, je réessaye. Hein. La musique attend. Hein. Bah, écoute, ah ça y est, on est bon là. Parfait, hein. Attendez, je vous le remets. Et il était émerveillé. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Ah bah oui. Anatomiquement parlant. Ah bah. C'était bien réel. Et en voyant mon expression, mon attitude, le donneur, enfin le fister, a bien voulu me laisser la place pour que je pratique. Quelle bonté. Et lors de ma première rencontre, j'ai touché le sujet au cœur de l'action. Et là, c'était vraiment sensationnel. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était magnifique. Et donc là, il remonte la petite maison, etc. Alors attendez, je vais vous mettre le moment où il a rencontré Juan Carlos. Juan Carlos. Pour moi, le fils, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais même pas idée que c'était un truc pour moi. Ouais, bah alors même plus loin. Une telle jouissance. La musique, c'est énorme. On voit l'expression des personnes qui se font fister avec cette jouissance-là. On a l'impression qu'ils sont rentrés en transe. Ah bah oui. C'est magnifique. Ils parlent des langues inconnues. Ils émettent des bruits complètement. Ah bah ils souffrent. Je dirais non humain. Non humain, oui, bah c'est sûr. Attendez, parce qu'il y a maman. Et voilà quoi. Et Eric, qui était avec vous là. Voilà. Hier soir, c'est lui que j'ai massacré. Ça court pas les rues, quoi. Ah non, ça court pas les rues. Challenge avec l'autre avec qui j'ai dit tout à l'heure, c'est double fist. Avant dimanche. Double fist. Je dis simplement qu'il y a beaucoup d'hétéros qui ont des relations gays comme ça. Je veux dire, même parfois un peu hard, quoi. Des mecs, ça aussi, voilà, c'est des fantasmes, quoi. Ah, c'est fantasme. Le mec, il est en Afghanistan, il retrouve sa femme, il vient de se faire enculer à l'hôtel à côté de la casino. On a des beaux petits mecs. Ouais, non, ça peut arriver. C'était du lourd, hein. Et il rigole, un petit accident. Alors attendez, je vais essayer de trouver le moment où il y a la sœur qui demande à ton frère d'y aller. Là. Cette relation. Alors attendez. On sait que d'après nos pratiques, on se rencontrera. Voilà. T'as un sens. Vous pouvez plus loin, je découvre en même temps. Et donc, d'être bien dans leur vie. Ah voilà. Ah merde, je crois qu'ils ont viré la scène de la sœur. Oh merde. Ah, je suis déçu, il n'y a plus la sœur là. J'essaie de chercher quand elle fait son pain là, mais non, je pense que... Quand elle fait son pain. Ouais. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé. Sinon la fistinière vous souhaite une bonne année. Alors attendez. En fait, deux mois, j'ai... Voilà, je suis... Et le plaisir, mais il vient tout seul, parce que moi j'arrive à... Ça m'est déjà arrivé de jouir en même temps que le garçon. Ouais. Tu vois, c'est une osmose qui se passe comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Quand il y a Panelli, c'est arrivé une ou deux fois. Alors ça là, le balax. Tu manques, il y a quelque chose qui manque ici. On est tous les trois, on fait un ensemble, c'est un trio. Oui. Voilà, on a monté un bébé et... Un beau bébé. Ah merde, je crois qu'il est passé. Ah, je sais plus si elle est là, la meuf, quand elle va demander à... Ah merde, c'est peut-être avant alors. François, j'ai dit voilà, on me propose. Ah voilà. Voilà. Ça, au début, il n'était pas trop d'accord, François. Début, François et Juan, c'est normal. Tu vas dans une salle de baise où tu rencontres, c'est à côté de ta sœur. Bah, il y a quand même des limites et des pas à franchir. Et j'ai eu un jour un client qui m'a proposé, tout simplement, si j'avais envie de le fister, j'avais très envie. J'ai demandé l'autorisation à François, j'ai dit voilà, on me propose, est-ce que je peux? Bon, il me dit oui, vas-y, monte après tout. Et puis, donc, ce client est devenu mon parrain, il m'a dit je vais être ton parrain. Donc, il m'a dit, j'ai dit tu me guides. Et puis, il n'y a pas eu besoin de guider parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette salle de jeu, j'ai senti toutes ces odeurs de. Dégueulasse. Le cuir et tout ça. D'abord, je suis un petit peu fétichisme aussi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup excité. Ah ouais, ben voilà, on restera sur ces paroles. Je pense que c'est bon, là. Merci pour les commentaires au cœur du sujet, Michel. Merde, par contre, il faut aimer se faire fister parce que c'est quand même 85 euros la soirée. Ah, quand même. Ah ouais, ça n'est pas donné alors. C'est combien le fist? Ah oui, c'est même plus cher. Le fist, c'est gratuit une fois que t'es dans la soirée. Après, d'accord. Après, c'est à volonté. Je pensais après, que c'était. Tu trouves un mec pour te mettre un point et puis c'est bon. Mais oui, voilà. Et mais désolé, on a un peu galéré à trouver la sœur. Alors que si j'avais lu le message que le sous-chef avait envoyé, il m'a dit c'est au bout de 5 minutes. Ah, désolé, merde, on aurait gagné un petit peu de temps là. Déception totale, déception. Bon, ben voilà, la fistinière, vous tapez sur YouTube et vous le trouverez sans problème. Sinon, le logo est magnifique. Hein. Le logo de la fistinière est magnifique. Allez voir sur Google Images. Il y a un message qui dit ça me fait mal au cœur, rien d'y penser. Oui, bah c'est normal en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'une main complète. Enfin bref. On va se quitter là. À faire, ça doit être sympa quand même. Eh ben pas de problème, j'y vais quand tu veux, gueule. Non, pas recevoir, mais affaire à une femme, justement. Mais t'es sérieux là? On essaye son rôle. Il est con. L'autre il est complètement barré là. Il est où? Il est complètement pas fini, Roger là. Complètement pas fini. Bon, et si on se mettait une bonne musique de fist? Ouais, allez. Qui donne envie, quoi. Allez. Tu vois? Ah, bien, Sandro. Là, t'es là, t'arrives, t'as le poing ouvert, puis tu fermes le poing petit à petit, un peu comme l'avion qui atterrit. Le double, comme ça. Le double. Un peu comme l'avion qui atterrit comme ça. Et au moment où il pousse la piste, hop, ça se referme comme ça, et paf! Tu vois? Faut être dans le délire. Allez, c'est JB la nuit. Fisterman, c'est le master. I got my eyes on you. You're everything that I see. I won't show high love and emotion.